2.0 sur Énergie. Allez, sur Énergie, bonsoir tout le monde. Bienvenue, 21h minuit, on se fait tout l'été là, avec vous jusqu'au 15 juillet, jusqu'à vendredi. On est ensemble pour faire les soirées d'énergie, pour rigoler tous ensemble. On sera Aloha tout à l'heure, justement, qui sera là. Moum, déchire le morceau, on s'écoutera en entier. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, les gars. On se retrouve hein, comme tous les soirs. Vous voulez venir délire avec nous, vous êtes à la maison ici. Le standard est complètement allumé, donc vous pouvez nous appeler hein, déjà 0800 70 42 48. Mais je dis de la merde, puisque ce soir, il n'y a personne qui répond au téléphone. En fait, je vous explique. J'ai une roue à la fin de chaque émission. Je fais tourner la roue pour l'été, hein, juste Guillaume Radio 2.0, même l'été. Et ça me définit le nombre de personnes qui est avec moi chaque soir. Et qui est avec moi chaque soir? Il peut y avoir aussi certains d'entre vous. On fait des tirages au sort par SMS. Quand ça tombe sur auditeur, bah, on fait un tirage au sort par SMS. Là, c'est tombé juste sur Flo des cadeaux. Bonsoir, Flo des cadeaux. Salut Guillaume, voilà. Bon anniversaire. Voilà. Bon anniversaire de l'émission. Ça fait 5 ans qu'on fait l'émission ce soir. Merci beaucoup. C'est 5 ans qu'on fait l'émission aujourd'hui, depuis le 11 juillet 2011. On est le 11 juillet 2016 aujourd'hui. On est en direct, hein, la France qui a malheureusement perdu hier. On reste en direct même l'été. Je suis donc ce soir que avec Flo des cadeaux. Ouais, salut et tout que le monde. Avec JM du standard. Salut Guillaume, salut voilà, à tous. Nous sommes 3. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Demain on sera peut-être 8, on sera peut-être 9, demain on sera peut-être tout seul. On fait tourner la roue à la fin à chaque fois de l'émission et c'est un peu suspense, voilà. Donc je vais vous expliquer un truc les gars, on se fait l'émission comme dans les années 80 encore une fois. J'ai personne au standard, voilà. C'est vrai. Voilà. Non mais vraiment, c'est-à-dire que vous pouvez m'envoyer des messages, je vais les lire. Quand j'envoie une musique, je vais répondre au téléphone, etc. Je vous rappelle avec plaisir, etc. Et voilà, on le fait vraiment à l'ancienne comme dans les années 80. Je vais peut-être demander à WF, l'animateur qui était avant nous, de nous aider au standard ce soir. Ça peut le faire rigoler. Mais on fait de la radio à l'ancienne. Donc si vous voulez venir délire avec nous, vous êtes à la maison comme tous les lundis. On se fera le jeu des faits divers. Flo des cadeaux, ouais. Tu nous raconteras 10 faits divers, des vrais et des pas vrais. Faudra deviner lesquels sont vrais, lesquels sont vrais. Attends, WF, tu viens nous aider sur la 12 là. J'ai Nadine. Ah merci là. Non, on va pas. T'es arrivé à 15h toi aujourd'hui là. Ouais bah moi je suis là depuis 15h. Bon allez, fait 15h21h. Et bah tu vas faire le standard. Voilà, merci beaucoup. Bon, allez, en tout cas, juste par SMS, hein, uniquement ce soir, donc ça va être très rapide. Je vais lire beaucoup plus de messages. On va le faire vraiment à l'ancienne. Vous envoyez un texto en tapant Guillaume au début et vous me le balancez au 6 11 12. C'est vraiment rapide, hein, c'est-à-dire que je les vois à l'antenne. Là, salut Guillaume et l'équipe, je m'appelle Océane. Je viens du 411. Je voudrais passer un joyeux anniversaire à mon papa Sylvain Barriento. Salut. Qu'on appelle Babar en direct, car c'est un grand fan de vous, comme tout comme moi. On vous écoute à peu près tous les soirs. Ah, bah, c'est gentil, les mecs. Merci. Truc de ouf, je t'ai vu à très Lazé vendredi soir, c'est moi qui t'ai fait dédicacer mon livre. Ah bah je t'embrasse mon gros, salut Quentin là. On est venu animer un concert à Angers, vous étiez 45 000. C'était génial. C'est énorme. Vraiment Angers là, c'était vraiment un kiff absolu là. Alors attends, je croyais que c'était un truc qui tapait, qui s'est claqué, en fait c'est dans la musique. Derrière il y a un claque. Ah ouais. Claque tous les 20 secondes. Salut la Dream Team, on est avec vous pour une dernière semaine de rire et conneries en tout genre. Bonne soirée mes potos, coucou de la Team RCA. Et ben bonsoir à Ghost 18, à Somain. Joyeux anniversaire pour votre émission, 5 ans aujourd'hui. Ah ouais. J'ai été voir en avant-première L'Âge de Glace, j'ai reconnu ta voix, j'ai adoré le personnage Julien. Julian, salut Amandine, 27 ans. Eh ben je t'embrasse Amandine. Le mammouth. Gros bisous Amandine, merci, merci à toi. J'ai eu mon brevet avec mention très bien, je fais la fête, je suis raide comme ma queue. Bah, très bien. Amuse-toi bien. C'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 15 ans. Et ben voilà, ma petite bon dédicace, vous pouvez y aller. Bon anniversaire les chiens, 11 juillet aujourd'hui. Hein. Guillaume et votre texto là au 6, 11, 12 pour faire les petites dédicaces. On va retrouver John qui nous a appelé. Ça va mon John? Bien toi? Eh ben très bien aussi, hein, l'ancienne. Vous allez bien? Thank you, papa! J'ai envie de dire bon anniversaire. Hein. Et happy birthday! Ouais, c'est l'anniversaire de l'émission, je suis trop content. 5 ans. Voilà, 11 juillet. C'est fou, hein. Putain, c'est énorme, ah, 5 ans. Et c'est un lundi aussi. C'est l'anniversaire. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Flo des cadeaux? C'était un lundi aussi. Et c'était un lundi. Ouais. Ah ouais, ouais, putain, c'est vrai. Ah ouais, ouais. Ah ouais, comment tu sais? Bah parce qu'on en a parlé cet après-midi avec Julien le stagiaire. Ah, il était là au début. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a tout le monde en fait dans l'émission qui est toujours dans les locaux et il n'y a personne qui est parti en vacances. C'est juste qu'en fait, on fait tourner nos roues et ceux qui ont le droit de parler, c'est un petit peu la roue des copains. Ouais, c'est ça. On le fait chaque jour. Je me suis fait renverser par une voiture. Si tu pourrais le raconter, appelle-moi et toi avec plaisir. Salut aux galets de saucisses de Dinard. Salut. Salut les mecs, JM du standard, tais-toi Alexia. Non, du ça fait 5 ans d'émission, ça fait 5 ans que je vous écoute. Bon anniversaire les potos. La qualité ne peut qu'amener, ne peut amener que de la réussite. Merci gosse du 18. Merci. Journée merci. Au top à Astérix et bon anniversaire à l'émission Alan du 60. C'est l'anniversaire de ma fille Chloé. C'est une spéciale anniversaire. Ouais, bonsoir, j'ai anniversaire les potos, vous faites kiffer, tu déchires tout, toi mon Guillaume, merci beaucoup. Les potos, Thomas du 27. J'ai eu mon brevet aussi. Bah, félicitations, secouez les brevets. Bravo. Il y en a qui dit merci à l'équipe de France, il y en a qui disent nique le Portugal, je vois les messages. Ah, ouais. Ouais, non. Non, on embrasse les deux. Ouais. On embrasse les deux. Tu l'as vu le match hier, John, ou pas? Est-ce que tu as suivi un peu? Ouais, non, mais franchement, il y a eu 2 ans de jeu du Portugal. Ouais, franchement. Alors moi je suis pas spécialiste du foot mais putain quand il a attrappé la tête ouais, le portugais là, tendu, là. Ouais, à l'extérieur ouais. Il est un peu c'est un peu une pute lui hein, ah, il paraît, ouais. Charisma là ouais. Ça donne envie de faire des jeux de mots et Charisma mais enfin, et ouais il y avait un autre truc aussi, il y a eu 2-3 trucs où ouais. Tu dis tiens le mec oui, sort plus vite. Il y avait aussi le ballon là, le français était accusé d'avoir touché le ballon sauf que c'est le portugais qui a touché. Ah ouais, c'est clair, ouais, il y a une main alors que en fait c'était l'autre. Ouais, bon, il y a eu 2-3 moments. Bon. Malheureusement, on n'a pas eu de cul hein, parce que il y a Gignac qui a quand même failli mettre un but. Ah, ça aurait été génial. Ça serait devenu le héros de la France en une journée le mec. S'il avait fait gagner putain juste pour un but, il aurait gagné beaucoup d'argent, je pense. Le poteau quoi. Il aurait déjà gagné 300 000 euros de prix. Tu imagines le but, 300 000 boules quoi. Tu mets un but, on t'offre une putain de maison quoi. C'est quand même dingue. Oh là, t'es fan de foot ou t'es comme moi, t'es fan que pendant l'Euro les... Enfin, ouais, vraiment fan. Je suis fan que pendant l'Euro. Ah, c'est ça, fan que pendant l'Euro et la Coupe du Monde. Quoi. Et hier, j'ai acheté le maillot de Loris. Ah ouais, j'ai acheté le maillot. Ouais, j'ai bien fait de l'acheter, je trouve que c'était le meilleur hier. Blanc, ouais. C'est vraiment l'homme du match hier. Il nous a fait des sorties de ouf. Ouais, mais bon. Et ça n'a pas suffi. Après, il n'y peut rien. C'est sûr. Attends, le goal. Je préfère perdre comme ça que sur une erreur d'arbitrage, une vraie, quoi. Tu vois, un penalty ou quoi. Ouais, c'est vrai. J'aime des standards. Voilà. Et vous faites encore des visites du studio ou pas? Ouais, on en fait tout le temps. Joyeux anniversaire, les gars. Gros bisous. Salut, Eric du 411 à Vigneux. Tu mon bac avec mention assez bien. Bon anniversaire. Merci pour l'autocollant énergie. Je l'ai reçu ce matin. Bah, je t'embrasse, Malinda. On l'envoie à tout le monde. Comme on le dit, on l'avait promis, on le fait. Ouais. Heureuse, je suis nostalgique du Energy Music Tour. Energy in the Park de Très Lazé. J'étais monté sur scène avec une amie pour te poser une question. J'avais une affiche, c'est qui le papa? Je me souviens très bien. Salut Manon. Ouais. Salut Manon. Et ben gros bisous, moi, chérie. Alors, John, tu nous appelles pour parler d'un truc qui t'est arrivé, toi. Oui, donc c'est une histoire. Ouais. Une histoire de ouf, j'ai envie de te dire. En fait, je suis sorti avec la meilleure amie de mon ex. Ouais, et alors? La meilleure amie de ton ex? Attends. Oui, la meilleure amie quand même. Hein. Attends, c'est-à-dire que tu sors avec les deux? Non, c'est ton ex maintenant, c'est ça, ouais. Oui, voilà. Maintenant, oui, tu sors avec sa meilleure amie, mais tu sors plus avec la première, en gros. Ah ouais, c'est chaud. C'est ça. Ouais, et alors? Sauf que la première, bah, elle le prend mal parce que bon, c'est quand même sa meilleure amie, c'est elle à qui elle dit tout et tout. Et bon, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors bon, elle fait tout pour éviter que ça se fasse, machin, bon. Bah, c'est compliqué de sortir avec la meilleure amie. Ah ouais. Ah bah ouais. Après, moi, j'aimerais pas quand je suis avec une fille qu'elle sorte avec mon meilleur ami le jour où ça se fait plus, quoi. Ouais. Parce que la meilleure amie, c'est vraiment proche, quoi, toi. T'as pas envie de partager ta brosse à dents avec ton meilleur pote, même si tu l'aimes beaucoup, chaud, toi. Ouais. Je compare pas sa chérie à sa brosse à dents, moi. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, t'es toujours avec la meilleure amie, là? Oui, oui. Ouais. Ah. Ouais. Et vous fait chier, du coup, l'ex-copine? Bah oui, bah après, elle est toujours meilleure amie avec, hein. Ah c'est vrai, putain, elle est sympa. Elle a gardé contact. Ah moi franchement je reste pas meilleur ami une seconde. Ah non, non, ah non, non. Et putain la vache. Et alors donc du coup tu parles. Toi tu lui parles toujours à ton ex ou pas du tout, non? Non, plus du tout, bah je lui parle même plus, j'ai même effacé son numéro, je crois. Est-ce que vous avez déjà des ex qui vous ont causé du tort? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir, je sais pas, une ex et qui vous fait chier, qui revient après, qui attend que vous remettiez en couple pour envoyer des messages? Moi j'ai eu un peu ça, une meuf, je suis sorti avec elle pendant 2 ans et après je me suis mis en couple avec une autre fille et tout, et m'envoyait des messages tous les ans en disant là, ah bah là, je viens d'apprendre que ça se fait 1 an avec ta copine, bah je te félicite pas. Ouais. Tu sais, un petit peu des messages pour me faire chier, quoi, ouais, c'est ça. Ouais. Tu sens qu'elle n'était pas passée à autre chose. Ouais. Bon, alors voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, pareil, une ex qui vous a vraiment causé du tort? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé en couple et l'autre a débarqué en faisant croire qu'elle était enceinte ou je sais pas, ah des non, trucs vraiment catastrophiques, hein, histoire de vous faire chier un petit peu votre vie actuelle. JM du Standard, est-ce qu'une ex t'a déjà fait chier? Bah ouais, moi en fait je venais de me séparer de la fille. Et JM du Standard, des ex, il en a 150 000. Ouais, un peu. Et en fait, je l'ai vu. Avec qui il est resté une seconde, ouais, à chaque fois. Ou c'est juste un baiser de boîte. C'est pour ça qu'il y en a 150 000. C'est juste un bisou de boîte, ah, ça voilà. Fait des. JM du Standard, c'est un peu un Kleenex, hein, de Paris, ouais, hein, Paris, hein. Ouais, JM du Standard, on l'appelle l'éponge. Non, pas jusque là quand même. Non, et alors? Et en fait, je l'ai vu débarquer dans l'immeuble où je bossais, en fait, pas dans la même entreprise où je bossais. Ouais. Mais je l'ai vu arriver d'un coup, je la vois et j'ai fait mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Elle me dit bah, je viens d'avoir un poste dans le même immeuble que toi. Pas dans la même compagnie, pas dans la même société. Et en fait, elle travaille dans le même immeuble, quoi. Dans le même immeuble? Ouais, j'étais dégoûté. Ça venait de se finir une semaine avant. Et elle m'a pas prévenu. Elle me dit voilà, je viens d'être recruté ici. Et mais c'était où? C'était à Énergie? C'était à Vichy. À Vichy? Ouais, c'était à l'époque. Ouais. Et alors? Ben, j'étais dégoûté. Moi, je voulais plus l'avoir, tu vois. J'étais parti de chez elle un peu en plus. Ça s'était mal fini. Ouais. Donc, d'un coup, je vois et ça. Et après, elle arrive, etc. Ah, machin. Je la vois tous les jours, tu vois. C'est chiant, en fait. Donc, elle s'est excusée un petit peu. Elle a dit voilà. Non, elle en a profité. Rien du tout, c'est vrai. Elle a fait sa chaudasse et tout. Elle m'a rendu fou, quoi. Ouais, c'était super. Toujours inintéressant, les histoires de chien. Il faut pas t'avoir en. Alors, imagine, t'as que JM du Standard dans l'équipe, mon gars, pour les réactions. Non, mais c'est qu'à chaque fois, ça se passe bien. Ah, putain, alors là, la vache. Entre JM du Standard, qui a jamais eu rien à raconter. Là. Ah, si. Parce qu'à chaque fois, il a que des histoires avec ses potes, JM du Standard. Ah, ouais, bah ouais, ah, oui, ou alors, tu comprends pas ses histoires, hein, voilà. Il te les raconte, ouais. Et tout, tu sais qu'il part comme ça, tu sais pas trop où il va, quoi. Salut les potos, j'appelle Rudy, dédicace à mon père Jean-Marie de Transport G7 et gros bisous à ma petite femme Elodie, que j'aime plus que tout. Salut les gars. Salut. Toujours présent, bon anniversaire à Darkness du 34 routier de la Night. Je viens de perdre ma meilleure amie d'enfance, je tiens à lui faire un hommage, je l'aime, Rachel, gros bisous. Salut ma Delphine, salut ma chérie, gros bisous, ouais. À toi. Hein. Ouais. J'ai reçu l'autocollant aujourd'hui, merci beaucoup, bon anniversaire à votre super émission. Salut Johanna, ma nièce Johanna. Bonsoir à toi les mecs. Pour les 5 ans, fais rentrer tout le monde. Un anniversaire, ça se fait tous ensemble. Mais on peut pas parce qu'on a même pas de standardiste. Bah, on personne, est que 3, on a personne pour la porte, gros. Ah mais sinon, évidemment que l'anniversaire, ça se fait tous ensemble. C'est pour ça qu'on le fait à la radio, qu'on n'est pas parti en vacances. Tu crois quoi, là, qu'on est. Tous les autres, ils ont le cul brûlé déjà à la plage. Il y a que nous, les gars Énergie, qui sommes en direct encore, ouais. un 11 juillet, 21h12. Hein. Tous les autres sont partis se dorer le cul. Donc, si on est là, c'est pas pour fêter tout seul, hein, les gars. Le pire, hein. C'est que c'est vrai. Hein. Non, c'est vrai, bien sûr. Donc, si vous voulez venir avec nous, vous êtes à la maison, ouais. Les gars. Voilà, vous nous appelez, vous nous envoyez un petit message. Je vous appelle direct, hein, Guillaume, au début. C'est uniquement par SMS ce soir. Le standard n'est pas allumé, il n'y a personne au standard. Par contre, on peut quand même vous appeler nous-mêmes. Donc, voilà, faut m'envoyer un petit message. On va s'envoyer Ritza maintenant, là. Je m'en fous, ouais. Celui-là. On se fera soprano après. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait faux. Lui ont pris sa femme et ses faux. Van Bus, français, champion d'Europe 2016. Ah oui. Je l'ai vu la photo, tu l'as vu, j'ai vu ça. C'est un peu triste. Hein. Ah bah ouais, en fait, ils l'ont fait faire au cas où. J'avais vu la vidéo. Ouais. C'est horrible. Quoi. Ils avaient préparé le bus et en fait, il y en a un qui l'ont attrapé sur l'autoroute, qui l'ont pris en photo et triste. Tout. On se prend Zao. Un mois fois que j'écoute ton émission, vous êtes géniaux. Merci mon poteau, c'est gentil, hein, je suis devenu accro, bah, c'est trop sympa. Happy birthday à l'émission, salut Sly Geek, tu ne l'iras pas, salut. Salut Vambus français, je viens de perdre un gros bisou, j'étais très lasé, il y avait eu du monde. Au moins 50 000, Guillaume, je parie. Que tu es roumain d'origine, pas vrai, l'étant moi-même, Maria Ardeuse, 26 ans du 49. Non, mais je sais pas pourquoi tu dis que je suis roumain. Ah ouais. Non, mais ça serait pas grave, mais non, je suis normand. Par contre, pourquoi tu dis que t'es Ardeuse voilà. Maria Ardeuse, bah parce que. Ça t'intéresse. Parce qu'elle aime le hard, voilà. Je sais pas, le hard metal. Bravo au bleu quand même, surtout à Loris et Grison, salut, je les aime, salut Domi du 95, salut man. Bon, allez, c'est parti par SMS. Vous me l'envoyez maintenant, les gars, hein, si vous voulez passer deux minutes. Est-ce que vous avez une ex qui vous a fait chier après les ex qui vous ont fait le plus chier, c'est marrant ça. Ouais, les garçons, ouais. Les filles aussi, vous pouvez nous raconter les filles, hein, les ex, les cons qui vous cassent les couilles après. Guillaume, au début du texto, vous me l'envoyez au 6 11 12. Guillaume, un espace, vous marquez votre petite histoire. Il faut vraiment envoyer Guillaume au début, sinon même si vous l'envoyez au bon numéro, il n'arrivera pas. Hein. Guillaume, un espace, votre histoire au 6 11 12. Vous me laissez bien votre numéro et je vais moi-même avec JM du standard et Flo des cadeaux au standard, ouais, pour répondre et vous appeler. Ritza, je m'en fous sur énergie maintenant. On le fait à trois, okay. L'émission soir à l'ancienne. Désormais, je m'en fous. Et j'avance. Tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi, va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi, va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes en tour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air. Ouais, au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui, j'ai tort. Moi, je préfère me taire. Ouais, au fond, je m'en fous. Ça y est, c'est l'été. On arrête tous les trucs chiants. L'école, les devoirs, le boulot. Et on garde que le meilleur. Guillaume Ratio 2.0, de 21h à minuit sur Énergie. Allez, sur Énergie avec Yann qui vient de nous appeler, qu'on vient de prendre. JM du standard et Flo des cadeaux qui courent dans le couloir. Pour arriver, on le fait à l'ancienne. On fait l'émission à 3 ce soir, sans standardiste, sans personne. Vraiment à l'ancienne. Parce qu'il s'appelle JM du standard, mais il n'est pas au standard dans ce studio. Salut tout le monde. Le standard est à l'extérieur du studio. Guillaume et votre histoire, là, au 6-11-12. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Même vos petites dédicaces, hein, si vous voulez balancer un petit message ou quoi, venir délirer avec nous. Vous êtes en voiture ou quoi, vous voulez passer un petit message à l'antenne, avec plaisir, les gars. Il y a Yann qui a 13 ans, qui appelle du 4 à 11. Tu m'entends, mon Yann? Allô? Ça va, Yann? Vous allez bien? Papa! Ça va ou quoi, mec? On parlait des ex qui causaient un petit peu du tort, c'est-à-dire qui étaient un petit peu relou, les ex qui étaient un petit peu chiantes, qui revenaient un petit peu après pour causer du tort, etc. Est-ce que ça t'est arrivé aussi, toi, Yann? Non, moi, c'est ma copine qui m'a quitté pour mon meilleur pote. Ta copine? Oh là là. Ouais. C'est-à-dire? Bah en gros, bah, j'aimais une meuf qui m'aimait aussi. Non, non, mais comment et ça s'est passé l'histoire? Parce que j'ai compris, sinon le schéma il est pas compliqué. Je sais pas, d'un coup elle m'a dit bah, je te quitte et j'aime mon meilleur pote. Ah ouais, putain, ça c'était de l'amour solide ça. Ah ouais, ça ouais. C'était de l'amour vraiment, c'était le couple au costaud. Valeur sûre quoi. Après ça peut arriver, tu sais, ça peut faire 5 ans que t'es avec et il y a des filles qui ont déjà quitté. Il y a des connards, c'est des pire. Connards hein, qui quittent du jour au lendemain comme ça sans vraiment prévenir, etc. Ouais, mais comment tu veux prévenir après aussi? Ouais, c'est un truc de fou. Hein. De quoi j'aime c'est compliqué de quitter une personne. Non, non, moi je dirais pas, je te quitte pour aller avec machin. Ah non, je la quitte pendant 2 mois, je fais. Je fais en cachette, non, mais pendant 4 mois, tu vois. Je sors avec l'autre si jamais vraiment, et après il l'apprend quand il est un peu moins amoureux, quoi. Ouais. C'est grillé. Non, c'est pas forcément grillé, non, franchement, non, c'est pas forcément grillé. Tu peux quitter quelqu'un, bien, mais pas 15. C'est la blague dans YouTube, moi, mon ex m'envoie des messages pour inventer des histoires comme quoi elle est enceinte et tout. Elle envoie des messages et elle dit qu'elle a pas fait exprès. Ah ouais, je peux faire quoi pour qu'elle arrête? Bah, faut l'appeler là, mon gars. Merci Guillaume pour l'autocollant, ça me fait très plaisir. Bonsoir, ma Sarah du 44 aussi. Salut, là. Sarah. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que vous êtes sur Énergie, 5 ans que chaque soir vous vendez du rêve et que vous nous faites rire, 5 ans que vous montez en flèche. Continuez comme ça, on est fiers. Gros bisous. Ah bah, je t'embrasse, ma chère, merci beaucoup. Merci. Hein. Merci. Ah, c'est trop cool. Hein. Moi, j'ai été ému par le match d'hier quand Ronaldo s'est fait mal, même si c'était les adversaires. Ouais. Ouais, j'étais ému, mais bon, il gagne 1 million par mois, j'ai pas trop pleuré longtemps. Attends, après, on le connaît pas. En fait, il n'arrête pas de pleurnicher un peu, Cristiano Ronaldo. De quoi, Yann? Ça fait 5 fois que j'ai mis les lives, ça fait 5 ans que l'émission existe. J'ai pas compris. Bah, en gros, depuis que vous commencez les trucs le soir, là, où vous tournez à roule, ouais. Et bah, c'est la 5e soirée où il est là, Jim. Ouais, c'est vrai. Faute, attends, on verra. Sans alors là, faute, ça fait 5 fois qu'il a du cul. On verra si vraiment ça continue. J'ai vu ça. Depuis lundi dernier, on fait tourner la roue. On change l'équipe tous les jours. Aujourd'hui, je fais l'émission à l'ancienne qu'avec Flo des cadeaux et JM du standard. On transpire un petit peu plus que d'habitude, mais j'ai été heureuse de te rencontrer Samuel au centre-ville d'Angers, même si je n'ai pas dit grand-chose car j'étais vraiment sous le choc. Salut Géraldine, ma gros bisous, ma Géraldine. Je me baladais un petit peu dans Angers après le concert le lendemain. Bonsoir à toi, Guillaume. Je suis sorti avec un mec. Il y avait son pote qui m'aimait aussi. Alors attends. Il y a plein d'histoires un petit peu compliquées. Il y a Agathe qui appelle aussi de Cherbourg. Bonsoir Agathe. C'est qui le papa? C'est qui le papa? Salut Agathe. Agathe qui a 13 ans et qui est actuellement elle en voyage humanitaire. Agathe. Tu es en train de sauver la misère du monde. Non, tu fais quoi dans la vie Agathe? Tu travailles un petit peu? Tu t'occupes comment Agathe alors? Bah, je glande. Ouais, c'est bien. Ouais. T'as des hobbies? Tu fais quoi? C'est quoi ton métier Agathe? Et dans quel business? Comment? Business is business, comme tu dis, Agathe. Bah oui, bien sûr. Non, t'as fait l'ENA, tu fais quoi? Non, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Agathe? Bah, je suis en 5e. Ah bah, c'est vachement bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, tu vois, le peuple applaudit, Agathe. Ouais. Bravo, Agathe. Félicitations. Bon, t'as un mec, Agathe, t'es célibataire, dans le célibat? En concubinage? Célibataire? Ouais, t'es célibataire, Appen, Tinder? Once? Lovoo? Attractive World? Adopt un mec.com? Attractive World? Ah là là, Bazooka? Non, c'est quoi, Omegle? De quoi? Omegle? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ça? Non, mais Flo des cadeaux, il est sur des sites trop chelous. C'est quoi, c'est Omegle? Mais non, c'est comme Bazooka. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. D'accord, ok, alors excuse-moi. Alors Flo des cadeaux passe sa journée sur Internet, je connais des sites que je connais pas. Et sur les cadeaux. Omegle, d'accord. Omegle. Ah, très bien, ouais. Non, je connais pas, non. Non, t'es sur des sites de rencontres, Agathe, un petit peu, tu fais le bivouac, là. T'es sur, sur Internet, tu cherches un petit peu le. Ouais. Tu cherches le mâle, tu cherches le zèbre. T'attaques le. Non, mais c'est bon, ça, non. T'es pas sur aucun site de rencontres, Agathe, alors, non. Bah, non. Ouais. Ah, bah, tu pourrais, hein. Tu l'as rencontré où, ton dernier cum? Bon, il était dans mon collège en gros. Ouais, c'est vrai, ouais. À la piscine. Ça m'étonne ça. Ouais. T'as une piscine dans ton collège ou pas, Agathe? C'est bien la piscine. Ben pourquoi non. Tu as une piscine, j'ai le standard? Je sais pas. Il avait une piscine, ton cœur ou pas, Agathe? Ah non. Non mais je sais pas, on sait jamais. Hein. Ouais. Après t'aurais peut-être pu le syndrome Nabila sans ça. Hein. Ouais. T'aurais pu te mettre en mode michto quoi. Ouais. Le syndrome Loana, ouais. C'est avec des mecs qui ont des piscines. Là. Avec le bonnet de bain dans la piscine. Ah c'est vrai. Il a un truc en particulier, ton mec, genre il possède un truc, il a une particularité, ton mec ou pas, Agathe? Un grain de beauté? Bah non. Une tache de naissance, un petit truc. Moi j'en ai une petite tache de naissance. Non, mais pas une tache de naissance. Non. Il est parfait quoi le mec. Ah il est bon. Ouais. Ah bah oui. Hein. T'es amoureuse, Agathe?

Vous allez bien ? Reste avec vous. Du lundi au vendredi de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, Guillaume Radio 2.0, même l'été, avec Moum. Aloha, tout à l'heure en direct, 21h28, on a perdu 1-0 contre le Porto hier. Ok. Pour vous prouver que nous sommes bien en direct. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs de l'équipe de France qui t'écoutent ? Domi du 95. Ouais, il y a. Sissoko. Sissoko qui m'a follow tout à l'heure, mais il y a. Je sais qu'André Pierre Gignac connaît très bien l'émission. Ah. Et on s'était un petit peu chambré, il m'avait rajouté sur Twitter, il avait dit qu'il allait me démonter à FIFA. Ah ouais. Et je l'attends toujours d'ailleurs. Il était à Marseille après, il est parti au Mexique, mon embrasse. C'est très gentil en plus. T'es meilleur quand tu dis comme ça depuis le début, je vous écoute. Merci Manon du 83, gros bisous à toi. Je me souviens, il y a 5 ans, j'avais entendu votre première émission, j'avais trouvé ça pourri. Au final, 5 ans après, j'écoute tous les jours, je suis devenu trop fan. Merci à vous, merci, les gars. Merci. Non, mais parce que sûrement que la première devait être absolument pourrie comme la dernière. C'est vrai. 5 ans d'émission, 5 ans de bonheur. Merci beaucoup, les gars. Vous êtes éveillés, je vous aime fort. C'est super gentil. Vos messages nous touchent vraiment. Hein. C'est les 5 ans de l'émission ce soir. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. 5 ans, 11 juillet 2011, 11 juillet 2016, avant de se faire soprano. Oh, le diable s'habille plus en Prada. Et à 20h30 jeudi soir à Toulouse, voilà, ça sera jeudi soir le 14 juillet au parc de la Prairie des Filtres. Ceux qui veulent venir, je vais animer un concert. On sera 370 000 apparemment. Donc ça va être un énorme concert. Il y aura Soprano justement. Il y aura Luan, il y aura Tal, il y aura Ritza, il y aura Zao. Sean Paul, le mec qui connaît pas les artistes. Il y aura Sean Paul pour de vrai avec Jay Sean, il y aura Kinvey, il y aura les trois mousquetaires, il y aura le feu d'artifice à 22h30. Donc voilà, ça a été énorme. Ceux qui veulent venir dans tout le sud-ouest, ramenez-vous à Toulouse jeudi soir, ça va être une dinguerie. Vraiment, ça va être extraordinaire. On va vraiment rigoler. Hein. Chris Cap, tout ça. 370 000, le concert. Le concert, quand je vais dire bonjour, putain, je vais avoir un petit doute. Salut Guillaume, moi quand je change de femme, je change de portable direct. Salut à toi. Là. Ah ouais. Là, on parlait des ex un petit peu relous. Voilà, les ex qui nous font un petit peu chier quand ça s'est terminé. Voilà, est-ce que quand ça s'est terminé, vous avez aussi des ex qui vous ont fait chier? Marie, 23 ans. Bonsoir Marie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir toute seule. Salut Marie. Salut Marie. Vous allez bien? Thank you, papa. De toute façon, je vais te dire un truc, hein, Marie. L'énergie ce soir, ça se résume à 3 personnes. Ouais, ouais. C'est vrai. Ouais. Nous sommes seuls dans le bâtiment. Même les techniciens sont en vacances. Ouais. Même si je te jure en plus que c'est vrai. C'est-à-dire que si jamais, ma couille, parce que Koé, lui, il y a une équipe d'armada de techniciens, ma gueule. T'as l'impression que c'est Michael Schumacher. Ah ouais. Il a 20 mètres derrière lui au stand. Au cas où il se passe un truc, il y a un mec qui lui nettoie son micro et tout quand il parle. Alors nous, on est vraiment sous-sol. Si on a une merde, je débranche le micro moi-même. On a déjà la merde. C'est-à-dire, j'ai il y a un ordinateur qui marche pas. Non, c'est vrai. Il est venu. Au standard. Il est reparti, mais ça marche toujours pas. Je te jure. On a appelé notre astrate. Et bref. Tant qu'on en a un. Ouais, voilà. Et tant qu'on en a un, tout va. Hein, voilà. Bon, on fait l'émission à la route, ça, comme vous entendez. Ce soir, si vous voulez passer avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Le standard ne marche pas, donc c'est ça de nous appeler. Parce que de toute façon, on n'a pas de standardiste pour le redémarrer. Ouais. 0800, vous l'oubliez. Par contre, par SMS, comme à l'époque, vous envoyez juste un petit texto et je vous appelle directement. Mais alors, il n'y a pas plus. Dans le plus simple appareil, nous vous présentons ce soir, c'est-à-dire sans standardiste. Hein. Guillaume et votre histoire au 611-12. Merci Marine de Bordeaux. Vraiment les meilleurs, je vous adore l'émission, etc. C'est super gentil, merci ma beaucoup. Chérie. Gros bisous à toi. 5 ans, bonsoir Flo du 7-6. Amanda, tu es juste trop calme en type de mec. Merci, merci Amanda, c'est gentil. Hein. Bon, je ne sais pas quel âge t'as, mais ton message me fait quand même plaisir. Hein. Je t'embrasse, hein, chien. Salut Guillaume, est-ce que tu pourrais dire le nom d'une série que tu regardes ou tes collègues? Ah ouais, alors en ce moment je suis sur Walking Dead, voilà. Et le Bureau des Légendes sur Canal+, JM du Standard, il a découvert une nouvelle série. Ouais, The Five. C'était énorme. Voilà. Lumi, elle est vraiment magique. Je la conseille. Donc The Five, vraiment, ouais. J'ai l'impression que c'est son producteur, c'est son père. Ah, tellement qu'il l'avant le truc. Mais j'en cherche une autre là. Et, c'est vrai, t'arrives à la fin. J'ai fini, ça y est. Salut les jeunes, bon anniversaire. Je vous écoute depuis le début. Maria de Châteauroux, salut dans le 36. Salut. Et ben gros bisous. Bon, en tout cas, Guillaume et votre histoire et votre message là au 612. Est-ce que pareil comme Marie. Tu fais quoi, Marie, d'ailleurs, dans le 5-9 dans le Nord là? Je suis comptable. Comptable, très bien. Comptable dans un cabinet, tu as ton propre cabinet? Ouais. Non, je suis dans un cabinet. Ouais, c'est vrai. Un cabinet de comptabilité d'expert comptable? Ouais. D'accord, ouais. Okay. Ça va, il paraît que. Moi, je sais que des comptables et tout ça, c'est vraiment leur passion de ouf. C'est vraiment une passion, les chiffres. Ah ouais, les chiffres. Ah ouais. Ouais, pas vraiment. Non, c'est vrai, ouais. Toi, tu fais ça parce que t'as rien trouvé d'autre ou. Bah ouais, c'est parce que j'aimais bien les maths en fait. Ah, c'est vrai, ah, mais quand même. Bah, t'aimes bien, minimum. Ah, parce que attends, il faut quand même kiffer un moment les chiffres. Ah ouais, moi j'ai rien, t'es obligé. Sinon, ah ouais. T'as raté un peu ta vocation. Pourquoi t'as une passion à côté? Qu'est-ce qu'il y a, Flo des cadeaux? Non, moi j'ai un mec qui a fait expert comptable, mais pas du tout parce qu'il aime les chiffres, c'est que parce qu'il m'a toujours dit qu'à la fin de sa carrière, il ferait un gros coup, un gros détournement pour finir et il se barrerait. Mais ils sont sympas, tes copains. Ah ouais, il a toujours dit. C'est qui? C'est un mec que j'avais rencontré dans mon ancien boulot. Il a dit qu'il ferait un gros détournement. Ouais, ouais. Il a toujours dit qu'il avait fait comptable rien que pour ça, pour en fin de carrière faire. Non, mais c'est sa blague. Non. Il y a plein de gens comme ça, ils veulent se la raconter. Ouais, je t'assure, ils voulaient connaître les ficelles pour pouvoir faire un truc. Et toi, Marie, t'as une passion à côté, un truc que tu pourrais faire si jamais ça te saoule un peu la comptabilité là? Bah, à côté, je vends des bijoux. Où ça? Et je suis monitrice dedans. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est ma boîte en fait. D'accord, énorme. Très bien. Oui. Monitrice. Tu fais la comptabilité des bijoux ou quoi? Ouais, mais attends, mais tu vends des. C'était une blague de JM. Non, mais t'as le droit, pas de problème. Hein. Et donc, toi, Marie, tu t'appelles de Nieppe, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais, avec un N, pas comme Dieppe avec un N. Ouais, voilà. De Nieppe, quoi. Très bien. J'étais pas sûr parce que vu que c'est JM du Standard qui fait le standard ce soir, ma chérie, autant te dire que je préfère demander trois fois. T'as bien raison, Guillaume. Pour l'instant, ça ouais. Bon, il n'y a pas encore fait de couilles, mais ça fait 10 minutes. Là, ça fait 34 minutes qu'on a commencé l'émission. Hein. On est là 3 heures, on est là jusqu'à minuit. Alors, c'est pour dire, si vous sortez au restaurant, vous allez sortir du restaurant, on sera toujours là, nous. Ouais. Hein. On aura toujours on pas mangé. Toujours on aura toujours pas bouché notre siège. Eh, mon gars, normalement, je devrais avoir un cul plus large que le studio parce que c'est vrai, en vrai. Je sais pas comment on fait pour être dans ces parce que c'est vrai. On est obligé de sauter sur nous-mêmes en fait, Marie. Moi je bouge beaucoup, alors je transpire, tu vas me demander comment je fais, mais parce que le fait de parler fort et tout le temps bouger, je transpire et tout quoi. Et toi Marie, tu transpires en ce moment là? Mec bizarre, l'animateur un peu sale. L'animateur des années 80, le Jean-Luc Lahaye des années 80 à la radio. Et toi tu transpires hein? Tu sues Marie. Bon, alors bon Marie, excuse-moi. Donc et tu dis tu vends des bijoux, c'est toi qui les fais les bijoux, genre t'es bijoutière? Non, t'es créatrice de bijoux? Non, pas du tout. Ouais, tu fais de la contrebande de bijoux? Ouais, voilà, c'est ça. Mais faut pas le dire. Tu dis là? Non, c'est vrai. Ouais, voilà. Non, mais genre, t'achètes en gros et tu revends un peu comme une dealer, voilà. Mais de bijoux. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est bon, y a pas de problème. Ah, sauf que c'est légal, quoi. C'est légal ou c'est pas trop légal ce que tu fais? C'est légal. Ah, c'est légal. Ouais. En partie. Ouais. Ah, mais je veux dire, t'achètes des bijoux de marque ou t'achètes. Non. T'achètes aux usines direct. T'en mets ouais, du camion. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais. Ça, c'est moins légal. Non. Non, c'est bien. Et t'arrives à te faire beaucoup d'oseille en plus de ton salaire ou pas avec ces contrats? Ouais, quand même. C'est-à-dire, quand tu te fais combien par mois avec les bijoux? Bah, peut-être 300, 400 euros. Ah, oui, c'est bien. Ouais. Et tu les vends où? Sur internet? Ouais, voilà, sur internet. Sur le Bon Coin et tout? Ah ouais, d'accord. Ah non, que sur mon Facebook. Ah ouais, ah tu fais des réunions Ouais. Tu sais qu'il y a des. Moi, je connaissais une ex copine qui avait acheté sur internet. Il y en a qui vendent des contrefaçons de sacs. De sac à main, oui. Un peu comme au bled et tout, mais genre ultra bien fait. Ouais, vraiment, existe, genre voilà. Et en fait, ils ont leur Facebook aussi. Ah c'est ouais une sorte de supermarché à ciel ouvert. Et tu lui envoies un virement. Ah non, c'est pas très légal. Ah ouais. Et pourtant, ils en vendent des dizaines et des dizaines. Il y avait toutes les copines de mon ex qui avaient acheté des sacs à main, etc. Pareil, quoi. Voilà. Et donc, toi, Marie, alors, t'avais acheté des bijoux, tu les revendais, etc. Tu t'es fait attraper par la police et t'as vécu une histoire d'amour avec un flic de la BAC. Ouais, non. Non, c'était pourquoi tu nous appelais, toi, alors? Bah, c'est parce qu'en fait, vous parliez des ex un peu bizarres. Ouais, exactement. Et ouais. Moi, le mien, au bout de 7 ans, en fait, il m'a trompée. Donc, je l'ai quitté, normal. Ouais. Et puis, en fait, bah, il dormait devant chez moi et tout. Il me surveillait, en fait. Attends, j'ai pas compris. Tu le trompais, c'est ça? Ah non, lui, ouais. Il me trompait. Lui, il te trompait? Donc, du coup, je l'ai quitté. Et en fait, quand il a regretté, bah, il me suivait partout et tout. Il dormait devant chez moi. Non, c'est vrai? Non, il dormait devant chez toi, c'est-à-dire dans sa voiture? Ah ouais, dans sa voiture, et je me réveillais, je regardais par la fenêtre, qui était encore là et tout. Oh là là. Et alors, tu lui as pardonné? Il est venu s'excuser? Ah non. Ma mère, elle a été le voir à sa voiture. Elle a dit maintenant, tu pars et t'as plus intérêt à recontacter ma fille. Et puis, depuis, silence radio. Ah, c'est vrai? Oh putain. Ouais. Et t'étais resté combien de temps avec ce mec, Marie, là? 7 ans. Wow. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Après, il t'a trompé combien de fois en 7 ans, là? Bah, peut-être deux fois, mais enfin voilà, ça se fait pas quoi. Ouais, toi, tu peux, t'acceptes pas du tout la tromperie. Quoi. Non, mais genre, quand tu dis t'as trompé, genre, il a vraiment. Tu fais un bisou. Ah ouais, ouais, si. Non, j'ai vu les messages, c'était voilà quoi. Ah ouais. C'était plus qu'avec moi quoi. C'était quoi c'est... Ah, c'est vrai. Ah là. Oh là. C'était une cartouche. Une double cartouche. Ah ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y avait de l'amour ou pas? Parce que moi, c'est ça qui m'emmerderait le plus, c'est que quand je suis avec une fille, c'est qu'elle tombe amoureuse d'un autre. Si c'est juste du sexe, bon, à la limite, ça me fait chier, mais bon, voilà. Après, si jamais elle est amoureuse, c'est relou. Ah, c'est sale. Ah, faut que ça se finisse après. Ouais. Si on est amoureuse d'un autre mec, c'est plus sûr. Qu'un moment. Il lui disait qu'il l'aimait et tout, Marie, ou pas? Ouais, c'était ça. Tu manques, j'ai hâte de te voir. Ah, bah ça, tu manques. Oui, mais normal. Ça, c'est le jeu. Ouais, c'est un peu la séduction. Bah, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, JM? Tu te retrouves dans cet homme. Parce que JM, c'est un peu ça. Ouais. Non, attends. Et depuis que je te connais quand même, arrête de rougir, JM. Mais non, Guillaume. Attends, je t'ai rencontré quand même à l'époque. JM, il avait copine 1, copine 2. Ah ouais, il connaissait même plus leur prénom, je veux dire. Il appelait chérie. Il fait ça va chérie. Comme ça, il se trompait plus de prénom. Il disait ça va chérie quand il répondait. Ça, ouais. Non, attends. Moi, j'ai connu JM quand même il y a 5 ans. Parce que ça fait 5 ans qu'il m'est dit. J'ai connu quand même JM. Le mec, c'était comme une main gluante à meuf. C'est-à-dire que je l'envoyais en boîte, il me ramenait une. C'est ça. Et c'était un peu, j'aime ça, c'est vraiment la balle magique, quoi. Tu l'envoyais rebondir à quelqu'un, quoi. Et alors, non, j'aime ça, t'as été un petit peu sale, t'as eu une période. Ah oui. Après, tous les hommes ont connu une petite période un petit peu sale, voilà. J'aime ça, l'avantage, c'est qu'il est en 30 ans, ça. C'est le problème. Il sait pas où il est. Attends, et donc ton ex était vraiment malade, il te suivait, mais il t'a pas agressé, je veux dire, il te suivait juste, il te disait reviens, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, il me suivait et tout, et un jour j'ai su qu'il allait carrément venir à mon boulot, donc là j'ai dit stop, quoi. Ouais, t'as dit stop now. Voilà. Ouais. Et ça s'est terminé au bout de 7 ans. C'est quand même dommage, hein, 7 ans, c'est quand même une belle histoire. Hein. Mais en plus, t'as quel âge toi, Marie? Elle a 23 ans. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais, j'ai eu 23 hier. Ah, bravo, bon anniversaire. Bon anniversaire. Le 10 juillet. Bah, merci, ouais. Bah, vous aussi. Hein. Eh, merci. Merci, Marie. On s'auto-anive. Ouais. On s'auto-souhaite. Ouais. Non, c'est vachement bien. Et ton ex. Il faisait quoi dans la vie, Aniep? Quoi? Il faisait quoi comme travail, lui? Ah, rien. C'est vrai, rien, ouais. Voilà. Ouais. Après, c'est, bon, après 7 ans, faut pas non plus rester toute la vie avec un mec s'il est pas sympa. Ah, s'il fait rien de sa vie et tout. Ouais. Après, c'est bon. J'aime du temps là. Est-ce que t'es déjà sorti? Est-ce que t'as déjà suivi une ex-copine avec qui t'étais plus pour essayer de la voir, etc. Flo des cadeaux, je sais que oui, t'avais raconté un petit peu une histoire. Posé, Flo des cadeaux, il a fait un peu ce qu'a fait ton mec avec ton mari, ton ex là. Flo des cadeaux de l'émission, il a fait un petit peu ça. Il a resté 6 ans avec une fille qui s'appelait Alicia. Ouais, c'est ça. Et t'es allé jusque devant chez elle et tout, non? J'étais allé juste devant chez elle. Parce que je savais qu'elle voyait un autre mec et j'attendais qu'il arrive, quoi. Ah ouais. C'était un peu malsain. J'étais Là, c'était pas passé le cap. Non. Dans la voiture, il y avait de mauvaises ondes, quoi. Ouais, tu savais que c'était pas bien. Je me tenais au volant et je fixais sa fenêtre, quoi. C'est vrai? Ouais, j'étais ultra vénère. Oh là là. Est-ce que t'as quitté au bout de 6 ans? Hein, pour... Ouais, c'est ça. Et le mec, t'as vu sa gueule ou pas? Non, non, il s'est jamais pointé. Non. Ah, c'est vrai? Non, et puis je me suis barré comme un. Tu crois savoir que. Parce qu'elle a compris que t'étais là, non? Non, elle a jamais su. Elle a jamais su? Non, bah d'ailleurs, elle sait encore pas. Ah, ouais, d'accord, ok. Sauf si elle écoute. Et c'est ce qui est possible d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et te dis parfois qu'elle t'écoute ou pas? Non, non, mais j'ai plus de contact. Moi, je me demande, la fille avec qui je suis resté 5 ans, si elle a déjà entendu la radio. C'est toujours une question qu'on se pose. Ouais, évidemment. JM, juste là, t'es jamais resté devant une ex comme ça, essayer d'aller chez elle, regarder, etc. Non. J'allais dans les endroits où elle sortait. J'allais exprès pour voir avec qui elle était, si elle était avec de nouveaux mecs ou pas, ouais. Ah, c'est vrai? Les ouais. boîtes, les bars et tout, ouais. Ah, c'est malsain, ça. C'est horrible. Ouais. Et des fois, je restais même dans ma voiture et je regardais au loin, quoi. Ouais. Un bar ouvert et je regardais si elle était ou pas. Ouais. Ah, c'est vrai, ouais. Ah, tu roulais, tu regardais. Je faisais un peu la fouine, ouais. Oh là là. Le rôdeur. Ah, c'est clair, le rôdeur. Oui. Tout ça pourquoi en plus? Pour rien, parce que le mec, il était plus content. Parce qu'elle te répondait plus, non? Elle te répondait plus. Non, mais en plus, on s'était quitté, elle me répondait plus, elle me disait plus ce qu'elle faisait, voilà. Et en plus, elle était avec un nouveau mec qui était beaucoup plus costaud que moi, j'aurais rien pu faire. Ouais, mais enfin. J'aurais fait démonter à tête. Après, ce qui est un petit peu relou, c'est quand elle répond pas, ça rend fou. Moi, je préfère que la fille dise arrête de m'écrire ou machin, mais la fille qui répond pas, alors tu dis réponds. Après, tu deviens fou. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de truc d'attirance qui arrive comme ça, qui arrive encore plus quand la fille ne répond pas. C'est vraiment con. Hein. L'homme est mal fait quand même à ce niveau-là. C'est vrai. Hein. Tu vois ce que je veux dire, Marie ou pas? Ouais. Ouais, ouais, bah moi j'ai fait exprès de pas répondre et je savais que ça l'énervait. Et t'as retrouvé. Ah ouais, tu savais, connasse. C'est toi. T'as retrouvé l'amour ou pas depuis? Oui, ouais, ouais, ça fait un an. Et alors, t'es heureuse, ouais? Ouais, carrément, y'a rien à voir avec l'autre. Ah, c'est normal, attends, bravo, petit à petit, etc. Attends, par contre, c'est pas dit que ça dure non plus toute la vie, ouais, non plus avec l'autre. Ouais, hein. Non, mais c'est clair, mais je ne prends plus la tête. De toute façon, on sait jamais combien de temps ça va durer quand tu sors avec quelqu'un. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu des ex qui vous ont fait des trucs abusés, qu'ont eu vraiment. Des ex qui vous ont fait chier? Est-ce que vous avez déjà eu une ex ou un ex qui vous a fait chier dans le futur, enfin dans le passé, mais vous étiez plus ensemble et il continue de vous faire chier, voilà, comme Flo Décalo, le mec, il fait chier. Ouais. Il fait chier son ex, c'est-à-dire en bas de chez elle, etc. Flo Décalo, est-ce que toi, à part avec cette fille-là, t'as déjà suivi d'autres nanas essayer de voir s'ils allaient voir des gens, etc. Non, ça commence à être malsain si jamais je commence à le faire tous les jours. Il y en a qui le font. Hein. Pas tous les jours, mais bon. Ouais. Non, j'ai fait qu'une fois, mais c'était. Est-ce que t'as passé le cap vraiment aujourd'hui? Ouais, c'est fini. C'est vrai, vraiment? Ouais, c'est fini. Ouais. Mais tu la reverrais là, tu t'en foutrais? Non, bah ça fait toujours un petit quelque chose, mais je pense que j'arriverai. Tu serais mal à l'aise si genre elle arrivait derrière d'un coup comme ça. C'est vrai, ouais. Là, si elle arrive là en direct, ouais, c'est chaud. J'y ai pensé à la faire venir. Après ce que je viens de dire en plus. J'y ai pensé à la faire venir et puis finalement. Non, mais on l'a jamais fait pour personne. Je voulais faire venir la première ex de JM du Standard. Le truc, c'est qu'il y avait un dictionnaire de filles. J'arrivais pas à trouver le bon numéro. On se fait Julianne Peretta, les potos. On se fait I Cry. On se fait Soprano qui arrivera juste après, vraiment. Hein, le diable ne s'habille plus. Le diable ne s'habille plus. On parlera, on se l'écoute après. Et vos histoires, est-ce que vous avez déjà vécu avec un ex ou une ex qui vous a fait chier après votre relation? Guillaume et votre message aussi sur ce dos sur Énergie. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, come we make a truce. 'Cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Du lundi au vendredi. Eh ben voilà, c'était pas si compliqué de faire simple. Du lundi au vendredi de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez avec Gims. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Fais-nous le le clapping jeudi soir à Toulouse. Ah, mais c'est prévu, c'est prévu. Attends, on va être 300 000, on va faire un clapping à 300 000, bien sûr. Jeudi soir à Toulouse, à 20h30, je serai au parc de la Prairie des Filtres pour le plus gros concert de l'histoire, hein, avec 370 000 d'entre vous. Luan, Soprano, Tal, Aritza, Zao seront là. Chris Cap, Sean Paul, Jay Sean, Kinvey, les trois mousquetaires, etc. On va rigoler. Hein. Bonsoir à toi, Guillaume. Bonsoir, Alex du 6-2. Salut. Pour les 5 ans, vous êtes obligé de faire une grosse connerie. Attends, ici, on est en effectif réduit. Déjà, on est en direct. C'est chaud, là. Mais par contre, à la rentrée, on va faire évidemment plein de trucs qu'on a noté, qu'on a préparé pour la rentrée. Moi, perso, mes ex, je préfère les enterrer comme ça, il n'y a pas de problème. Théo du 79. On se racontait un petit peu les galères qu'on avait avec les ex. Tu m'entends, Gaëtan de Roanne dans le 42 Ça va, ouais, mon gars? J'écoute Guillaume, ça va? Tranquille ou quoi, mon gars? Vous allez bien? Salut! Vous allez bien? C'est qui le papa? C'est qui le caca? Eh, hey, d'ailleurs, on a des cadeaux, ouais. Mon Gaëtan. Attends, je suis en train de me demander. Qu'est-ce qu'on a ce soir, Flo, des cadeaux là? Alors, il y a des iPhone 6S, des Xbox, des enceintes Bose et des bracelets connectés. Alors, on a les Xbox. on a les bracelets connectés? Ouais, des Fitbit. Des Fitbit. Ouais, alors, je suis très content ce soir de vous offrir des Fitbit bracelets. Je connais pas, c'est bien les bracelets Fitbit, ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça t'aide à faire du sport. Bracelets Fitbit HRL, très bien. Alors, attends, HRL. Surveille ton rythme cardiaque. Ah, putain, c'est rush, hein. C'est cher. En fait, bon, vous les filtrez très bien. Il y a des enceintes Bose, ouais. Les nouvelles enceintes Bose, les grosses, ouais. Les Xbox et les iPhone 6S, c'est ça? C'est ça, ouais. Parce qu'on est partenaire de l'âge de glace. On a des iPhone 6S pour ce soir, c'est ouais, ça? Pour mercredi. Ouais, c'est ça, ouais. Pour la sortie de l'âge de glace, voilà, qui sort mercredi. Il sort le même jour. Voilà, exactement, l'âge de glace. De quoi, Gilles, ça? Il sort le même jour, il sort mercredi. Oui, c'est ce que je dis. Ouais. Pour la... En fait, l'iPhone 6, c'est pour la journée de la sortie, en fait. Oui, c'est ce que je dis. Mercredi, à la raison de la sortie. Je fais juste écho. Non, mais le mec, il est pas énorme ou quoi, là. J'explique clairement un truc. Le mec, il est là derrière, il te rend instable l'émission. Non. Et c'est le mec qu'il faut pas embaucher, tu sais, en théorie, dans une émission. C'est le mec. Les choses. Ah, le mec, c'est le boulet, quoi. Non. Mec, je suis en train d'expliquer un truc. Il fait, ah là, c'est pas ça, Guillaume. C'est ça, en fait, Guillaume. Bah oui, c'est ce que je vais te dire. Bon, mercredi, en gros, ouais. Il y a l'âge de glace qui sort. J'ai eu le soir, là, tu vas fermer ta gueule 30 secondes. Je vais expliquer ce qui est bien. La sortie de l'âge de glace, mercredi, les lois de l'univers, c'est le nouveau, avec les voix de Gérald Lanvin, d'Elie Semoun, de Vincent Cassel. J'ai la chance de faire le nouveau personnage, moi, qui s'appelle Julian, le nouveau mammouth, dedans. Et donc, mercredi, du coup, à l'occasion de la sortie du film, j'aurai des iPhone 6S à vous offrir en plus mercredi soir, avec plaisir. Hier, il y a des agriculteurs qui moissonnaient et la machine a pris feu. Il a mis le feu au champ et ça nous a encerclé la maison. Salut mon pote. Bisous, bon anniversaire les gars, vous êtes top. Gros bisous à toi, merci mon pote. Mon ex m'a quitté et à peine 3 semaines après, elle s'est mise avec mon meilleur pote, appelle-moi. Ah ouais, ça pour moi, c'est un petit peu prévu. Ouais. Hein. Gaëtan, alors, on parlait des ex qui vous font chier. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Gaëtan? Eh ben moi, si tu veux, c'est mon ex, on est resté 3 mois ensemble. Ouais. Et bah là, je l'ai quitté parce qu'on s'entendait plus, voilà. Et sa mère menace de porter plainte si je me remets pas avec elle. C'est pas vrai. Non. Mais ça existe pas. Si, il y a des familles bizarres. Mais pourquoi? Non, mais franchement, ça devient trop dur, quoi. C'est vrai? Ouais, parce qu'elle m'appelle tous les jours, je suis obligé de bloquer son numéro. Tu peux pas porter plainte. Bah, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 3 mois. Oh, ça va. Bah oui. Elle est tombée très amoureuse, en gros. Hein. Ouais, elle était accro, quoi. Ouais. Parce que t'es trop irrésistible, mon Gaëtan. Ouais. Vraiment. T'es une sex machine, mon gars. Attends, et résultat, elle veut sortir avec toi toujours, elle veut se remettre avec toi, machin, elle t'appelle, et toi, tu veux pas, quoi. Bah non, tous les jours sur Facebook, elle m'envoie au moins 10 messages. Ouais. Bah après, et sa mère, qu'est-ce qu'elle te dit exactement? Parce qu'elle peut pas te forcer à te remettre avec, sinon elle porte plainte, ça n'a aucun sens. Bah, genre, elle me dit qu'elle est trop malheureuse depuis qu'elle est plus avec moi et qu'elle m'aimait bien et elle m'aimait bien comme beau-fils. Mais moi, j'ai dit, je m'entends plus avec votre fille, chaque fois qu'on est ensemble, on s'engueule. Donc à un moment donné, ça vaut pas la peine de continuer, quoi. Ouais, mais enfin, c'est pas la fille de t'appeler. Elle a quel âge, la fille? Enfin, la mère, pardon. Bah, elle a 48 ans. Non, mais la fille, elle a quel âge? La fille, elle a 17 ans. Ouais, mais enfin, qu'elle ait 17 ou 16 ou 15, c'est pas sa mère qui appelle pour se remettre avec toi. Hein, pas qu'elle s'en mêle. Non, mais c'est vrai, excuse-moi. C'est pas comme ça qu'elle va y arriver. Ah, mais c'est exactement. À un moment donné, c'est pas comme ça que tu vas donner envie de revenir si c'est la mère qui t'appelle. Hein. Ouais, et crois qu'il va te faire peur. Attends. Salut Guillaume, est-ce que c'est toi qui fais la voix de l'âge de glace? Oui, exactement. Salut Bruce du 71. Salut mon pote. Salut Bruce. Bonsoir. Salut Guillaume, mon ex m'a accusé de viol, moi, Quentin de Metz. Juste un peu de pub pour le restaurant Ex. Et Excementi à Espelette dans le 64. Alors ça doit se prononcer à la basque. Excementi. Produit frais tous les jours, on mange bien super bon. Merci Guillaume, salut mon Florian, salut dans le sud-ouest. Après 13 ans de vie commune, je viens de découvrir que mon mari pratique l'échangisme. Salut Stéphanie. Avec son numéro, là, Stéphanie de Noyon. Il y a Jessie, 20 ans aussi à Rennes. Bonsoir Jessie. Salut, ça va? Ça va mon Jessie. Hey, y a des histoires de fous qui arrivent depuis tout à l'heure. On va parler de cul tout à l'heure. Et JM, il y avait une autre histoire aussi ce soir. Vous êtes nombreux à nous appeler là au standard. La jalousie en couple, ouais. Ah, très bien. Ah, tu le mets, JM du standard? Avec plaisir, Guillaume. Apparemment, on a un mec qui est jaloux, mais c'est amour à de rire. On le prend juste après sur Énergie. Vous passez vos vacances d'été avec les DJ Star Énergie. Tous les soirs, tout l'été, minuit, il mixe sur Énergie dans Énergie Extravagance. Avicii, Tiesto, Armin van Buuren, Steve Aoki, Afrojack, Hardwell, Major Lazer, Bob Sinclair, Martin Solveig, Robin Schulz. Ici c'est Énergie. Énergie. La radio des DJ stars. Énergie. C'est Énergie. Salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait déjà loup, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Leclerc. Maman ! Oui ? Sur le site parapharmacie.leclerc jusqu'au 17 juillet, t'as 30% de tickets Leclerc sur les plus grandes marques de produits solaires. C'est pas mal ça avant de partir en vacances. T'es sérieuse là ? Ah oui ! Soleil Biafine, Bioderma, Avène, La Roche-Posay, Vichy, sur parapharmacie.leclerc. Retirez gratuitement votre commande dans les parapharmacies, les drives et les centres Leclerc participants. Voir modalité sur le site parapharmacie.leclerc. 30% de tickets Leclerc sur les produits solaires. C'est génial ! Parapharmacie.leclerc. Ne restez pas trop longtemps au soleil, même si vous utilisez un produit de protection solaire. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante, on dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Studio Blue Sky présente l'âge de glace, les lois de l'univers. Et si la fin de l'âge de glace... Regardez, des étoiles filantes. Si t'as fait un vœu, on est mort. N'était que le début d'un nouvel âge. Ce sont ces gus-là qui vont sauver le monde. Je savais pas qu'être tocard, c'était une stratégie. L'âge de glace, les lois de l'univers. Le 13 juillet au cinéma, avec Énergie. Ce n'est pas parce qu'elle nous nourrit qu'il faut lui laisser nos restes. Ce n'est pas parce qu'elle nous apporte de l'eau qu'il faut lui laisser nos bouteilles. Ce n'est pas parce qu'elle nous rappelle tant de bons moments qu'on doit lui en laisser une trace. La nature nous offre tellement. Offrons-lui plutôt notre aide en retour. Les 23, 24 et 25 septembre, Leclerc organise l'opération Nettoyons la nature. Pour y participer, inscrivez-vous vite avant le 15 août sur nettoyonslanature.com ou au 09 69 399 400. Numéro Cristal, appel non surtaxé. Leclerc. Qu'est-ce qui se passe quand on a écouté Guillaume Radio 2.0 de 21h à minuit sur Énergie? J'en ai la culotte qui est toute mouillée. Eh ben ça tombe bien, moi aussi. 21h, minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 en direct à la sur l'antenne. Énergie. Sur Énergie. On se fait la maître Guillaume. Ok. Tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. C'est tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Apparemment, il y a une histoire de fou qui vient d'arriver. JM du standard m'a dit une petite pépite. Ouais. Et d'abord, Jessie, 20 ans, hein, de Rennes, dans le 35, représente les Vilaines d'ailleurs, les copains de. Les copains, normalement, tu m'entends le breton? Ouais, ça va. Ouais, toujours. On s'est rencontrés, Jessie, quand on est venu il y a 2 semaines et demie, là, vous voir à Rennes ou pas? Non, non, je bossais. Oh putain, qu'est-ce que tu fais dans la vie alors? Bah, moi, je suis routier. T'as un mot d'excuse de ton patron? t'as un truc. Ah putain, c'était bien en plus, il y avait du monde. Ouais. Et t'as vu mon Jesse, il y a un mec qui a fait une. Je sais plus dans quel pays, le mec c'est un tueur. Il a fait une fausse ambulance. Bon, c'est un fils de pute quand même. Hein, ouais, hein. Il s'est fait arrêter par les flics, mon gars, il a pris de la zonzon et tout. Il avait peint sa voiture, je sais pas si t'as vu Jesse. Il avait un break. Il a acheté un gyrophare d'ambulance. Ouais. Il l'a mis sur sa voiture et il a peint sa voiture en jaune fluo avec les mêmes étoiles et tout. Il a vraiment fait une fausse ambulance. Il a mis un klaxon une sirène à l'intérieur d'ambulance, etc. Et en fait, il y a des caméras de surveillance où ils montrent qu'ils passent au péage avec les pompiers qui passent sur le côté. Toutes les voitures s'écartent dans les bouchons, etc. Et en fait, il y a des images de la circulation où pendant plusieurs années, le mec, il a roulé avec comme une fausse ambulance, en fait, finalement. Il s'est jamais fait arrêter. Ouais. Sauf que là, ça y est, il s'est fait arrêter, c'est qu'il va partir en prison. En Angleterre, voilà. Alors, mon Jesse de Rennes, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Jesse? Bah, moi, ma copine s'est barrée il y a un mois et demi après. Ouais. Et comment je voulais retourner avec elle, parce que ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Oh. Et je dis à mon meilleur pote, je sais qu'il parlait beaucoup avec elle, je dis, ouais, est-ce que tu peux m'aider et tout ça. Et puis, j'ai pas eu de nouvelles. Et après, deux semaines après, il y a l'ex de mon meilleur pote qui m'appelle, qui me dit, ouais, je croyais qu'il y a un truc entre eux et tout. Et après, ouais, mon ex m'a confirmé ça. Ouais. Et alors, et donc, c'était avec ton meilleur pote depuis longtemps? Bah, c'était pas mon meilleur pote depuis tant de temps que ça. Ça faisait 3-4 ans qu'on se connaissait, mais bon, on se voyait tout le temps, quoi. Ouais, il est parti avec ta meuf. C'est fou, hein, comment, quand t'es avec un pote, etc., comment il peut te lâcher pour une meuf. Enfin, comment le sexe s'appelle la trahison? JM du standard. Ça, après, c'est des règles que tu établis entre tes potes, je pense. Ouais, et donc, toi, c'est des règles de rien. Ouais, mais si t'as envie de la tromper, tu la trompes, et puis c'est tout. C'est interdit, je toucherai jamais la meuf. Non, mais toi, c'est interdit, mais ton pote, t'en sais rien. Moi, j'ai confiance absolument en personne sur les femmes. Tu tombes amoureux, tu tombes amoureux de rien du tout. Tu tombes pas amoureux, voilà. Non, ça se peut pas, Flo des cadeaux. Excuse-moi, moi, je tomberai jamais amoureux de la copine de mes potes. Jamais amoureux. Je me forcerai. Tu contrôles pas. Si c'est pas question de contrôler, Flo des cadeaux, t'as le droit d'être une pute, pas moi, voilà. Moi je ferai attention à ne pareil. Pas. Non, mais oui. Je pense que tu contrôles un minimum tes sentiments et qu'à un moment donné, il faut faire attention à pas, tu vois, à pas faire n'importe quoi. Bon, mon Jesse, en tout cas, alors du coup, ta copine s'est barrée. T'es allé voir ton meilleur pote ou pas depuis, là, enfin, ce mec depuis? Ah ouais, je l'ai vu juste après que j'ai appris ça, je lui ai dit, bon, on va discuter vite fait. Et puis après, on a discuté, et puis je lui ai dit, bon, la prochaine fois qu'on se verra, t'inquiète pas, je te casse la tête, et puis voilà. C'est vrai? Oh là là. Et t'as confirmé qu'il est avec lui, avec elle, c'est sûr? Ouais, ouais, bah les deux ont confirmé. Et le pire, c'est que j'aurais pas su par son ex, personne m'aurait rien dit, quoi. Il disait, on avait pas envie de te dire, ou pas qu'il se sente mal. Ouais. Ils se sont rencontrés, j'imagine, du coup, avec toi en soirée, machin, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et maintenant, vous êtes retrouvés, et ces connards, ils sont partis. Putain, c'est abusé, oh. On se raconte un petit peu les histoires comme ça, quand les ex nous ont vraiment persécutés un petit peu après, et qu'ils nous ont un petit peu saoulés. Alors, Marc, 23 ans à Nice, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé, Marc? Salut, ça va Marc ou quoi? Tranquille. Marc est là, ouais, tranquillement. Ouais, ça va. Le Niçois, c'est ça, du 06? Eh ouais, le Niçois. Eh ben enchanté, mec. Alors merci, hein, si vous voulez faire de la radio avec nous ce soir, nous sommes à l'ancienne aujourd'hui, il n'y a pas de standardiste, on fait l'émission vraiment à 3, que avec Jim. Numéro 1 de l'énergie, hein. Numéro 1. De quoi numéro 1? Numéro 1 de Guillaume, plaît. Merci mon Marc. Merci mon Marc. Tu travailles dans quoi toi Marc, d'ailleurs? De quoi? Comment? Tu travailles dans quoi toi Marc? Alors moi, je suis chanteur, ventriloque. Et j'attaque une formation pour être animateur radio. D'accord, ok, très bien. Ah ouais, mais pourquoi tu veux faire autant de métiers? Parce qu'en fait, je crois que vous avez reçu un email ou quoi, sur mon Facebook. Je suis le sosie de Manu Lévy. Ah oui, donc t'as vraiment beaucoup de... T'as vraiment beaucoup de... Bah c'est vachement bien, au moins, t'as des trucs à raconter, ça fait plaisir. Ouais. T'es le sosie de Manu Lévy qui fait le morning. James, t'as la photo? Ouais, ou pas? Je dois l'avoir, attends. Ah bah attends, tu sais bien qu'il va passer sur moi la photo, je veux dire. Apparemment, il l'a vu. On est tous les deux à côté. Non, apparemment, tu l'as vu cet après-midi. Je l'ai envoyé sur le Facebook de Ah ouais, c'est ouf. Il y a une ressemblance, hein? Ah ouais? Non, mais t'as juste les mêmes lunettes que j'ai mis du standard! Et c'est qui t'a dit que t'étais sosie de Manu Lévy? Bah, tout le monde de Facebook, tu sais, combien j'ai de Facebook, j'ai au moins des milliers. Je dépasse les 3000 là, bientôt. Attends, et t'es chanteur, ventriloque? Ouais. Mais genre, pour faire un spectacle, t'aimerais un petit peu comme Jeff Panaclock, genre? Pas vraiment, ouais. Mais je vais pas prendre comme Jeff Panaclock. Je vais pas faire les mêmes sketchs. Ah oui, mais voilà. Ça, je me doute. C'est sûr, ça s'appelle un imitateur. En vrai. Du vol, ouais. Ouais. Non, mais il n'y a pas de problème. Hein. T'as envie d'écrire des sketchs, etc. T'as vraiment envie de te lancer là-dedans? Ouais, ouais. Franchement, ouais. Bah là, je vais attaquer en mai septembre un album. Ouais. Que je vais peut-être faire. Et voilà. Putain, c'est énorme. Putain, trop fort, quoi. Et en fait, aussi, bon anniversaire. Hein. Ah, merci. Merci. Alors, attends, tu crois quand même pas que tu vas t'en sortir comme ça? Moi, j'ai envie que tu chantes un petit peu. Oui. Attends, et tu dis que t'es ventriloque. Tu pourrais nous faire un petit dialogue? C'est quoi que t'as? C'est une poupée? Qu'est-ce que t'as là? Alors, c'est le mal. La même peluche que Japon de la coque. Mais tu veux pas la c'est énorme. Il y a deux secondes, il vient de dire. Moi, j'ai pas pompé son sketch. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des gens. On va changer de paysage. place en avant-première, il est énorme. J'ai tout de suite reconnu la voix du petit mammouth, le beau-fils de Mani. Merci Nathan du 58. Ah, merci, gros bisous. Salut, ouais, merci à toi. Au revoir. Écoute, ah oui, c'est tout, t'inquiète. Ah ouais, alors. Ah non, attends. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Il était en plus samedi soir sur TF1, ouais. Japan O'Clock là. Il est fort. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. J'ai pas compris, Marc. Et après, il est retourné à Nice. Et après, quoi? Après, il est retourné à Nice, il a dit Jean-Marc. D'accord, ok. Ah, j'entendais. C'est lui qui chante. Et maintenant, je vais vous chanter une petite chanson. Vas-y, vas-y. Attends, le mec, c'est le orchestre. Allons-y. Tu vas entendre un coup. Dans un monde meilleur, on pourrait tout s'effacer. Les erreurs du passé, qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on vivrait pas sur l'acé. On vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Et voilà. Attends, le refrain. Pa pa pa pa pa la. Pa pa pa pa pa la. Pa pa pa pa pa pa pa la. Dans un monde meilleur. Pa la pa la pa pa pa la. Pa la pa la pa pa pa la. Pa la pa la pa pa pa la. C'est Soprano, quoi. Bien joué. Hein. Ouais, tu fais, tu imites Soprano alors. Là. C'est qui? J'ai vu une vidéo sur ça. De quoi? J'ai vu une quand vous avez fait les imitations avec Kinvey, il y avait toi, il y avait JM, il y avait Julien quand vous avez fait les blablabla. Le Billy Billy, ouais, exactement. Ah ouais, non, mais le roi de JM. Ouais. T'as trouvé ça comment le spectacle de Jeff Panaclock samedi soir? Encore bon anniversaire à l'émission, gros bisous. Moi, j'aime beaucoup, moi, le spectacle par SMS. Je trouve très très fort Jeff Panaclock. Ah bah, il me fait mourir de rire. Il fait un carton dans tout le monde entier. Il a fait un carton aux États-Unis. En France, il a fait. Mais qui dit Marc, pour Marc qui passe, le talent il est pas là là là là là là là. Non, mais en tout cas, c'est vraiment bien. Et là, t'as la marionnette sur la main quand tu fais le personnage ou pas? Oui, j'ai la main. T'arrives à faire JM du standard de la ventriloquie? Est-ce que tu t'es entraîné un petit peu? Jamais. Il veut roller les angles, j'ai la bouche. En fait, c'est faisable, mais c'est dur. Jeff Panaclock est extrêmement fort. Ouais. Voilà. Ouais. Pas de plan, c'est et le bon aussi, plan. N'oubliez pas d'aller voir le 13 juillet, l'âge de glace, le 5, avec la voix de Gameplay, bien sûr. Ah putain, mais c'est bien, on est tout, il est fort. Qui passe le 13 juillet, allez le voir, il est exceptionnel. J'ai vu les bandes annonces, allez le voir. Alors, si t'as vu que la bande annonce, on va savoir qu'il est exceptionnel, mais en tout cas c'est gentil de le dire, merci beaucoup. Ouais. Le mec ventriloque, je suis éclaté chez moi, Mordor. Alors attends, fais-nous une petite blague avec Jean-Marc, le personnage des ventriloques aussi, Marc, 23 ans à Nice. Alors, moi, c'est bon, c'est prêt, Jean-Marc? Ouais, vas-y. J'avais plus, j'étais toujours prêt, ouais. Alors, Guillaume, toi, ouais. C'est tellement con que ça t'arrive même pas à t'asseoir dans une chaise. Voilà. Ah, c'est chaud, mec, putain. Ouais. Laissez les kouma. Putain, c'est chaud, mon gars. Ah ouais. Non, mais c'est énorme. Flo, des cadeaux, tu saurais faire ou pas? Non. Moi, j'ai un peu de mal. Mais c'est facile, mais... Flo, c'est facile de le faire. C'est juste. Faut juste parler avec. Faut pas lever les lèvres. Faut bah là, on voit pas en plus. Donc, on sait pas ce que tu fais. Non, mais voilà. Non, mais voyez, c'est vrai qu'en fait, il peut faire. Oui, alors regarde. Le fait de parler, du coup, tu ouvres la bouche, quoi. Ouais. Regarde-le. Ouais. Tu arrives un petit peu chez les standards, ouais. Pas du tout, Guillaume, je crois pas. Ah, si, un petit peu. Il met sa bouche en croissant. De quoi, Marc? Non, je parle avec la bouche. Je parle pas avec la bouche, moi, je parle avec les lèvres. Vas-y, vas-y. Les lèvres, elles sont tellement fermées. Ouais. Faut fermer les lèvres et faut parler avec la gorge et le ventre. Ouais. Il faut d'accord. Prendre une drôle de respiration. C'est comme tu souffles dans un ballon. Et après, quand tu coupes la respiration, tu fais un genre d'imitation comme un. Salut, produit! Voilà. C'est marrant quand même à faire. Ouais. Rentre chez toi, je te jette une patate. Salut, gars. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'appels au standard pour ça. Alors, juste Marc, avant de partir, et puis ensuite, on va enchaîner avec le jeu. Ouais. Les faits divers. J'aurais besoin de deux d'entre vous ce soir sur Énergie. Juste avant, Marc de Nice, t'étais jaloux. Il y avait une histoire de jalousie. Je sais pas, tu nous appelais pourquoi, t'as mon gars. Tu nous appelais pas du tout pour la chanson. Ça, c'est vraiment une petite surprise qu'on a eu en plus. Ouais. Parce que là, quand tu dis que t'es chanteur, tu veux en faire carrière, vraiment? T'as envie de faire carrière dans quoi, alors, du coup? Dans la chanson, dans le sosie? Dans la chanson. Dans la chanson, ouais. Parce que c'est un peu un chanteur qui est décédé, qui s'appelle Grégoire Marchal, qui m'a donné envie de faire ce, de faire de la musique en gros. Ah ouais, d'accord. Donc t'aimerais, et pourquoi tu fais une, apparemment une école d'animateur radio si tu veux faire chanteur Grégory Le Marchand? Bah parce que en fait, j'ai montré aux gens qui veulent continuer la carrière tout ça, qu'être animateur et chanteur, on peut le faire des deux. On a deux rêves et les deux rêves, on peut les réaliser en même temps. Ouais, t'aimerais vraiment prouver aux gens quoi. Ouais. C'est comme quoi avec ses chansons de merde. Il a fait une carrière, mais il a quand même bien chanté aussi. Attends, quoi, il fait quoi, t'as dit? Des chansons de merde. Ouais. Comme Payette, il va marquer. Mais non, mais ça, en fait, c'est une reprise. Oui, c'est une blague. Il sort sur le... Oui, mais c'est une chanson de merde. C'est pas un vrai chanteur. Écoute, mais quand tu vas dire Guillaume, il va marquer. Ouais, moi, je joue pas au foot, mais ouais. Guillaume, il va marquer. Il nous raconte en sa vie, le bâtard. On peut le faire avec des extraits. Et donc, Marc, et donc, toi, t'es jaloux, alors, c'est ça? Qu'est-ce que c'est, histoire de jalousie? Un jaloux, mais je suis un gros possessif. C'est parce qu'en fait, je suis tellement... Et largué par plein de meufs. Mmh. Voilà. Et parce qu'il y a une de mes ex avant, elle avait couché avec deux meufs. Oui. Et franchement, c'était horrible. Alors, c'est moi qui ai largué. Et après, j'en ai d'autres un peu d'une semaine et tout. Et la dernière, j'ai envie de la garder en gros. Voilà. Ah, alors, j'imagine. Moi, franchement, j'apprends que. Franchement, tu sais que. Moi, j'apprends que ma copine. Je sais pas. J'apprends que ma copine a couché avec deux filles. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. Et que tu es pas allé. Et tu me sens là. Et que tu es pas allé. Ouais, non, je suis pas allé. Vraiment, je pense que je vais faire un malaise. Et attends, c'est fou quoi. Et alors, attends, mon Marc, ça fait combien de temps que tu étais avec cette fille? Alors, j'imagine que ça t'a fait beaucoup de mal. Ça faisait longtemps que tu étais avec elle pour la quitter après plein de temps. Ça faisait deux ans. Ah, ouais. Ça faisait deux ans, ouais. Quand même. On allait se marier après. Ah ouais, à bout de deux ans, on allait se marier. Ah, c'est vrai, ouais. Et t'as appris donc qu'elle avait couché avec des filles, hein, pas des mecs, hein, des filles. Non, deux mecs. Ah, deux filles. Tu viens de dire avec deux filles, alors, parce que tu te contredis. Non, j'ai dit avec deux mecs. Non, t'as dit avec deux filles, on est trois, par contre. Autant pour moi. Attends, et là maintenant, là, tu appelles pour dire que t'es vraiment extrêmement jaloux, tu supportes plus vraiment que quelqu'un la regarde, etc. Ouais, franchement. Attends, et donc, résultat, ça fait combien de temps que t'es avec cette nouvelle là, que tu supportes plus la jalousie? Bah, ça va faire trois semaines, là, aujourd'hui. Ouais. Ah, ouais. Ah, c'est l'anniversaire un peu des personnes, quoi. Ouais. Et là, jusqu'à où t'es jaloux, genre, qu'est-ce que tu lui empêches de faire? Ben, moi, je l'empêche d'aller voir des mecs, de parler avec des mecs sur Facebook. Quand elle ne me répond pas, je suis en panique, j'ai envie de me faire du mal, je mange pas pendant une semaine ou des trucs comme ça. Tu manges pas pendant une semaine, putain. Ah ouais, c'est beaucoup. C'est un jeune. J'abuse, mais voilà, mais admettons, voilà. Mais au final, je l'aurais pas fait. Hein. Ouais, non, mais c'est, ouais, sûr, ouais. Hein, c'est sûr. Et tu l'as rencontré où, cette nana-là, avec trois semaines? Bah, sur Facebook, ça fait un an que je la connaissais sur Facebook. On parlait, et depuis ce temps, je vais trop sortir avec elle. Le dernier jour, elle veut sortir avec moi, elle m'a dit oui, alors on est parti. Toi, t'as 23 ans quand même, Marc, ouais. Et donc là, ce qui est énorme, c'est que tu l'as demandé en fiançailles au bout de trois semaines, c'est ça, et tu nous as appelé pour ça? Ouais. Ah ouais. Parce qu'on est vraiment fous amoureux de l'un de l'autre. Et ben voilà. Ah ouais. Et tu l'as demandé en fiançailles comment? Ben devant ses parents. Ah ouais. Ah c'est. T'as pas fait les choses à bâtir. Ils devaient être contents. Ouais, ils sont contents tes beaux parents ou pas du coup? Bah ouais, ils m'aiment bien parce que j'avais offert un parfum Chanel numéro 5. Le grand jeu. Bah oui. T'as invité ta marionnette, elle était attends, là pour c'est... Non, non, non. Tu viens de chanter avec moi. C'est elle qui a fait la demande. Non, j'aurais pas fait ça. Ah, le ventriloque. Oh putain, mon gars. Je sais pas d'où tu sors, mais tu me fais mal quand même. Ah, je te remercie d'avoir un peu. C'est vraiment un bonheur. Hein. D'ailleurs, si vous voulez passer les coups de fil et tout, mais votre message aussi, 11-12. Hein. Lui, il a fait un jingle de champion. Énorme, le mec. Devant, ses meufs sont partis coucher avec sa marionnette Germain. Maintenant, il est pas tout seul. Ça va être Tom du 59. Attends, et tu l'as demandé en tu connaissais ses beaux-parents ou c'est la première fois que tu les voyais? Ses beaux-parents, je les ai vus il y a deux semaines en arrière. Ah ouais, au bout d'une semaine. Bah ouais. Ah c'est vrai, oh là là. C'est elle qui est venue avec sa mère en disant ouais, faut que je te prenne ma mère et tout ça, elle va te voir et tout. Elle est descendue sur Nice et. Ah ouais, parce qu'en plus elle habite pas à Nice, elle, c'est ça? Elle habite où? Si, elle habite vers Cannes-sur-Mer. Je t'avais dit, JM, tout à l'heure. Ah ouais, parce qu'ils ont parlé du coup en l'émission, ouais. Il avait envoyé un mail pour passer. Voilà, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Voilà. Reste tranquille, gros, il y a les mecs en blanc qui arrivent, je te chercher. C'est dur ce soir, ils rentrent quand ensemble? Bien sûr. Est-ce que tu as un cadeau? Ah bah bien sûr, qu'est-ce que tu veux comme qu'est-ce que tu veux comme cadeau Marc? Bah en fait, j'ai un problème avec mon portable, j'en ai discuté avec JM et tout ça, je voudrais avoir un portable. Ah ouais, normal quoi, normal. Ouais, bah ouais, normal. Je suis sûr que j'ai mis du caca dans les cheveux, c'est un CR et SMS. Il va finir en prison, mais. C'est, et quand elle a compris qu'il chantait, qu'il avait plein de teams, Mimati chante donc tous les espoirs sont permis pour lui. Je suis au ouais, j'ai du tueur, on va le faire après. Le mec, c'est le jeu des faits divers. Il n'est pas tout seul, lui, salut Tom du 59. Ah, attends, et t'as d'autres passions, Tom, Marc, dans la vie, à part la chanson, le mime, le sosisme? Alors, là, j'ai des passions. J'aime bien aller dans les boîtes de nuit, en after. Ouais. J'aime bien les karaokés. Ah, c'est vrai, t'aimes le karaoké. Oui, ouais. Je soutiens l'équipe de France. Ah c'est vrai. Non non c'est bien, t'es solidaire avec ton pays. T'as vu un petit peu le match ou pas toi Marc? Bah ouais j'ai vu hein, la faute des Portugais j'ai pas trop aimé. T'étais pour quel joueur toi dans l'équipe de France? Qui c'est que t'aimais bien? Griezmann. Ah ouais, Griezmann le premier. Ah oui. Ah, Grisou. Le Grisou. Bah, il y a Evra qui s'est fait exclu de l'équipe de France, je viens d'apprendre. Ah bon? Ah ouais T'as vu ça où? Ouais. Bah sur les infos là. Ah c'est vrai, t'es sûr? Ouais, sûr et certain. Il s'est fait virer de l'équipe de France. Je te jure, il s'est fait insulter par tout le monde. Ouais, peut-être, mais alors attention, ne croyez pas ce qu'il dit parce que je le vois nulle part pour l'instant. Allez voir sur les actus. Ouais, non, mais pour l'instant, il est pas génial, il est gênant. Hein, vous êtes en vacances, quoi, on salue l'éducateur. Vendredi, nous, voilà. Ouais. Excusez, Vras, supporter les Français. Excusez-moi, autant pour moi. Non, mais t'as raison. Et Marc, n'hésite pas à balancer des gros doses comme ça. Et demande-lui des gros doses comme ça. Et balance des gros doses sur la plus grosse radio de France. Et t'inquiète pas. Oh, tu veux foutre l'incendie ou quoi là? Mais laissez pas seul parce que je l'ai trop gamberger. Dans 2 minutes, on se fait des lignes. Où tard les loups seront mangés par le berger. Je me laisse pousser la barbe, tu parles bien, je me laisse aller. J'ai créé un rime au hasard, donc pourquoi râler? Je fais ce que je peux pour mes potos, et au fond, ce qu'ils veulent pour moi. À tout moment, je peux sauter, je prends la vie comme un combat. Tu veux t'évader, partir de là? Alors imagine-moi, je pense même plus à verser des larmes. Je fais que t'as fait comme un chinois. J'envoie des ombres, venisons la mort. Oh là là, tu regardes quoi comme série à la télé, mon Marc là? Alors, je regarde Walking Dead. Ouais. Et parce que l'autre fois, j'avais vu votre court-métrage que vous avez fait au studio. Notre quoi? Marcel. Le court-métrage que vous avez fait sur... Le court-métrage. Je suis un peu baptisé, c'est pour ça. Non, non, mais c'est pas grave. Tu dis le cool, t'as le droit de dire le cool. C'est un court, on dit un court-métrage, mais tu peux dire le cool-métrage. Ça veut dire qu'il est cool, le court-métrage. Le court-métrage que vous avez fait... sur YouTube, franchement, c'était cool. Sinon, j'aime bien Grey's Anatomy, j'aime bien Smallville, Les Simpsons. Les Simpsons, c'est énorme ça. Et donc, alors attends, parce que juste t'as pas dit, on va parler un petit peu de cul de minute avec toi, Marc, avant que tu partes. Ah bah oui. J'ai envie qu'on parle ce soir quand même de sexe de minute avant, parce que là vraiment c'est trop beau. Je suis ouvert, allez-y. Hein. Alors, c'est très bien, mon gars. Juste, on va se faire Soprano, ça fait 2 heures que je l'annonce, et juste après on parle de cul avec toi, d'accord, Marc? Ok, allez, on va rigoler. 42-48. Non, y a personne au standard. Là, c'est par SMS. Guillaume et votre texto au 611. Allez-y, Guillaume, votre texto au 611. On a un bon Soprano, le diable ne s'habille plus en Prada. Et après, on va se faire aussi le jeu du fait d'hiver. Fait des cadeaux, va nous raconter 10 histoires de meurtre. Il faudra savoir lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Juste après, c'est mort à jouer sur Énergie. Ok. Sur terre de péché, d'un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille d'un plus généreux. Mais l'époque a changé. Les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation.

découvrez le premier album de Slimane, inclus les tubes Paname et À fleur de toi. You left, but I can never seem to let you go. Cause once upon a time, you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's buried deep inside me, but I feel there's something you should know. Both end up here, but everything seems so right. Oh, I wonder what would happen if we went back and put up a fight. Cause once upon a time, you were my everything. It's clear to see the time hasn't changed a thing. So, in this world, do you think you'd ever take you off my mind? I will never forget you. You special with you, but sometimes you just gotta know that these things fall through. But I'm still tired and I can't hide my connection with you. Feeling it, loving it, everything that we do. And all along I knew I had something special with you. But sometimes you just gotta know that these things fall through. I can have my connection with you. Fabriquer cette émission, l'équipe de Guillaume Radio 2.0 se donne à fond. Un peu trop peut-être. Tu transpires la merde, tu transpires la merde, je te dis, t'as un trou du cul. 21h minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 en direct sur Énergie. Et on est toujours avec Marc, 23 ans, hein, niçois, dans le 06, représente les copains du Sud d'ailleurs. Et je suis avec ce soir seulement Flo Descadeaux et JM du Standard. Salut. Nous sommes l'émission à 300 standardistes, on l'a fait à l'ancienne avec les appels qui arrivent. Nous appelons nous-mêmes en standard pendant les musiques ou les pubs en cours et on se le fait à l'ancienne. Salut, je viens d'arriver, là il y a le faux Jeff Panaclock qui est là, c'est le grand show. Mordor, salut Yves de Nancy. Et voilà, salut. On est avec le faux Jeff Panaclock. Bonsoir Marc, hein, toujours. Bonsoir. Marc qui peut faire la ventriloquie. Alors vas-y, fais-nous-le pour voir deux secondes. Voilà, qui fait donc de la ventriloquie à la radio. Hein, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on voit pas le personnage. Ouais, ouais. On va arriver juste avant ouais, ça. Bonsoir. En tout cas, c'est hyper drôle. Écoute, enchanté. J'ai une question. Ouais. Allô, Amina. Ah bah Amina, elle est comme tous les autres au quatrième étage, voilà. Ouais, elle attend. Oh bon, elle s'est pas perdue. Non bah écoute, j'en sais rien, non. Peut-être sous la moquette, hein. Amina de Sana, c'est un peu un acarien ici là. Et Salonge, on la voit plus dans la moquette. Ouais, quand elle nage avec les poissons, on la voit plus aussi. Hein. J'ai pas compris. Quand on nage avec les poissons, on la voit plus aussi. Voilà mon Marc, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On a le champion du monde ce soir. Guillaume et votre message, hein, si vous voulez réagir, je lis les messages discrètement, bien sûr. Hein. Vous êtes en vacances quand vendredi, bonsoir, le du 49. Salut Lolo. Bisous Lolo. Demande à sa copine d'appeler qu'on voit le couple de la mort. Ah ouais, tu veux qu'on appelle ta chérie Marc qui t'a demandé en fiançailles au bout d'une semaine. Ouais. je vous donne le numéro de téléphone. Ouais, mais attends, pas. Ouais, attends, direct. Si, si, si, tu peux le donner en direct, vas-y. Non, non, pas en direct. Bah, si, je te dis. Mais c'est bon, je déconnecte l'émetteur. En plus, t'inquiète pas. Ah, oui, c'est vrai, il y a un émetteur, exact. Bah, ouais, c'est bon, je déconnecte l'émetteur. Là, par exemple, attends, j'appuie sur le bouton, tu bouges pas. Attends, deux secondes. Attends, j'appuie sur le bouton. C'est bon, voilà. Hop, là, il n'y a plus que toi qui m'entends, là, mon Marc. Ok, c'est bon. Alors, attends que je cherche une clé. Alors, c'est... Vas-y, vas-y, je note, hein. Je note. 06-65. Ouais. 73. Ouais. 91-60. Ouais, très bien. Attends, oh, mais t'as rien fait le dire. Bah, je rigole, on est à l'antenne encore. Du putain. Oh, putain de merde. Eh, le dernier chiffre. Eh, va lui demander le dernier chiffre en antenne, mon faux des cadeaux, s'il te plaît. Là. Derrière, s'il te plaît. Oh, putain, il a failli le dire, ce con-là. On a quand même pris le début. Ah, ouais. Non, de quoi, le dernier chiffre ouais. Non, non, je crois pas, je crois pas. Ah, t'as compris, toi, j'aime son nom. Guillaume. 06 65 73. Attends, 06 65 73 91, etc. Et pourquoi j'ai pas le site vous êtes en vacances quand? Alors, donc vendredi, du coup. Sa copine est fière de lui, ça se sont bien trouvés les deux. Une amie à moi s'appelle Louane et c'est son anniversaire aujourd'hui. Et bah, bon anniversaire, la chérie. Bon On a les bracelets connectés à vous offrir aussi avec dans un instant là sur Énergie dans l'énigme. Alors c'est bon ouais. C'est bon, faut des cadeaux, ouais, c'est bon. Très bien. Ah non, c'est pas le 68 hein, mon ghost hein. Dérange pas le mec qui a envoyé 68. Allez, on appelle ta copine Marc. Ouais. Allez, vas-y. Tu lui fais une déclaration. Ouais, non, ah oui. Tu l'aimes et tout, vas-y, on vous écoute tranquille. Comment elle s'appelle ta copine Marc? Estelle. Ah ouais. Elle va répondre, tu crois ou pas? Ouais, j'espère. Ah, en plus elle écoute l'émission. Ah, ouais. Hein. Bah oui. Eh hey, hey, Tétel, réponds Tétel. On t'appelle. Avec la petite voix. Allez, hey. Allô, mon cœur. Non, non, ah, non. Attends. Oui, bonjour. C'est Tétel Aurel. Attends, je vais rappeler, d'accord? Je vais rappeler. Ouais. Vas-y, on va voir si ça répond. Parce qu'à la deuxième fois, ça va rappeler et tout. Ouais, bah oui. Toujours rappeler deux fois. Ah ouais. Ouais. Il est magique, le mec. Allez. Il faut vraiment qu'il réponde. Ah putain, ouais, faut qu'il réponde. Oui, allô? Oui. Ah, oui. Ouais, c'est moi. Qui? C'est moi, c'est Marc. Ça va? Ouais, et toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Guillaume, je sais que c'est toi. Qui ça? Ah, c'est toi, Estelle? Mais oui. Je suis dans mon lit. Dans... Ah ouais? Avec ma bague de fiançailles. Guillaume, je sais que c'est toi, que je reconnais les échos. Hein. Je suis en train de rentrer ma bague de fiançailles dans mon sphincter. Guillaume, là, franchement, sens, c'est quoi? Je sens le rubis qui rentre en moi. Il est quoi, Guillaume? J'ai envie de chanter ouais. Alléluia, mes frères. Ah ouais, bah c'est bien. Guillaume, je sais que c'est toi, je reconnais les voix du j'ai envie de chanter, mes frères, avec mes frères qui sont parmi nous. Chanter Alléluia, ma famille! Hallelujah! Mais ouais, mon Marc, putain, c'est moi, mon Marc. Ouais. Tu m'as dit, Énergie Tour. Mais qu'est-ce que tu me dis, là? C'est à Toulouse, Denis. C'est à Toulouse, ouais, joli. On rappelle ta gonze, là. Je viens à Toulouse. On rappelle ta gonzesse mystère qui répond pas. Tu viens à Toulouse? Attends, tu viens à Toulouse, je te fais monter sur scène, on fait Jean-Marie. Ah oui, c'est d'accord, je m'appelle. Non, non, je rigole. Il y a 370 000 personnes sur ce message, je me vais. C'est pas le bon. Ils vont pas comprendre l'humour. Il y a Luan, Soprano, Tal, Ritza, Zao, Priscap, Jay, Shane, Ball, Kinve, Tronc, QTR. Non, pas répondre. Bonjour, bon bah. Trop tard à la radio, c'est fort, salut du 53. Je suis tombé au hôtel avec elle en l'appelant, je déconne pas. Tu es trop con, putain, énorme. Salut Nathan du 58, vous partez trop loin, arrêtez-vous, je suis pété d'erreur. Faut qu'il parle, Jeff Panaclock, il est magique. Il est mineur, elle est mineure d'après la première. C'est chouette. Attends, tu veux pas faire remarque que moi je. Enfin, je te parle en Jean-Marc de Jeff Panaclock et toi aussi. Ouais, si tu veux. Ça va être long. Salut Marc de Nice. Allô, non, il a raccroché. Marc. On a perdu. Ah merde, on l'a perdu. Putain, bon, on va la rappeler. Ah oui. Putain, j'étais chaud pour faire un dialogue. Ça, on a pas parlé de cul. Le reste de l'équipe doit être mort. Émission terrible. Arrête-toi, j'en peux plus. Putain, je suis mort. J'en peux plus. Je vais me pisser dessus. C'est une tuerie. L'équipe est à peau. Caline du 36. Oh, happy day. Putain, il répond plus. Bon, hey, c'est l'heure de l'énigme, hein, par contre. Ah ouais, alors c'est pas sur répondeur. Salut, c'est Max Boublil à l'appareil. Ouais, je fais la messagerie de son copain, ouais. Bah parce qu'il est très pris en ce moment. Hein, il est très très pris. Il prend bien. Il prend et puis il donne. Hein. Bon, laisse un message après le bip. Salut, bisous. Alors. C'est bien choisi. Ah ouais. Et c'est qui ce mec? Attends, c'est qui? Je savais pas que Max Boubli là, il fait les répondeurs. C'est énorme. Ah, ouais, ah putain, ah ouais. Quelle merde. Et genre, je crois, je lui dirais. Bon, Guidon. You fuck my grandmother. Putain, j'ai éclaté un manga, je me suis fait mal aux abdos là. Le reste de l'équipe doit être plié. Bon anniversaire à Kylian et Raoul qui sont en colo. Salut, bon anniversaire. Salut, les gars. Je crois qu'il est temps de faire une pub pour ça, mais il a l'air un peu amoché. Manon, vous venez quand sur Montpellier, génial. On va essayer de venir avec plaisir, ma chérie. Allez, et je crois que c'est l'heure de se faire les lignes. Bonsoir Thomas, 17 ans, Chalon-sur-Saône dans le 71. C'est tout gars. Allô, c'est qui la Bourgogne, RPZ. Ouais, salut. Salut. Enchanté, mon salut. Thomas. Merci d'appeler Thomas qui appelle Doux. Ah bah t'inquiète, c'est normal. J'appelle de Narbonne plage là. Ah, t'es à Narbonne en vacances, très bien, t'es en vacances. Ouais. Oh, c'est bon ça, putain. Il y a une boîte qui s'appelle. Il y a une boîte à Narbonne plage qui est pas mal. T'as Narbonne plage, je crois que c'est le Playa, non c'est peut-être une connerie. Hein. Tu mets à taper ce que je crois que c'est le. Non, c'est à Coursan, non, j'ai une connerie. Moi, j'habitais à Narbonne pendant un an et puis j'ai fait mon lycée là-bas. Non, j'ai fait après ma terminale. Dédicace à tous les Narbonnais, les Perpignanais, les Montpellierins. Ouais, le sud. Narbonne plage, j'ai même la discothèque Narbonne plage. Il y a l'Insomnia. Ah, l'Insomnia, je connais pas. Le Botafogo. Le Botafogo, je connais pas non plus. Ouais. Non, il y a d'ailleurs des nouvelles boîtes. Le Zagora. Le Zagora non plus, non. C'est quoi, c'est quoi très bien, très bien. Prévu. L'imprévu non plus. Non plus. On va peut-être y arriver à France. Hein. Bon, Thomas, qu'est face à Narbonne plage. Comment? Non, je dis qu'est face à Narbonne plage. Qu'est pas le ringard. Je suis désolé de m'afficher avec ça, Thomas. Ouais, mais c'est fait exprès. J'ai décidé de détruire mon image en embauchant JL du Sandard. Mais non, je rigole. Ah, excuse-moi, mon Tom. Et alors, donc, on a été où? Je suis à Narbonne plage, dans un camping en mobilhome. Ah, trop bien, comment il s'appelle le camping? La Falaise. À la Falaise, c'est vachement bien. Bon, salut à toi, c'est trop bien de faire du camping, quelle chance, putain. T'es en mobilhome et tout. T'as des frères et sœurs ou t'es fils unique? Oui, j'ai une sœur. Une sœur, ouais. Et donc vous avez la petite chambre avec les lits superposés ou les lits à côté? Ouais, c'est ça. Superposés, putain, j'adore. Ah, génial, quoi. Vous avez un mobilhome à vous ou vous le louez là? Non, on loue. D'accord, ah oui, d'accord. Vous restez pas chaque semaine, enfin chaque année, vous retournez pas là-bas, quoi. Si, on y retourne chaque année en fait. Ah d'accord, mais vous le louez à chaque fois, très bien. Ouais, voilà. Comme ça vous êtes un petit peu libre. Non mais c'est bon. Vous faites des petits concours un petit peu dans le camping, il y a des petites animations, des petits trucs un petit peu pour vous marrer. Il y en a plutôt au bord de la plage en fait. D'accord, c'est-à-dire il y a des chanteurs qui viennent chanter. Ah ouais. Des concerts. Ouais. Oui, voilà. C'est bien. Un concours de boules normalement au camping. Ah ouais. On va rappeler Marc, hein, Denis qui est avec nous. Il y en a qui demandent là. On va rappeler. À mon avis, il n'y a plus de batterie. Ouais. Donc c'est pour ça. C'est typiquement quand ça n'a plus de batterie, ça s'arrête à l'antenne comme ça. On va le rappeler dans 2 minutes. On va parler du cul avec le mec d'avant. c'est cadeau. Hein. C'est pour nous. C'est cadeau. Ouais. Ce soir, c'est pas sur D8, c'est sur Énergie. alors Thomas, 17 ans, qui est là. Tu voulais lâcher les lignes. Je vais faire tourner la roue des phrases. On va savoir combien on va donner de phrases ce soir. Ça va s'arrêter entre 1 et 10. Combien on va donner de phrases ce soir dans l'énigme? Sept. Et Eh ben, 7 phrases ce soir pour la roue. Ça veut dire que 7 phrases pour l'énigme. Vous envoyez Guillaume et la bonne réponse avec un SMS. Ça dure vraiment 30 secondes. On va essayer de le faire rapidement en moins d'une minute 30. C'est un tirage au sort au hasard. Vous envoyez Guillaume un espace et allez-y. Guillaume un espace et vous pouvez envoyer votre réponse avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. Il y a des iPhone 6S, des Xbox One, il y a des enceintes Bose et des bracelets connectés Fitbit qui déchirent. On vous les file maintenant. Thomas, est-ce que tu peux donner les 3 premières phrases s'il te plaît? D'accord. Première phrase, les ordinateurs en ont, son devoir est obligatoire, il n'y a pas besoin d'eau pour la rafraîchir. Il n'y a pas besoin d'eau pour la rafraîchir. Les 3 premières phrases de cette énigme, j'ai pris un stylo, est-ce que tu peux les répéter s'il te plaît? Les ordinateurs en ont, son devoir est obligatoire, il n'y a pas besoin d'eau pour les rafraîchir. Les ordinateurs en ont, son devoir est obligatoire, il n'y a pas besoin d'eau pour la rafraîchir. Qui suis-je? Vous envoyez donc Guillaume et la bonne réponse hein, au 6-11-12. La villa, c'est ça la boîte, t'as raison. Un bisou aussi au Biterrois, salut les copains. Salut, la falaise, salut. C'est l'ancien camping municipal qui a été racheté par Taopi. Énorme. Toapi. Toapi. Ah ouais, c'est ça, t'as raison. Ouais. Salut Gilles Routier, Narmon. Salut les man. Salut. Ah, énorme, trop bien. Est-ce que ça serait, il y en a un qui dit, une souris? Non, c'est pas ça. Les ordinateurs en ont, son devoir est obligatoire. Il n'y a pas besoin d'eau pour la rafraîchir. On dit rafraîchis-moi là, 1-1. Guillaume et le mot au 612. Les gars, nous sommes en vacances, c'est Guillaume Radio 2.0 même l'été, il y a donc moins de monde qui écoute. On est même moins nombreux dans le studio, c'est-à-dire que Flo des cadeaux et JM du standard. Ouais. C'est le jour où il faut jouer, c'est les mêmes cadeaux. Hein. Ouais. Xbox One, iPhone 6S, enceinte Bose et bracelet connecté. Donc c'est pas une souris. Qui suis-je alors? Donc Guillaume est la bonne réponse au 612. Il y a plein de réponses qui arrivent. Est-ce que ça sera un écran? Toujours pas. Il n'y a pas besoin d'eau pour la rafraîchir. Est-ce que ce serait la tour? Et c'est encore. Les ordinateurs en ont, son devoir est obligatoire, il n'y a pas besoin d'eau pour la rafraîchir. Quatrième, s'il te plaît, phrase sur 7. Elle peut se perdre. Est-ce que ce serait la page? Non, c'est pas ça. On a perdu la page. 07 82 97, c'est pas con. Hein. Son devoir est obligatoire, on fait les devoirs sur page et tout, c'est pas con. Génial, le concert Angers, j'ai eu confirmation, je viens aussi à Toulouse. Salut, c'est Zim. Ah. Eh ben, on t'embrasse, merci. Mon copain. Salut. Tu viens nous voir à tous les concerts, on te fait un gros bisou. Ouais, trop fort. Est-ce que ça serait un ventilateur? Encore raté. 06 71 11 43, etc. C'est pas un ventilateur. Il y en a un qui a dit ventilateur sans numéro. Oubliez pas votre numéro, les copains. Ah ouais, c'est important. Guillaume, la réponse, vous mettez bien votre numéro dedans au 6 11 12. Les ordinateurs en ont, son devoir est obligatoire, il n'y a pas besoin d'eau pour la rafraîchir, elle peut se perdre. Qui suis-je? Est-ce que t'as une cinquième phrase? On peut en avoir des trous. On peut en avoir des trous. Sixième phrase. Des choses peuvent y être gravées. On peut en avoir des trous, des choses peuvent y être gravées. Septième phrase. Celle d'éléphant est très bonne. Voilà, Guillaume, donc, elle est la réponse. Qui suis-je? Est au bout de la langue. Ce soir, avant de se faire, je l'ai fait l'hiver. Les ordinateurs en ont. Son devoir est obligatoire. Il n'y a pas besoin d'eau pour la rafraîchir. Elle peut se perdre. On peut en avoir des trous. J'ai des trous de 1. Des choses peuvent y être gravées. J'ai des choses gravées dans ma 1. Est-ce que ce serait un clavier ou une tour? Un clavier. Un portable. Un numéro. Pas du tout. Un wifi ou la guerre? Non, toujours pas. Est-ce que ça pas. Serait un ventilateur sans numéro? On avait dit non tout à l'heure, hein. La page non plus. Est-ce que ce serait des cours ou le bac? C'est pas le ça, Guillaume. Le fromage? Toujours de pas. De l'air? Et c'est un chemin? Non. Une direction? Encore. Est-ce que ce serait une savane ou des oreilles? Pas du tout. Est-ce que ça serait les ordinateurs en ont? Son devoir est obligatoire, il n'y a pas besoin d'eau pour la rafraîchir, elle peut se perdre. On peut en avoir des trous. Des choses peuvent y être gravées. Celle d'éléphant est très bonne. Guillaume, donc, est la bonne réponse aussi. 611, une centrale, il y en a un qui dit. 06, 38, 41, etc. Une lettre. Toujours 06, pas. 06, 19, 50, 95. C'est pas une lettre. Eh ben, qui suis-je? Alors, si c'est pas la page, si c'est pas une lettre, qu'est-ce que ça peut être? J'ai des iPhone 6S à vous offrir, les potos. On se fait juste Charlie Puth avec Selena Gomez. We don't talk anymore. Juste après, on joue au jeu des faits divers. Ouais. Faudra dire vrai ou faux. J'en prendrai deux d'entre vous. On racontera des histoires de tueurs en série. Faudra savoir si c'est vrai ou faux. Juste après, ça sur Énergie. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Tonight, if he's holding on to you so tight. my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. It must be a good reason that you're gone. Ici, c'est votre émission. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Guillaume Radio 2.0, 21h minuit sur Allez, Énergie. On va rappeler dans deux minutes Marc, on a réussi à revoir. Ouais, voilà, Fonicano a réussi à le joindre. Voilà, on va te prendre dans deux minutes. On va parler de cul avec lui et dans deux minutes, on va se faire le jeu des faits d'hiver. Il est 22h44 déjà, nous sommes en direct jusqu'à minuit pendant plus qu'1h15. Ça va vraiment vite. Ouais, ça va vite. Juste Thomas, qui a 17 ans, Chalon-sur-Saône dans le 71, qui est toujours avec nous. T'avais lâché une énigme un peu tôt. Les ordinateurs en ont. Son devoir est obligatoire, il n'y a pas d'eau pour la rafraîchir. Elle peut se perdre, on peut en avoir des trous. Des choses peuvent y être gravées. Et celle d'éléphant est très bonne. Voilà, Guillaume donc est la bonne réponse au 612. On cherche cette réponse pour vous offrir des cadeaux. Il y en a qui dit une page signée Mélina sans numéro de téléphone. Il faut me mettre votre numéro de téléphone dans tous les SMS. Est-ce que ça serait la mère? Et c'est encore. Voilà, là il est arrivé 06 66 00 64. Et tout ça, salut poteau. Mais c'est pas la bonne réponse. Guillaume donc qui a la réponse de cette énigme. Je vous file ce soir des Xbox One, des enceintes Bose, des bracelets connectés ou des iPhone 6S. Voilà, on vous offre tout ça ce soir sur Énergie. Il faut juste trouver la bonne réponse avant. Est-ce que ça serait la mémoire? Il y en a qui dit là. Oui, c'est ça, Guillaume. Eh bah, ben, c'est la bonne réponse. Allez, on va prendre le logiciel, on va appuyer sur le bouton. Ouais. Et on va filer Flo des cadeaux. Je viens avec le logiciel. Avec plaisir. Ce soir, c'est toi qui le fais, c'est pas Amina du standard. Ouais. Pour une fois. C'est pas Julia qui est en stage. C'est pas Jordan l'apprenti. Bon, ce soir, c'est Flo des cadeaux qui va appuyer sur le bouton pour offrir un cadeau, ce qui est un peu logique. Oui, finalement. C'est vrai. Nous sommes en mode été, c'est-à-dire que je fais l'émission que avec Flo des cadeaux et JM du standard en effectif un petit peu réduit. Voilà, on joue à 8 hein, ce soir. Ouais, c'est ça. On joue à 8 au foot, on joue à 3 à la radio. Allez, c'est parti, on appelle un gagnant au hasard. Et c'est quoi Thomas? C'est toi qui réponds, qui lui dit on fait tourner la roue, tout ouais, ça. D'accord. Tu lui demandes comment il s'appelle, de quelle ville il vient, quel métier il fait, etc., etc. Alors par contre, il faut déjà juste qu'il réponde. Parce que s'il répond pas, du coup, c'est raté. Et on va le rappeler deux fois. Si jamais ça répond pas la deuxième fois, on appellera le premier qui a envoyé un message. Allô? Salut, ça va? C'est qui? Comment tu t'appelles? C'est qui? Bah, c'est Thomas. Thomas. Ah, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Bastien. C'est sur Énergie, là. On est sur Énergie. C'est Thomas. Non, sérieux? Bah ouais. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Bastien. T'as quel âge? J'ai 17 ans. T'habites où? Vers Bourgoin-Jallieu. Dans le 38. D'accord. Bon, bah, on va faire tourner la roue. Ok, pas de souci. Enceinte Bluetooth Bose. Eh ben c'est gagné. Enceinte Bluetooth Bose Soundlink 3, la nouvelle en plus, la grosse de Bose, ouais. Coûte vachement cher et tout là. On te l'envoie plutôt à la maison à Bourgoin-Jallieu, d'accord? D'accord, merci. Ok, tu me rappelles ton prénom s'il te plaît pendant que ton portable vibre. Bastien. Tu m'as dit quoi? Bastien. Bastien. Attends, tu peux enlever le haut-parleur mon Bastien s'il te plaît 30 secondes ou l'oreillette. Vraiment, une minute poteau, hein, si tu veux bien, je t'offre un cadeau à 100 euros. Si tu peux juste m'accorder 30 juste secondes de ton petit temps précieux de roi, ouais. Et juste parler fort, s'il te plaît, gros. C'est bon, je suis en train de suer pour essayer de t'entendre sur une radio nationale, si tu peux faire l'effort 20 secondes, gros. Excuse-moi. Vas-y, y'a pas de problème, bon, vas-y, pisse-moi l'arrêt, t'inquiète. Alors, attends, Bastien, tu peux me donner ton âge, parce que je l'ai pas entendu avec J'ai 17 ans. 17 ans, t'es en quelle classe, toi, Thomas? T'es en première, du coup, là, tu passes en terminale? Non, moi, j'ai arrêté les cours. Ah, d'accord, tu fais quoi, Navi? Bah rien, là je recherche du boulot. Ah très bien, dans quel domaine à Bourgoin-Jallieu? Préparateur de commandes, n'importe quoi, ce que je peux prendre. Ouais, t'as envie de taffer tout de suite ouais. Là ouais c'est ça. T'habites chez les parents? Ouais encore. Ouais c'est ça, ouais d'accord. Et bah écoute Bastien, je t'envoie l'ensemble Bluetooth Bose à la maison demain matin. Merci, okay. Merci beaucoup. Puisque je suis en face de Flo des cadeaux ce soir, ouais. Ce soir il est dans mon studio, en fait de la radio ouais, ensemble, fait de la radio en mode effectif réduit. Et ben c'est lui qui te fait le petit colis, je te donne l'adresse là directement. Ouais. D'accord, merci, c'est génial. On va prendre ton adresse, je te le repasse tout de suite au téléphone et enfin faut t'attendre juste 30 secondes qu'il y a la pub et il va te reprendre, d'accord poteau? Ok, merci beaucoup. Ok frérot, tu veux faire une petite dédicace en... Bah je fais une dédicace à vous, hein. Merci d'être là tous les soirs, de nous faire rire et puis continuer comme ça. Hein. Ah bah merci mon Bastien. Merci ouais. Bastien du 3-8 hein, représente Bourgoin-Jallieu aussi. Ouais. C'est 3-8 hein, c'est bizarre. Ouais, ouais. J'ai eu un doute. Parce que toi tu dis Bourgoin-Jallieu avec un L. Ouais, Jallieu. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. J'ai toujours dit Bourgoin-Jallieu. Ouais, pareil, ouais. Ouais, mais après, c'est les prononciations. Ouais, excuse-moi, frère. J'ai pas le truc. Eh ben, vas-y, je te repasse le standard, je t'embrasse. Merci. Enfin, je t'en passe personne, mais on te prend dans deux ouais. Avec mon plaisir, mon gars. Et juste, Thomas, tu veux faire une dédicace à Chalon-sur-Saône avant qu'on parle de cucu, qu'on ouais, prenne Marc pour parler. Vas-y. Donc, dédicace à vous, à Léo, Antoine, Ryan, Kylian, William, Auguste et Émilie. Vas-y, y'a pas de problème, gars. Ouais. Ben, pareil, hein. je t'en passe personne et on va te reprendre dans deux minutes nous-mêmes. On va prendre ton adresse pour un cadeau, d'accord? D'accord. Ok, vas-y, je mets le CD avec la main droite. Je mets le truc avec le pied gauche. C'est le mec. Je fais mon café avec le pied gauche. Arrête pas et tout. Alors, on est obligé de tout faire ce soir. Je fais Môme dans deux minutes. Je viens de prendre deux CD. Je viens de prendre celui de Môme, Aloha, et celui de Maître Gims. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les bouches vagabondes. Mais tu peux rester avec nous si tu veux à l'antenne deux minutes. Mon Thomas et mon Bastien. Juste deux secondes. Marc, tu m'entends, Marc de Nice? Ouais, salut. Alors, Marc était avec nous juste avant. Tu voulais qu'on parle un petit peu de cucu, toi, Marc, alors? Ouais, allez, ouais. Bon, alors, et toi, tu vas sur quel site en général quand tu parles de cucu? C'est bon, on peut, ouais. un gars qui vient d'appeler qui est ventrilogue hein, ce soir. Hein. Alors, YouPorn, Bazookam. Ouais. Cam4. Cam4, ouais, Cam4. Ouais, Cam4. Et voilà. Tu connais James Allard, Cam4? Tu regardes un petit peu sur Cam4 ou pas trop? Vite fait, ouais, vite fait. Pas trop, ouais. En fait, c'est des sites qui me font atterrir sur lui. Ah, ouais, moi aussi, ouais, c'est ça. Tu sais pas trop d'où ça sort. C'est ça. Ah, on est d'accord, tu sais pas qui t'a envoyé là, mais ouais, c'est ça. Mais c'est pas payant un peu, Cam4, non? Je crois, c'est bizarre. Non, si, c'est payant, mais tu fais regarder gratuit. Mais il y a des sites qui sont pas mal comme ça là, tu sais pas trop. C'est un site de cam. Ouais, moi j'aime pas les sites de cam. Non, c'est pas ça. Ouais. Moi j'ai envie de voir l'action direct. Hein. J'ai pas envie de voir une fille qui te regarde deux heures là. Vous voulez rigoler encore pire. Vas-y. Ma copine, elle est accro au sexe. Ah. Quand elle est accro au sexe, c'est qu'elle est accro au sexe. Des fois, elle se regarde YouPorn aussi. Non mais c'est vrai. C'est pas être accro, c'est normal. Ouais, c'est pas normal non plus. C'est juste, enfin c'est normal. Des fois, elle m'appelle, elle est en train de se doigter, en train de téléphoner. Vous êtes content de vos parents. Et je mange en même temps. Et toi, tu quoi? Et en même temps, je mange. Ah ouais, d'accord. Elle m'appelle, elle dit, je mange. Ah, la marque me doit. D'accord, ok, c'est bien, mon gars. Attends, et t'es sur quelle catégorie sur site porno, ta marque? Comment? T'es sur quelle catégorie, en général, le site de cul? Bon, en ce moment, je suis sur YouPorn. Ouais. Non, mais t'es sur quelle catégorie? C'est pas la catégorie, ça. je suis pas la catégorie en fait en gros. Ah, ah ouais, si, tu fais ton timide là. Ah là, tu fais ta timide. Au hasard. Non, là, tu fais ta timide. Tu fais ton chanteur, tu fais ta diva là. Ouais. Non, en catégorie, je suis par exemple, si je vois une meuf à poil, je me brûle, je te réveille tous les voisins. C'est une bonne catégorie ça. La catégorie, mais, tu sais ce que c'est une catégorie? C'est quand tu cliques sur les petits onglets sur le côté, tu prends blonde, brune, hardcore, SM. Ah ouais, ouais. Non, moi, je crois les plus hardcore. Granny, ah, ouais. Bizarre. Mais qu'est-ce que t'aimes dans le hardcore toi, Marc? Je sais pas, par exemple la meuf, tu dois l'obéir tout le temps, tu dois te mettre à quatre pattes. Ah t'es soumis? Ah t'aimes bien un petit peu la soumission toi, Marc? Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est ça. Tu regardes un petit peu les gars de ceinture dans le fion et tout ça, toi, ou pas? Non. Ouais. Pas trop, mais voilà, un peu, oui. Ah, un peu quand même. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas, de Chalon-sur-Saône? Comment? Tu parles à ton père, tu dis on est encore en émission parce qu'il n'y a pas de standard, c'est ça? Ouais, ouais, voilà. Il écoute ton père ou pas? Non, c'était ma sœur. Ah, j'ai dit, il va être content d'entendre qu'on parle de votre ceinture avec Marc. Marc de Nice. Toi, tu t'es déjà fait un petit peu de soumettre, Marc, ou pas? Ouais, je me suis. Un jour, j'étais. Parce que moi, j'aime bien aussi aller voir les putes et tout sur les trottoirs. Bon, voilà. Attends, il y a la pute. Attends, je me raconte après. Vous passez vos vacances d'été avec les DJ Star Energy. Tous les soirs, tout l'été, minuit, il mixe sur Énergie dans Énergie Extravagant. Tiesto, Armin van Buuren, Steve Aoki, Afrojack, Hardwell, Major Lazer, Bob Sinclair, Martin Solveig, Robin Schulz. Ici c'est Energy. Énergie. La radio des DJ stars. Énergie. C'est Énergie. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Énergie présente l'événement musical de l'année, les Trois Mousquetaires. À partir du 29 septembre, retrouvez Olivier Dion, Brahim Zaibat, Damien Sarg et David Bann au Palais des Sports de Paris pour un spectacle encore jamais vu en France. Les Trois Mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Caro est sur le point de sortir pour aller chez McDo. Il ne lui reste qu'à mettre ses chaussures. Ah, les bleus, c'est bien. Quoique les rouges, ça fait longtemps qu'elle les a pas mises, hein. Non, mais les bleus. Les bleus, c'est parfait. Ça va avec son jean. Ou alors les noirs? Ou bien carrément, on change de jean? Bref. Caro se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue vu que pour l'instant, elle s'habille. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Ce n'est pas parce qu'elle nous nourrit qu'il faut lui laisser nos restes. Ce n'est pas parce qu'elle nous apporte de l'eau qu'il faut lui laisser nos bouteilles. Ce n'est pas parce qu'elle nous rappelle tant de bons moments qu'on doit lui en laisser une trace. La nature nous offre tellement. Offrons-lui plutôt notre aide en retour. Les 23, 24 et 25 septembre, Leclerc organise l'opération Nettoyons la nature. Pour y participer, inscrivez-vous vite avant le 15 août sur nettoyonslanature.com ou au 09 69 399 400, numéro Cristal, appel non surtaxé. Leclerc. Pour une fois qu'ils ont des horaires normaux. Du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Rassou 2.0 sur Énergie. Allez, de retour avec Marc, qui est la marque toujours présent, Denis, à 23 ans, qui est avec nous et qui nous racontait ma catégorie préférée porno, c'est Mina du Standard. Bonsoir. J'aime du Standard à la tête d'un mec soumigué. Salut. Mais non, mais pas vrai. Je le dirai en plus. L'équipe, ma mère m'a offert des places pour être Gims avec ma meuf pour mon brevet. Ah, bah c'est cool. Tu pourras mettre Philolone de Boosty avec plaisir. En fait, joyeux anniversaire. Ah ouais, salut, man. Allez, merci, gros. J'ai vraiment envie de parler avec toi. Je vous écoute tous les soirs. Guillaume, tu es une super voix, je kiffe trop, tu es trop bien. Ah bah laisse ton numéro et vous passez à la radio. Je te remercie en tout cas pour tous ces compliments qui me touchent. Merci, vraiment, c'est trop sympa. C'est gentil. Un bon site RedTube, c'est gratuit aussi et pas mal de catégories de vidéos full HD là. Ouais, mais c'est on touche le fond un peu à suite de sa copine. Alors juste, Marc, alors tu disais que tu allais voir les prostituées sur le trottoir, toi, Marc. Ouais, mais ça c'était avant que ma copine, avant que je sois avec ma copine. Ouais. Mais genre, t'en as vu beaucoup des prostituées? Ouais, des fois j'en prenais deux pour 200 euros, je prenais pour 150 euros, 50 euros seul. T'es sûr que t'es pas un mytho un peu Marc pour passer à la radio, je sais pas. Tu non, racontes non, quand même que des trucs de ouf. J'ai l'impression que tu sais ce que j'ai envie d'entendre et tu me racontes des sources là. Franchement, je suis pas vraiment mytho. Je suis pas vraiment mytho. Source forte. Ah non, non. Ouais. Ouais, non, c'est pas vraiment mytho, non, franchement, j'ai vraiment la vérité. Ouais. Mais tu sais que les filles vont souvent voir du porno aussi, hein. T'avais l'air d'être surpris que ta nana aille voir, mais tu sais que c'est normal de dire, hein, quelque part. Ouais. Franchement, voir une fille qui doit toute seule, ça choque un peu. Hein. Pourquoi? Parce que. Je sais pas, ça choque. Non, pas forcément. Bah non. Bah les nanas, c'est comme les mecs. Tu sais, s'ils ont envie de. Genre, Amina du Sonar a raconté qu'elle est sur les chats de cul parfois en pour chauffer les hommes et se toucher, puis après l'arrêter. Ouais. Je suis Denis aussi, je pense qu'il est mytho à 200%. Après, il y a plein de filles hein, qui vont sur des chats, sur des chats porno, etc. Mmh. Bien sûr, hein, JM du Sonar, est-ce que quand t'es sorti avec des filles déjà qui est calé sur du porno? Franchement, pas trop. C'est vrai. Dégoûté, ouais. T'es tombé sur des filles un petit peu. Bah non. Pas Oli, très sexuelles. Bah si, Oli, franchement, de ouf. Mais même, elles utilisaient pas de god ou quoi, elles me disaient. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. Moi, j'en ai connu des filles qui avaient leur god avec des piles et ont changé les piles tous les mois. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais. J'ai des ex qui étaient. Pourtant, Oli, bien sûr, j'ai le flot des cadeaux, non? Non, mais. J'avais sorti avec une fille qui avait un god. Si, je suis déjà sorti, mais c'est pas la majorité. Par contre, ouais, des sites de cul, c'est marrant. Ah ouais. En plus, tu vas avec elle, tu te chauffes un petit peu en regardant un film et puis bien après. Bien sûr. Ça part. Je vous adore, rappelez-moi, j'aurais passé à la radio. Moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi avec mon ex, c'est un god dans le cul et. Ah ouais? Ah ouais, ça, quatre pattes, t'es question. Moi, qu'elle se touche, mais pas un god. Ah si. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est rigolo un petit peu, voilà. Après, tu l'as. T'es excité de m'attendre à quatre pattes comme ça avec. Ah ouais, c'est bien ça. Un god dans les peines. Marc, t'as jamais pris un god dans ton cul, toi, Marc? Non, mais un crayon dans mon cul, oui. Un quoi? J'ai essayé un crayon. Un crayon, oui. Ah, ça doit pas faire bien mal, un crayon. Ouais, ça dépend c'est du crayon. Non, mais avec la mine, oui. Avec la mine, stylo. Oui. Ah, non, mais toi, tu te prends pour un con, toi, mon Marc. Toi, t'es en train de te foutre de ma gueule, mon gars, mais alors depuis le début, quoi. Depuis que t'es arrivé. Non, non, franchement, non. Franchement, non, non. Franchement. C'était quoi comme crayon? C'était un HB. Je te l'enverrai par message le crayon pour voir comment il est, voilà. Non, non, mais c'est bon. On te croit. Mais pour de vrai, t'as mis un crayon dans tes fesses sans capote? Ouais. Mais tu l'as quand même pas mis du côté de la mine, t'es quand même pas si con que ça. Non, non, non. Tu fais semblant à la radio, mais j'espère que c'est pas vrai. La gomme. Non, non, la gomme, ouais. Franchement, ouais. Ouais. Bon, même la gomme, je sais pas si c'est très très bon pour le. Bon, tu la repousses, j'ai une question. Un trou, hein. Alors, une dernière question à vous poser. Ouais. Est-ce que vous avez regardé la nouvelle star cette année? Non. Wow. Non, non. T'as déjà mangé ton caca, toi, Marc? Alléluia. Non, non, non, non. Là, vous me faites plaisir parce que si vous m'avez vu à la nouvelle star, là, j'ai. Ah, t'as fait la nouvelle star cette année, Marc? Non. Si, je te jure que si. Avec Laurie Choleva, l'animatrice, t'as sur Direct 8. Ouais, et ça qui a fait un thème. J'ai pas compris. Et ça qui a fait un thème. Ouais, dress. Et ce café. Et cela café NT, moi, c'est ça. Il y avait Elodie Frégé, Jérôme Star, Jérôme Star. Exactement. Ouais, exactement. Je suis fatigué. Attends, et donc. Et alors, et qu'est-ce qu'il y a? T'as été casserole, c'est ça? C'est ça. Ouais, t'es resté en casserole, quoi. Mais bon, c'est un bon début, c'est-à-dire que t'as la première marche, voilà. Bah oui. Je vous écoute depuis peu, vous êtes top, Guillaume, t'es trop craquant, je suis bâtard. Ah, c'est gentil ça, Nassima. Salut, Nassima. Mais vous, faut me laisser mon âge et ton numéro, ça sert à rien. Ouais, rien de très bien. C'est sûr que tous les auditeurs et les auditrices sont en train de m'écouter, mais franchement, s'ils aiment bien rire, allez vite sur ma page Facebook. Attends, mais j'ai pas compris. En fait, ta page Facebook, elle est là pour chanter ou pour faire rire? J'ai du mal à comprendre le. Bah, pour les deux, en fait. Moi, je fais rire et chanter, en fait. Ouais. Et tu me disais, t'as jamais fait caca dans ta main et tu l'as jamais mis sur tes cheveux en te masturbant? Non. Non, mais t'aurais vu ce qu'on en avait parlé l'autre fois. Ah oui, Xavier. Et ça t'est jamais arrivé de plonger ton caca et te remettre dans les fesses congelées? Non, mais grâce à une de conneries que vous avez faites sur YouTube quand vous allez danser à la Garam Sunset, tout ça. Bah, j'étais Paris à Nice. Hein. Ah, c'est vrai, ouais. Parce qu'on avait dansé dans une car SNCF, c'était James Sonar, non? Ouais, je m'étais fait embarquer par un police. Ah, c'était ça, c'était pour un défi Hollywood, je sais pas quoi, là. Moi, en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est qu'il y avait un chien de policier, en fait. Et c'est qu'en fait, moi, je voulais. J'ai commencé à donner des shoots et tout ça, et le fait qu'il commence à courir après. T'as commencé quoi? J'ai commencé à donner des copies dans le chien. Ah bah non, mais c'est pas bien ça. Et après j'ai commencé à dire alors les fillettes, vous avez peur? Et après je commence à non mais là tu non, ouais, ah, mais là mon gars, et soit t'es vraiment mon pote, mais alors t'es sur la, mais alors mon gars, je veux te rencontrer. Ouais. Parce que t'es vraiment dangereux. Tu m'as déjà rencontré à la Fnac. On s'est vu? Ben oui, quand t'as fait la dédicace à la Fnac de Nice. Ah ouais, à Nice, ouais. À la Fnac de Nice. Il y a deux ans de Non, il y a un an. Non, c'est pendant l'Energy Music Tour. Energy Music Awards. Novembre dernier. Et on s'est rencontrés, Marc. Bah oui, on a même pris une photo et tout. Je t'ai tout envoyé sur ton sur sa page Facebook. Ah ouais, non mais je sais pas mon pote, j'en ai beaucoup. Ouais. Putain, c'est énorme. Non mais je te crois pas une seconde gros. Hein. Bah c'est quoi là, invite-moi au Energy Music Awards. Non mais mon gars, mais t'as dû te faire. Hey, j'espère que tu t'es pris un coup de matraque, tu chantes dans un chien de flic en disant alors les. Devant les micros tout ça en face et on va s'expliquer, on va expliquer qui montrera le plus. Non mais c'est pas possible. Allez, moi c'est quoi, je te donne un défi, mais un grand défi. C'est que quand je viendrai au Energy Music Awards, mais tu auras la guerre sur la guerre. La guerre déjà, sur la guerre. Déjà j'ai déclaré la guerre à Michael d'énergie de 1h à 5h. Voilà. Et maintenant ça sera ton tour. Ah ouais. Et ainsi que Koué. Ah ouais, tu déclares la guerre. T'es un guerrier toi, mon ouais, marqueur. Soldat. Ouais. Ouais. Ah ouais, franchement ouais. Ouais, c'est bien. Soldat ventriloque. Ouais, c'est bien. Oh putain, mort de rire. 32 ans Nassima, mais il manque ton numéro toujours. Même lui ne sait pas pourquoi il est là, Emilia de quelque part. Bon, vous savez quoi, il est l'or monseigneur, il est 23h, il est l'heure de faire le jeu des faits divers. Ouais. Alors on va rentrer dans une période, attention, un petit peu plus sombre de cette émission, ça dure quelques minutes. On va faire un jeu, j'ai besoin de deux d'entre vous. Je suis que avec Flo Descadeaux et JM du Standard. On est là. Ouais. J'adore Guillaume, c'est super canon, je suis célibataire Elsa. T'as pas laissé ton numéro, c'est moi votre numéro, qu'après on m'accuse pas de. D'un côté, Flo Descadeaux. Ouais, je suis là. Il va donner des histoires de meurtres et de tueurs en série. Ce soir, c'est sur quel thème? Alors, c'est les faits divers les plus stupides. Tu vas en donner entre 10 et 15. Ouais. Le principe est simple, j'ai besoin de deux d'entre vous maintenant. Deux d'entre vous, et vous allez dire à chaque fois vrai ou faux. On verra si vous avez vrai ou faux. Si vous avez bon à chaque fois, bah vous repartirez avec un point. À la fin, on compte ceux qui ont le plus de points. Ceux qui ont le plus de points, je offre un cadeau. Alors c'est maintenant ou jamais, vous vous inscrivez maintenant, vous m'envoyez Guillaume et je. Voilà, Guillaume au début pour qu'il arrive dans mon studio, un espace je, avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. J'envoie juste Maître Gims, je vous appelle moi-même avec JM du Standard et Flo Descadeaux. Ouais. Maintenant, Guillaume et je, avec votre numéro, tout de suite, vraiment tout de suite les gars, parce que j'ai que 3 minutes pour en appeler deux. Il est 23h03, il y a eu 1-0 pour le Portugal hier, c'est du direct, c'est pas de l'enregistrer, on n'est pas en couille, enregistré au mois de juin. On est le 11 juin, on est vraiment là, on se fait Maître Gims, ma beauté sur Énergie. Et juste après, Guillaume et je avec votre numéro au 6 11 12 sur Énergie. J'ai envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé, ouais. Je l'ai bien mérité, ouais. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça. Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi. J'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Il aura fallu attendre la fin de l'année pour qu'ils aient des horaires simples. Du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez sur Énergie, bonne nuit les mecs. Aloha, Mom. Sur Énergie, des chiens. On va s'écouter dans deux minutes aussi. Et on est en train de chercher un deuxième. Voilà, Flo des cadeaux, il est encore au standard dans le couloir. Tu m'entends, Flo des cadeaux, dans le couloir ou pas? Non, il m'entend pas. Merde, il m'entend plus. Attends, il m'entend plus. On est que deux, hein. Tu m'entends au loin? Ouais, je t'entends. Vas-y, il est en train de rappeler là. Voilà, vous pouvez envoyer Guillaume et je avec votre numéro 612. Il prend des numéros au hasard, il appelle. On vient déjà d'accueillir Pierre. Bonsoir, mon Pierre. Pierre, c'est le premier à être sélectionné. Mike, papa! Salut. Enchanté, hein. Pierre qui est là pour faire ce jeu des faits divers ce soir. Et Aurélien vient d'être choisi aussi. Bonsoir Aurélien. Salut Aurélien. C'est qui le papa? Donc ce soir. C'est qui le papa? Ça va les mecs ou quoi? Vous êtes prêts à jouer un petit peu avec nous ou quoi tous les deux là? Nickel, nickel. Eh ben très bien. Alors. C'est parti. Alors on y va. C'est parti. D'un côté, Pierre. Il a 13 ans, c'est ça Pierre? C'est ça. T'es de quelle ville alors, Pierre? Explique un petit peu qui tu es. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, très bien. T'es en vacances, toi, mon Pierre, là? Ouais, ça y est, depuis le mi-juin. Oh, c'est bon. Ah, t'étais jamais passé avec nous, toi, Pierre? Non, depuis l'âge. C'est vrai? Ah, depuis l'âge radiophonique. Première fois qu'il passe à la radio, en plus. Bah, c'est sympa, ça. Depuis quand tu connais l'émission? Depuis 2014. Ah ouais, putain. C'est sympa, merci beaucoup. Ça fait 5 ans qu'on est là, hein, quand même. Ça fait déjà longtemps, ça fait plaisir, les gars. On va donc continuer ce soir le jeu avec Pierre. 13 ans, t'es en 4e, Pierre? Je passe en 4e. Tu passes en 4e, hein, c'est ça, 13 ans. Très bien. T'as jamais redoublé alors? Non. Et de l'autre côté, ouais. Aurélien. De quoi, Pierre? Voilà. C'est mon anniversaire. Aujourd'hui? Ouais. Pour de vrai? Tu savais, Flo des cadeaux? Non, je savais pas. Ah bah voilà, bon anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est la journée. Ah, on a jamais. Alors c'est notre anniversaire, enfin celui de l'émission. On a commencé le 11 juillet 2011, donc ça fait pile poil 5 ans. Et putain, c'est énorme quoi. Et ben écoute, enchanté mon poteau et bon anniversaire Pierre. Alors t'as eu 13 ans aujourd'hui. C'est ça. Putain, c'est énorme. Putain. Et ça fait 2 ans. Tu connais depuis que t'as 11 ans alors Pierre. Depuis que t'es en 6e. Moi, ouais, j'ai vu sur YouTube en fait. De quoi? Je me faisais chier sur YouTube et j'ai vu tes vidéos en fait. Ah, merci. Et plus nombreux vous arrivez sur Énergie, plus. Bonisons la mort. C'est marrant comment quand on découpe ce mot-là, on dirait qu'il dit. Funisons la mort. Funisons la mort. Ah ouais. Ah ouais. Voilà, dédicace. Ben, vous êtes nombreux à arriver chaque soir, vraiment, il n'y a plus personne là-bas. Vraiment. Funisons la mort. Écoute un petit peu la lune de Jules, Jim Sandar. Ouais, je réécoute parce que je sais pas, je trouve qu'il y a pas assez de gros. Ah, t'es un petit peu. Ah, c'est vrai, ouais, c'est donc vrai. Je me dis, j'ai pas écouté, j'ai écouté trop rapidement, donc là je réécoute. Ah, c'est vrai, ah, ouais, je réécoute un peu. Ouais. Mais il y en a quand même qui ressortent. Ah, ouais. Ouais, moi j'aime bien. Il y en a 2-3 quand même. Il y en a 2-3. La troisième de l'album, elle est pas mal quand même. La 16, la 10 aussi, je crois qu'elle voilà, sont pas c'est mal. Voilà, c'est bien, on parle à personne, Jim Sandar. Merci, Jim Sandar. Vraiment, mec, il fait de la radio pour ses collègues là. Pierre d'un côté et Aurélien, 25 ans du 74, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu travailles dans quoi toi Aurélien, 25 ans là? Je suis cuisinier. Où ça? À l'aéroport. À l'aéroport de quelle ville? De Genève. De Genève, bon, très bien. T'étais passé avec nous toi Aurélien? Ouais, il y a deux mois à peu près. Un mois et demi, ouais, c'était pour les trucs débiles en cuant, les expériences débiles. Et t'avais pas eu du McDo gratuit aussi en faisant. C'était pas toi qui avais imité. Non, mais je me rappelle que t'étais en cuisine. Ça, ouais, je me rappelle que t'étais à l'aéroport. Ouais. Toi, tu t'étais brûlé, je crois, avec le four. Ouais, dans les plaques de four, les glaçons, machin comme ça, voilà. Quelle mémoire, JM du standard. La Bible, Lina de la radio. Pierre Belmar. C'est notre Pierre Belmar à nous. Ah ouais, c'est notre puits de science. C'est un trou, JM du standard sans fond. Grand trou. Il y a beaucoup de liquide qui rentre. De l'alcool. Ouais, ah là là. Pierre et Aurélien. Aurélien et Pierre. Vous connaissez un petit peu le jeu. Tu connais l'émission, Aurélien. Tu connais le jeu alors? Ah oui. On le fait tous les lundis. Je mets une musique maintenant. C'est parti. Vous tous, si vous pouvez jouer en famille, hein, si vous êtes en voiture ou entre potes ou tout seul, même dans le lit. Essayez d'avoir la bonne réponse. C'est rigolo. Et après, vous me direz les scores à la fin. Vous savez quoi? Je vais comptabiliser les scores et vous me direz si vous êtes. Mais soyez honnête, hein, voilà, on se pas là pour se branler. Enfin, peut-être chez vous, mais. Non, mais dites-moi vraiment la vérité. Allez, chantez. Ah, c'était un. Eh ben, merci. merci beaucoup. Ouais, ah, c'était la première fois avec Norman et Cyprien, je crois, on avait fait l'anniversaire. Eh ben merci beaucoup. Ouais, première émission, je sais pas où j'ai retrouvé ça. Mais d'abord, on y va. Vrai ou faux? Faux ou vrai? Les faits divers de Flo des cadeaux sont-ils réels ou inventés? Pierre ou Aurélien, écoutez bien. Il pourra les répéter si vous voulez, mais on essaye tous de trouver dès la première fois. Vous envoyez Guillaume et vous m'enverrez votre score après. Donc comptez, hein. Vous jouez dans votre tête et vous comptez les points. Salut Marceau de Valenciennes en vacances à Bordeaux, gros bisous. Salut. Attention, on t'écoute, c'est parti. Flo des cadeaux, première histoire. Alors ça s'est passé en Australie, c'est une femme qui s'appelle Pearl Carter, qui a 72 ans et qui s'est mise en couple avec son petit-fils de 26 ans. Elle a dépensé 40 000 euros pour trouver une mère de substitution et donc ils vont avoir un enfant ensemble. Et en fait, pour l'histoire, la grand-mère avait donc accouché à 18 ans. Elle a mis sa fille dans une famille d'adoption. Et quand la mère est décédée, le petit-fils a repris contact avec la grand-mère. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis en couple. Un mec qui s'est mis en couple avec sa grand-mère. De 72 ans. De 72 ans. Et lui, il a quel âge ? 26. Enfin, il avait 26 à l'époque. 72 ans. C'était en quelle année ? C'était en 2010. En 2010, il y a 6 ans, hein, du coup. Ouais. Si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est votre choix. Aurélien, est-ce que tu penses que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Moi, je sais que tout le monde est assez imbécile, mais je pense pas que ce soit vrai, c'est faux. Toi, tu penses que c'est faux? Ouais. Faux pour Aurélien, Pierre? Moi, je dirais vrai. Vrai, je vais essayer de faire un sans faute ce soir. Et je vais dire. JM du Standard d'abord, il y a que toi qui est avec nous, on est que trois, on fait avec juste Flo des cadeaux et JM du Standard ce soir. Je vais dire faux quand même. Je sais pas moi, avec franchement. La grand-mère, c'est le diable, le diable il s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. J'adore ta voix, super gentille Amélie, 20 ans, bon anniversaire à l'équipe. Ah bah gros bisous Amélie, je t'embrasse très fort. Je suis dégoûté, on m'avait pas rappelé. Attends, bah c'est normal parce qu'on a l'antenne. Hein. José, ouais. C'est qui le papa? C'est pas moi, vous êtes top, continuez comme ça. Gros bisous les potes. Merci. Alors, ils sont d'où, t'as dit? Ils sont de quel pays? En Australie. En Australie. Aurélien, t'as dit faux. Pierre, t'as dit vrai. JM du Standard, tu dis faux. Ouais. Écoute, moi je vais dire. J'ai envie de gagner ce soir. Et je vais dire faux. Comptez bien les points chez vous si vous êtes vrai ou faux. Hein. Vous me direz à la fin combien vous marquerez. Je vais compter mon score d'ailleurs. Attends, JM du Standard va compter ton score aussi. Avec plaisir, Guillaume. Voilà, JM, Guillaume, je note tout le monde. Hein. Et puis chez vous, vous me direz votre score à la fin. JM, tu as dit. Moi, je dis faux. Faux, moi, je dis faux aussi. Et la réponse est. Eh ben, on peut leur souhaiter une vie de couple heureuse parce que c'est vrai. Oh Pierre, t'es le seul à marquer un point. Ah oui, il nous a tous tué. Hein. Oh là là. Putain, c'est énorme. Eh ben bravo frérot. Un point pour Pierre, bravo. Est-ce que tu pourrais passer un extrait de votre arrivée le 11? On doit la voir en plus. Ouais. On va demander à Guigui de la régie qui est sur un ordinateur au quatrième étage. Il passe toute la journée sur le net, il découpe les logiciels, enfin les sons, les logiciels et tout. On peut aller voir avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. Très bien. Deuxième histoire. Putain, je me suis fait niquer dès la première. Deuxième histoire. Alors là, ça s'est encore passé en Australie. C'est une mère de famille de 26 ans qui... Pardon, j'ai pas entendu. C'est encore en Australie. C'est une mère de famille de 26 ans qui faisait du karting avec ses enfants, sauf qu'elle portait une burqa. Et en fait, son vêtement, il s'est pris dans les roues du karting. Et du coup, elle est morte étouffée par sa burqa. Ils l'ont amenée à l'hôpital, mais elle est décédée là-bas. J'ai fait découvrir la mission à ma mère, elle est pliée en deux, Timothée. J'imagine, elle essaie d'entendre là. Pierre, vrai ou faux? La burqa qui... Moi, je dirais faux. La burqa qui tue, faux. Aurélien? Non, c'est faux. Tu dirais que c'est faux? JM du Standard? Je dirais vrai. Pourquoi? Je sais pas. Tu connais l'histoire? Ouais, pas du tout. Non, non, vraiment. C'est impossible. Tu dirais très bien. Attends, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de la burqa. Je suis remonté hyper loin dans les faits divers pour pas que vous les connaissiez. Très bien. Eh ben, je vais dire vrai parce que je le sais, je l'ai vu sur internet. La réponse est. C'est vrai. JM Zah, t'es une merde. Non. Parce que tu sais très bien que c'est pas vrai. C'était en 2010. Non mais attends, JM Zah, il sait très bien. Mais ouais. Non, je te jure. On était déjà là, on était déjà là. Je le dirais. La burqa qui tue, on avait parlé. Bon, c'est pas grave. Allez, un point pour toi, JM Zah. Ouais, merci, Guillaume. Moi, j'ai zéro, mais je le compte pas. Ok. JM Zah qui est une pauvre merde. Non, dès que je le crois, sais, que... Non, le salaud. Dès que je le sais, je le dis. Très bien. Un point pour Pierre, zéro pour Aurélien pour l'instant. Attention, troisième histoire. Comptez les points chez vous, les gars, on va en parler après. Là, c'était au Pays de Galles, à Swansea. C'est un homme qui a tué sa mère de 66 ans, de 20 coups de couteau. Et en fait, il a gardé le cadavre. Il a essayé à plusieurs reprises de re-rentrer dans le vagin de sa mère. Et donc, en fait, c'est les voisins qui ont appelé la police à cause de l'odeur du cadavre. Et ils ont retrouvé le cadavre qui était complètement détruit au niveau de l'entrejambe. Il a pris 30 ans de prison. Aurélien? C'est vrai. Pierre? Ouais. Vous dites vrai tous les deux. JM ouais. du standard. Ouais, je vais dire vrai aussi. Vrai. Moi, je vais dire faux. Pourquoi? Parce que tu parles, quand tu sais pas quoi parler, tu dis toujours, ils ont découvert avec l'odeur du cadavre. Ça, c'est ta phrase de base, je te dis cadeau. C'est plutôt les vraies histoires, comme ça. Et la réponse est... Non, c'est faux. T'as vu que je t'analyse? Ouais, ouais. Ah, ça t'énerve. Plus... Il aime pas qu'on. Non, mais c'est vrai que c'est les vraies histoires, c'est souvent comme J'aime ça. J'aime ça, t'avais dit faux. J'avais dit faux. Il y a avec moi qui est bon, alors. Ouais, bravo. Très bien. Attention, quatrième histoire. Guillaume, et notez bien vos. Surtout hein, pour après. Si vous voulez bien noter vos points, vous me direz à la fin. Sur Facebook, on y est. On arrive à 2 millions ensemble sur cette page-là. Guillaume Play, P-L-E-Y. C'est mon vrai nom de famille, hein, c'est pas un pseudo qu'on a pris chez un qui me demande là, par SMS. Non, non. Guillaume Play avec un P, P-L-E-Y. On est exactement sur la page. C'est un truc de fou. Vous êtes hyper nombreux à nous rejoindre là. On est 1 948 530. Ouais, c'est on va rafraîchir pour regarder. On arrive à 1 950 000. Sur Twitter, vous pouvez venir nous retrouver aussi. Guillaume Play, si vous avez un Twitter et vous voulez venir follow avec plaisir les potos, on est 441 580 quand même. Hein. On arrive à 500 000, énorme. Et puis on est 530 000 sur Instagram. Voilà. Merci. Pareil, Guillaume Play, P-L-E-Y sur Insta. On arrive à 531 000. Ce soir, vous êtes hyper nombreux à nous rejoindre. Tous les jours et tout, ça fait trop plaisir les gars. Et donc, on continue ce soir avec Flo des cadeaux. Et là, cinquième histoire en tes couilles. Alors, ça s'est passé aux États-Unis. C'est deux militaires qui ont décidé de se marier. Sauf que pour faire une demande de mariage originale, il y a le mec qui... Deux militaires ? Ouais, deux militaires. Un homme et une fille ? Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc le mec, pour faire sa demande en mariage, a décidé d'accrocher la bague de mariage à une grenade, à la goupille. Sauf que la meuf, quand elle a pris la grenade, elle a découpillé, elle a explosé et les deux sont décédés. Aurélien ? Je veux dire vrai, mais je me plante depuis le début. Aurélien qui a zéro, hein, on rappelle son score. Qui a zéro. Score de grosse merde hein, ce soir. Pour moi aussi. J'ai le standard. J'ai un et je vais dire faux. J'ai un. Attends, Pierre, pardon. Moi, je dirais vrai. Hein. Vrai ? Ouais. Toi, tu dirais vrai. Aurélien, vrai aussi. Très bien. Vrai, vrai, JM du standard, faux. Faux. Moi, je vais dire faux. Et pourquoi je vais dire faux ? Je vais dire faux parce que dans l'armée américaine, je pense pas qu'ils te laissent mettre une alliance. Non. Je pense qu'à l'armée, quand même, c'est super contrôlé. Il a fait une demande en mariage. Ouais. C'est les faits divers les plus stupides. Hein. Oh, je dirais faux. Faux quand même. Ouais. Il aurait pu la cacher. Et la réponse est... C'est faux. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Putain, j'ai deux points. Venisons l'amour. Très bien. Eh ben, et deux points pour moi. Putain, je prends le lead. Hein. Ouais. Eh, c'est logique en plus. J'aime du standard. T'avais dit faux aussi. Ouais, deux j'ai points deux aussi. Ouais. Très bien. On se fait môme. On avait dit qu'on s'écouterait celui-là. Là. On se le fait en entier sur Énergie. Bonne nuit, les gars. 23h19 et on continue. Vous bougez pas, Pierre et Aurélien, d'accord ? Ouais. Un point pour Pierre, zéro pour Aurélien pour l'instant. On va essayer de marquer un deuxième point. On est mauvais ce soir, mais c'est dur. On fait les faits divers les plus stupides. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et comptez chez vous, les potos. On va en parler des scores juste après. Moum, Aloha sur Énergie. The unknown.

fallu attendre la fin de l'année pour qu'ils aient des horaires simples. Du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Et on est de retour avant de parler de QQ avec Molly qui arrête un truc dans le sexe et elle avalait pas. Maintenant, ça va. On parlait des choses qu'on faisait et qu'on ne fait plus ou des choses qu'on faisait pas et qu'on fait maintenant. On va retrouver Sarah aussi qui était libertine et qui a arrêté le libertinage. Il y avait plein de réactions à propos de ce sujet-là. C'était énorme. On va continuer ce soir avec grand plaisir, les copains. Guillaume et votre message au 612 si vous voulez réagir avec nous. On était en plein jeu des faits divers. Est-ce que vous êtes toujours là, les mecs, là? Toujours les deux? Oui, toujours Pierre là. Et Aurélien. Aurélien, on continue, les copains. On va essayer de trouver la bonne réponse maintenant. D'un côté Pierre, de l'autre côté Aurélien. Histoire de faits divers, de meurtres les plus débiles. Flo des cadeaux nous raconte des histoires. Il faut deviner si c'est vrai ou si c'est faux. On t'écoute. Souvent, on se fait avoir. Alors là, c'est en Allemagne. C'est un homme qui a fêté le nouvel an en 2005 et qui s'est retrouvé au milieu d'une fusillade. Ouais. Et en fait, il s'est pris une balle dans la tête. Sauf que comme il était sous, il s'est rendu compte de rien. Et 5 ans après, il est allé chez le médecin parce qu'en fait, il avait une excroissance à l'arrière du crâne. Et à la radio, c'est là qu'ils ont découvert la balle qui était dans sa tête. Par chance, elle n'avait pas traversé son crâne. Du coup, ils ont pu l'enlever et depuis, il va mieux. Alors attends, ils se sont rendu compte qu'il avait pris une balle quand ? C'était au nouvel an 2005. Et il est resté avec la balle dans la tête pendant 5 ans sans s'en rendre compte. Mais non, mais il a bien senti qu'il prenait une balle, j'ai pas compris trop le truc là. Jim Sandard, t'as compris cette histoire? Pas trop, mais en plus c'était très fort dans les armes. Non, attends, répète s'il te plaît. En gros, il a passé le nouvel an 2005. Je vais le baiser, vous inquiétez pas. Vas-y, raconte ton histoire. Écoutez bien avec moi et dites-moi si c'est vrai ou faux d'après vous. En 2005, il a passé le nouvel an, il s'est retrouvé dans une fusillade, il s'est pris une balle dans la tête et il était trop saoul pour s'en rendre compte. Donc il est resté avec pendant 5 ans et au bout de 5 ans, il est allé voir le médecin parce qu'il commençait à avoir une grosse boule à l'arrière de la tête. Et c'est là, en passant des radios, qu'ils ont découvert que c'était une balle. D'accord, très bien. Aurélien, vrai ou faux? À part qu'ils sont restés 5 ans sous, moi je dirais que c'est faux. Je dirais que c'est faux, Pierre. Faux. Jim Sandard. Faux. Avec le sang qui coule et tout. Moi je vais dire vrai, c'est logique. Flo, les cadeaux, la réponse est... C'est vrai. Je vous jure que je savais pas, quand je le sais, je joue pas. Pareil, moi. Vraiment, je l'ai jamais entendu. Hein. Je comprends pas trop, mais... Je suis en train de niquer tout le monde au jeu. J'ai l'impression que je suis bon pour cette dernière. Attends, c'est pas ça. C'est la dernière de l'année, puisque nous sommes jusqu'à vendredi, donc c'est la dernière fait d'hiver. Alors, je vous dis pourquoi je pense que c'est vrai. Il y a plein de types de balles. Il a pas dit le type de balle. Si vous voyez, c'est une petite cartouche plomb, c'est pas trop. Ah ouais. Et c'est vrai qu'un plomb sous la peau, je pense que ça s'infecte au bout d'un moment parce que c'est pas fait pour être absorbé par le corps. Et je pense qu'il a cru qu'il s'était blessé, le mec, il a dû tomber, croire qu'il se blessait. Ouais. Et juste après, voilà, toucher sa tête, voir un petit peu de sang, puis dire tiens, qu'est-ce que c'est, bizarre. Et puis après, se rendre compte quelques mois après, c'est possible hein, qu'il y ait des trucs comme ça. Ouais, je sais pas, je trouvais ça un petit peu lolouche. très bien, j'avais raison finalement. Ouais, bravo. Flo des cadres, t'as vu que je suis bon, Flo des cadres. C'est vrai. Tu peux l'avouer un peu. Allez, vas-y, on y va, c'est parti. Et en tes couilles pour la suite. Alors là, ça s'est passé en Belgique, à Gand. C'est deux hommes qui étaient au chômage qui ont essayé de toucher une pension d'handicapé en se coupant un bras. Donc en fait, c'est un des deux hommes qui s'est gavé de médicaments pour s'anesthésier et l'autre lui a coupé le bras. Sauf qu'au bout d'un moment, le mec ne bougeait plus, donc il a appelé les pompiers. Et quand les pompiers sont arrivés, son ami était déjà décédé. Pierre. Vrai. Couper un bras pour être handicapé et toucher une pension. Vrai d'après toi, Aurélien? Je vais dire faux pour pas faire comme Pierre pour le rattraper au cas où. Faux. JM du standard. Je sais pas, je vais dire vrai. Là, ils sont capables. Moi, je vais dire faux. Faux oh des cadeaux. Et la réponse est... C'est faux. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les riches vagabondes. Un point pour Aurélien. Premier point pour Aurélien. Ah, bien joué. Aurélien qui marque son premier point et qui égalise avec Pierre. Ils ont un partout ce soir. Voilà, j'ai 4 points, 2 pour JMC. Ah ouais, toujours 2. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu t'infiles dans la mauvaise réponse. Ah, je sais pas. Joyeux anniversaire, je vous suis depuis 2015 grâce à YouTube. Bon. Ça, et merci. Depuis, je rate aucune émission. Merci, mon Seb. Bon. Tu es bon quand même, mine de son argent ou pas, Dame Duc. C'est elle qui m'en est dans un groupe. Ah, c'est ça. Aurélien et Pierre d'un côté, et Pierre et Aurélien de l'autre. Alors, on continue, un point partout. T'es content, Aurélien, d'avoir marqué ton premier point? Ah bah, c'est sûr. Il est seul, il est solo. Par un petit jeune. Attends, pour l'instant, tu te fais prendre en le. Ouais. Non, pour l'instant, c'est égalité. Ouais. Pierre, Aurélien, on continue, c'est parti, Flo des cadeaux, la suite. Alors là, c'est à Debrecen, en Hongrie. C'est un homme qui a parié avec ses amis qui pouvait tenir une semaine entière en mangeant que ses excréments. Donc il l'a fait, mais le problème, c'est qu'au bout de la semaine, il a été admis à l'hôpital et il était atteint d'une infection généralisée et il est décédé à l'hôpital. C'était où? C'était quand? C'était le 13 juin 2011 en Hongrie, à Debrecen. Je sais pas si je prononce bien. Aurélie, vrai ou faux? J'ai fait un battle de regard avec Flo Décalé, je peux vous dire que je suis concentré. Aurélie, vrai ou faux? Je veux dire que c'est vrai. Vrai? Pierre? Faux. Faux. Attention, c'est important, hein, là, c'est l'avant-dernière, donc celui qui marque, il peut niquer l'autre. Hein. Ouais. Faux pour Pierre, vrai pour... T'es sûr que vous gardez Aurélien, tu gardes le vrai? Pierre, tu gardes le vrai. Ouais. J'aime du Zandar. Je vais dire faux. Tu peux pas durer une semaine, tu peux pas manger ta merde pendant une semaine, sérieux. C'est dégueulasse. Moi, je dirais faux, Flo des cadeaux. Et la réponse est... C'est faux. J'en ai une que je connaissais, j'ai pas joué. Hein. Ouais. J'ai 5 points, mais j'ai pas joué à une. Alors j'en ai eu 6. Alors très bien. Bon, Flo des cadeaux, ce soir, c'est pas son soir. Hein. Ah, enfin, ouais. Si, il est pas mauvais, puisque Pierre a que 2 points et Aurélien a que 1 point. T'arrives pas à me niquer, mais moi, t'es en face de moi. Ouais. Et je vais vous dire comment je l'ai niqué. Voilà, on est dans une technique de la DGS. Ouais, là, ça devient tactique. Non, je vais vous dire un truc parce qu'il a dit, je sais pas si je prononce bien. C'est le mec qui essaye d'en faire trop. Ouais, c'est ça. Et quand l'homme essaye de mentir, il en fait toujours trop que pas assez. C'est, c'est de base, voilà. Un homme, tu vois, genre Jawad, non, mais là, moi, je sais pas du tout. Ouais. Et il essaye de s'enfoncer. Il pourrait dire, je sais pas, j'ai loué mon appart sur Airbnb. Et là, bah non, je vous jure, je connaissais. Et il était trop dans la défensive. C'est comme ça que tu sais qu'il ment, le mec. Et là, toi, t'es essayé de me regarder dans les yeux, mais j'ai vu que t'essayais d'insister. Je sais pas si je prononce bien la ville, machin. On s'en fout si je prononce bien. T'es pas roumain. Ou je sais pas d'où, Hongrois, Hongrie, t'es pas hongrois, pardon, voilà, ouais. T'es pas de l'Est, donc on s'en fout. Il y a des Hongrois qui écoutent. Oui, il y a des Hongrois qui écoutent, mais t'en as rien à branler de savoir si on prononce bien la ville. Ouais. Et je me suis dit, le mec est. Ok. Voilà, d'ailleurs, je vais niquer pour l'instant. Alors, on continue, dernière histoire, Flo des cadeaux, dernière de l'année, on t'écoute. Ok. Alors, avant-dernière, il en reste deux. Il m'en reste alors, plusieurs encore. Avant-dernière, très bien. 2 points pour Pierre, 1 point pour Aurélien. Aurélien, faut que tu remontes. Ouais. Alors, ça s'est passé en Pologne, à Stanislaw, je sais pas si je prononce bien. C'est un homme de 39 ans qui a cambriolé des entreprises. Il fera d'autres erreurs. Il en fait depuis tout à l'heure. C'est un homme de 39 ans qui avait une technique originale pour cambrioler des entreprises. En fait, il se mettait dans un carton, il se postait à l'entreprise. Et quand il arrivait là-bas et qu'il n'y avait plus personne, il cambriolait l'entreprise, il se remettait dans le carton et il se renvoyait chez lui. Il s'est fait choper parce que c'est un de ses complices qui l'a dénoncé. C'était où? C'était en Pologne, à Stanislaw. Et c'était une entreprise de quoi? Il en a cambriolé plusieurs. Il se faisait envoyer dans un carton? Il se faisait envoyer dans un carton, il cambriolait et il se renvoyait chez lui. Et comment il se renvoyait? Bah, il remettait son adresse sur le carton et il se remettait dans le carton. Et comment les gens ils savaient que c'était un collier envoyé? Ouais. Bah, parce qu'il devait se mettre dans l'endroit Aurélien des colliers envoyés. Ça suffit, c'est bon. Bah, il sait plus où il en est là, Flo, ouais. C'est faux. Faux? Pierre? Faux. JM du standard. C'est faux, il a répété un texte là. Il a pas regardé une fois? Flo des cadeaux? Oui. Je vais donner ma réponse. Putain, pour l'instant, je fais un sans faute là. À part le premier, j'ai raté. Mais là, je vais dire que. Ça devient stratégique là. Que c'est faux. Mais j'ai un petit Twix qui me dit que c'est vrai quand même. Je veux dire que c'est vrai. Je fais des cadeaux. Et la réponse est... C'est vrai. Putain, je suis le seul à avoir bon ou quoi? Ah ouais. Putain, c'est... Pourquoi t'as changé? Pourquoi j'ai changé? J'ai changé pour plusieurs raisons, mais je te donnerai plus mes trucs et astuces. Non, vraiment, c'est pas dans le regard, c'est dans son texte. Ah ouais? C'est dans son texte, c'est dans son texte. Parce que je vais en donner un truc qui m'a fait changer d'avis. Ouais. Et c'est intéressant, on est un petit peu dans le mentalisme quand vous écoutez. Ah ouais? En fait, tu veux savoir comment je te dis? Ça partait d'un petit jeu et de... Non, parce qu'en fait, si c'est vrai, si le mec s'est vraiment fait arrêter, enfin, si l'histoire est vraie, moi je me suis dit que c'était vrai parce que je me suis dit que le mec, c'est quand même pas fin, mais il y a des mecs qui sont complètement cons sur Terre. Donc c'est-à-dire que le mec, il s'est fait arrêter, tu le dis. Oui. Mais par contre, t'as pas dit qu'il était mort. Bon voilà. Non, non. Moi, je pense que ça se voit un mec qui est dans un coma. Bah, oui. Voilà. Donc je pense que le mec, il se faisait employer ou je sais pas comment il faisait, etc. Mais c'était grotesque. C'est vraiment un truc grotesque. Donc ça m'étonne pas qu'il se fait attraper. Donc voilà. Et donc c'était pour moi possible. Voilà. Juste un abruti fini. Voilà. Le mec se serait pas fait attraper. J'aurais dit, tu vois, il serait mort dans le colis ou quoi. J'aurais pas cru. Il s'est même pas fait attraper. C'est son complice qui l'a dénoncé. C'est vrai. Ouais. T'as un connard. Donc il aurait pu continuer longtemps. Très bien, et ben voilà. Donc un sixième point pour moi, j'aurais pu en avoir 7 sans répondre. Et on continue avec encore un autre faux des cadeaux. Alors là, Aurélien, il était encore une chance, hein, mon gars. Ah ouais. Un point pour Aurélien, un point pour Pierre. Pour l'instant, égalité. On t'écoute. C'est au Zimbabwe, c'est une femme qui a tué son bébé de 18 mois. Elle l'a étranglé et elle lui a coupé l'oreille. L'oreille, elle l'a ensuite revendue à 15 euros à un guérisseur. Et le but du jeu, en fait, c'était que le guérisseur lui fasse une potion qui porte chance avec l'oreille de son fils. La mère a été arrêtée et le guérisseur, lui, a quitté le pays. Quand la police est allée chez lui, ils ont retrouvé 11 crânes humains. Tu peux répéter, s'il te plaît, Flo Decadeur ? Oui. C'est au Zimbabwe, une femme qui a tué son bébé de 18 mois. Elle l'a étranglé et lui a coupé l'oreille. Et l'oreille, elle l'a revendue à un guérisseur pour 15 euros pour qu'il lui fasse une potion qui lui porte chance. Au Zimbabwe ? Oui. Pierre ? Ouais. Vrai ? Ouais. Aurélien ? Je vais dire vrai aussi. JM du standard. Je dis faux, Guillaume. Tu dis faux parce que tu m'as vu faire une grimace à vous. Non, j'ai bon depuis tout à l'heure. Non, parce que je pense savoir à quel moment on peut le piéger là. C'est vrai, c'est pourquoi vas-y, dis-le, parce que de toute façon les deux ont joué. Ouais, hein, Aurélien et Pierre. À quel moment tu payes 1 euro au Zimbabwe? Oh putain. Il t'a baisé. La réponse est faux pour moi aussi, la réponse est. Bah, je suis content qu'on finisse sur celle-là parce que c'est vrai. Mais non. Merci JM. C'est l'équivalent de 15 euros. Ouais, fallait le dire alors. Ah ouais. Non, fallait le dire. Il a raison, Jean-Marc. Ah ouais. C'est sur des détails qu'on peut te piéger. Donc il faut que tu sois carré toi, de ton côté. Très bien, on va en faire une dernière. Ah, ok. En plus, moi j'ai failli dire vrai. Ah ouais. Parce que je pense aussi, alors ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, dans certains villages ou quoi, il y a beaucoup de magie noire en Afrique noire. Il y a beaucoup de magie noire, beaucoup de magie blanche, beaucoup de marabouts, mais beaucoup de trucs un peu occultes, un peu chelous. Et moi, j'ai des potes qui ont voyagé un petit peu, qui ont fait le tour de l'Afrique, etc., machin, qui sont allés aider dans des associations, tout ça. Et en fait, peut-être que cette femme-là, elle avait ses deux autres enfants qui étaient malades, qui allaient mourir, et elle s'est dit, je vais couper, tu sais, dans des rites un peu chelous, je vais couper dans la magie noire. Moi, j'aurais dit vrai là-dessus. Et en fait, j'aime et je me suis dit, putain, il t'a baisé, je t'ai vu rien, donc j'ai suivi un pauvre con. Tu vois, il y a toujours une intervention d'un connard qui fait. Ah non, je suis très content. C'est vrai, putain. Et c'est d'ailleurs, l'homme se fait toujours avoir par des perturbateurs. Mais c'est très bien. Il faut garder sa ligne et son instinct, et tu te tromperas pas. Voilà. Et donc. Je suis bien content. Voilà. Donc, donc je suis désolé. Vraiment, je viens de me faire ken et je suis très, très mécontent. JM du standard, c'est ce soir le diable. Ah non. Et il m'emmène vers le chemin de Satan. Alors j'étais bon en plus là, putain. C'est vrai. Bravo. Allez, un dernier, excusez-moi, Pierre et Aurélien, vous avez un point pour chacun de plus. Aurélien, 2 points pour l'instant et Pierre, 3 points. On continue, Flo des cadeaux quand tu veux. Alors c'est au Portugal, près de Porto, c'est un homme qui a voulu se sécher les cheveux en mettant sa tête au micro-ondes. Le problème, c'est qu'il portait une boucle d'oreille en métal et ça a créé une explosion. Les voisins ont appelé les secours en entendant l'explosion et l'homme est décédé. Aurélien. C'est faux. Faux. Et Pierre. Faux. JM du standard. Faux. Pourquoi? Pourquoi faux, Pierre ? Moi, je dirais faux parce que de 1, un homme avec une boucle d'oreille, et de 2, on peut pas mettre le micro-ondes en route sans fermer la porte. Donc, Aurélien, pourquoi faux ? Parce que j'ai jamais encore réussi à mettre un micro-ondes allumé en laissant la porte ouverte. JM du standard. Ouais, pareil. Voilà. Ah, tu savais pas t'allier le mytho. Toi, t'es vraiment un mytho. Le mec, c'est une chèvre, JM. C'est un poulpe, le mec. Mais non, je sais pas. C'est un calamar. Non, t'avais pas d'avis. Non, je pense qu'en fait, voilà, il a dû avoir une idée avec une histoire avec un micro-ondes, donc voilà, il voulait. Non, mais t'en sais rien en fait. Non, je sais pas. Putain, le mec, c'est un chameau. Si c'est vrai. Non, mais c'est pas compliqué. Calamar. En fait, c'est que le tu peux pas le fermer et l'allumer en même temps. Ah, hein, oui, mais j'ai pas. Et deux, par contre, Pierre, des boucles d'oreilles sur des mecs, il y en a plein. Bah oui. Moi, je vais dire faux aussi, et la réponse est. C'est faux. Allez, facile ça. Le micro-ondes, tu sais bien qu'il ne se ferme pas. Bah si, non. Tu peux l'allumer. Bien sûr que non. Moi, j'ai eu plein de micro-ondes, tu peux l'allumer la porte ouverte. Absolument pas. C'est impossible. C'est pas possible. C'est impossible, il y a une sécurité sur même le micro-ondes de merde. Pour les ondes. Exactement, Aurélien. Allez, exactement, il y a du fer qui arrête les ondes pour pas que ça soit nocif pour la santé. Donc, ou alors, ton micro-ondes, il date vraiment des années 40. Ouais, c'était pas. Et c'est le premier micro-ondes au monde où ils se sont rendu compte que Marie Curie, elle avait plus de cheveux transparents. Elle était transparente la nuit, mais sinon, vraiment, non. Faux, donc 4 points pour Pierre, 3 points pour Aurélien, JM du Standard qui, 3. Au hasard, gagne son point, 4 ouais. points, et 7 points pour moi. Ouais. JM, ça, tu dis faux, mais tu sais pas pourquoi, quoi. Bah non, le bah, mec, il a aucune. Putain, mais réfléchis, bah, j'ai réfléchi, mais. C'est comme les QCM au lycée. Attends, mais tu dis juste. JM, ça, tu sois fatigué, moi, j'y vais au talent. Le dernier, au talent. Et c'est juste parce que tu t'es dit, il y a une histoire de micro-ondes. Ouais, c'est ça, ouais. Je me suis dit vraiment. Pas parce que la porte ne se ferme pas. Ah, bah si, mais pas. Ouais, mais si j'allais dire ça. On allait me dire, ouais, je suis un suiveur, donc non, ouais, j'essaie de trouver une autre idée. Non, mais est-ce que t'en avais pas un peu mytho. Putain, mais je me trouve énervant, j'ai mis en arrière des fois. Je cherche marrant, il est plus. Allez, vas-y, on y va suivant, c'est parti. Flo Décalo, un petit dernier. Bah, j'en ai plus. Ah, bah, t'en as plus. Eh ben, 4 points pour Pierre. Pierre qui gagne. Bravo, Pierre. Bien joué, Pierre. Bravo, mon Pierre. Bravo. Ah bah, merci. Et ben voilà, Pierre qui est content. Et Aurélien qui est pas trop déçu, Pierre, qui s'est fait étaler non, par Pierre. C'est son anniversaire, c'est bien pour lui. Et ben, bon anniversaire, mon Pierre. Bravo, on va t'envoyer Pierre. Un petit cadeau à la ouais. maison, d'accord. Oh, super, merci. Alors, on va se faire le jeu des hôtels dans un instant, l'hôtel ouais. Gros Bâtard. On va parler de cucu aussi avec Molly qui avalait pas et maintenant qu'elle avale tout. on va en parler dans deux minutes. Et puis, Aurélien, tu veux faire une dédicace quand même si c'est pas ton anniversaire et que t'as perdu. Une petite dédicace, ouais. Une petite dédicace à vous déjà pour tout ce que vous faites là, c'est extra. Vivons la semaine prochaine. Ouais, merci et beaucoup. Et ma chérie qui m'attend, là, ça fait une demi-heure que je suis avec vous bientôt, elle m'attend. Elle est où? Elle habite en montagne et j'ai encore une demi-heure 40 minutes de route. Ah oh, putain. Vous allez chez elle ce et soir, puis, c'est ça? Pardon? Vous allez chez elle ce soir? Ouais. Donc elle m'attend là. Et une petite dédicace à toute mon équipe de Barjo qu'on a fait l'Euro. Aline, Fabien, Julie, Laura, Lionel, Élise, Thomas, Dada, Steph et Sam. Eh ben y a pas de problème mon gars. Et pareil, voilà. Merci de l'appel en tout cas, ça fait super plaisir. Ouais, merci. Hein. Et puis content que tu sois là mon gars, et puis content que tu connaisses l'émission, et puis ça fait plaisir quoi, on est de plus en plus nombreux, c'est trop cool. Ouais, je suis content quand il y a des mecs qui appellent. C'est ton dépucelage radiophonique, t'as, non, t'étais déjà passé il y a longtemps. Hein. Ouais, cuisto. Il y a 2 mois, ouais. Le cuisto. Il y a un mois, mais ça, on a été coupé à la douane suisse. Et j'ai pas pu rappeler. C'est vrai ? Pourquoi ? Ouais. Bah c'était en fait il y a que Amina qui gère le standard, je crois que son copilote il vaut pas un clou. Ah c'est Flo Décalo son copilote. C'est gentil. Ou JM du standard. Ouais, ça dépend. C'était JM. Ah c'était JM ce soir là. Ah merde. Pourquoi ? Problème de réseau, j'étais sur réseau suisse, je suis passé en réseau français le temps que je passe à l'antenne et. Ah merde. Ah ça a coupé. Oh putain de merde. Bon bah en tout cas t'es relâ mon pote. Je t'embrasse ouais. En tout cas, merci d'être là, tout cool. Merci à vous. Gros bisous. Ciao. Et Pierre, tu veux faire une dédicace ? Ouais, à mes parents, à vous, au collège Merci. Du Sacré-Cœur, avec ouais. Saint-Provence. Et puis à tous ceux qui m'auront peut-être reconnu. Vas-y, y'a pas de problème, en gros. Et puis bon anniversaire encore une fois. Hein. Bon anniversaire, ouais, bon anniversaire. Pierrot qui a gagné en plus. Je vais te ouais. remplacer Florent Grado, d'accord, maintenant, y'a un cadeau. Ok, mon pote. Ok. Ok, tu nous diras un petit peu. Tu fais du sport ou pas, toi, Pierrot, là? Non, mais je voulais m'inscrire au club de basket. Ah, au basket, c'est vrai? Cool, c'est bien. T'en as déjà fait ou jamais? On va dire oui, parce qu'en fait, dans le collège, il y a un club de basket interne au collège. Ouais. Moi, j'en faisais dans le club interne du collège, tu vois. Ah, ok, en mode, interne. Voilà, c'est ça. Mais là, je voudrais faire interne et externe, tu vois. Ok, et vas-y, bon courage maintenant. Ouais. Ouais, en faire en plus que les cours, quoi. Bon, je t'embrasse, mec. Ouais. Et bon courage pour le basket. Hein. Et bonnes vacances. Tu fais quoi cet été? Tu pars quelque part? Je voulais monter sur Paris, mais non, je sais pas. Parce qu'il y avait l'exposition de James Bond, là, tu sais. Il y avait l'exposition de James Bond, ouais, exactement. Ah, t'es fan de James Bond? Ouais. Ouais, j'aime bien. On va dire que ouais, j'aime bien. Énorme. Pourquoi? T'es passionné? Non, pas passionné, mais genre, tu mets un James Bond, je vais pas refuser, quoi. Ah, bah attends, pour venir à Paris pour une expo, ouais. Faut quand même aller kiffer. Ouais. Eh ben mec, dédicace James Bond alors, Pierre Bond. Gros bisous mon pote, à bientôt gros. Merci. Salut. Allez, on parle de CSX et on se fait le jeu des hôtels aussi. Juste après, Calvin Harris et Rihanna. This is what you came for sur Energy. Putain, il est chiant à lire ce titre, putain. Allez, Calvin Harris et Rihanna maintenant. We go fast to the game we play. what you came for. Lightning strikes every time she moves. Attendre la fin de l'année pour qu'ils aient des horaires simples. Du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez sur Énergie. Le diable s'habille plus en Prada. Bien reçu l'autocollant, je tiens à te remercier à toi et toute l'équipe. Ne changez rien, vous déchirez, vous allez nous manquer à partir du 15 juillet. Merci mon Greg, c'est super gentil. Tous ceux qui ont reçu des autocollants, les mecs, déjà merci beaucoup. Je crois qu'il nous en reste quelques-uns en fait. Hein. Ouais, un peu, ouais. J'aime du standard. Ouais. Il en reste ou pas, tu crois? Ouais. Est-ce que tu crois qu'on a le temps dans les 48 heures qui restent avant de partir en vacances, avant de partir d'envoyer 300? Ouais, 300. 300, c'est vrai. Ouais, bon, ça va être juste. Ouais. Ça va être juste. Il est là, notre stagiaire, qu'il est fait ou pas, non? Ouais. Il est encore deux jours. Attends, il faut que tu me dises là, parce que sinon, moi, je peux essayer. Ouais. Je peux essayer. Il nous reste 300 autocollants, j'ai vu, ou 500, mais on va dire 300. Ouais. Et j'en refilerai 200 demain si jamais on les a mal comptés. Les gars, j'ai regardé, il est 23h49. J'ai des autocollants pour les voitures hein, qui valent quasiment 2 euros qu'on a payé. Je vous les offre, je vous envoie tout. Il faut juste m'envoyer votre adresse postale. Je veux les 300 premiers SMS à partir de maintenant. Voilà, Guillaume, un espace, votre adresse postale complète avec votre nom, votre prénom, votre adresse. Vous me l'envoyez au 6 11 12. Maintenant, allez-y, hein, je vous dis, je les compte à partir de maintenant. Là, on commence à. Attention. Et par contre, ceux qui en ont déjà eu, les gars, renvoyez pas, s'il vous plaît. Ouais, bah ouais. Je compte sur vous après si vous recevez les autocollants pour les poster dans la rue, etc. Machin. Je suis en train de masturber sur la photo des ménages du soir, merci beaucoup. Ça fait une heure, j'arrive pas à éjaculer. Bonsoir à toi. Alors attends, Martin Nicolas, voilà, le premier. Salut. Qui est arrivé dans le 56. Martin, Jean-Charles, 28 ans de la Varenne, voilà. Là, ça marchera pas, Jean-Charles. Il faut vraiment que vous me donniez tous les trucs, les mecs. Code postal, ville, adresse, prénom et nom. Voilà. Très bien. Il y en a eu 45 pour l'instant. 45. Je note. Hein. Et vous recevrez ma petite enveloppe d'ici deux jours. Hein. Voilà. Vraiment gratuitement, hein, les gars. Attention. 100. Ça y est. On en est à 100. Guillaume et votre adresse complète. Voilà. Attention. Même pas 100. 106. 120. Voilà. Ça arrive. Guillaume et votre adresse. 140. 160. Très bien. 170. 180. Voilà. Je les reçois en direct. 200. Allez, il n'y en a plus que 100, les gars. Voilà, 100, 210, 220. Attention, il reste quasiment plus de temps. Voilà, il nous en reste plus que 40. Attention, plus que 20. Attention, top, c'est terminé. Ouais, voilà, c'est bon. C'est terminé, on prend. Et toutes ces adresses-là, je les renvoie. Salut, le dernier qui est arrivé, c'est Tranco Mehdi. Mehdi Tranco, Diori les Vignettes. Salut. Non, tu vois, il manque un truc, mon Mehdi, là. Tu m'as envoyé Mehdi à Tranco dans le 10. Diru V Géniat, tu vois, il manque trop de trucs, mon Mehdi. Renvoie-moi mon Mehdi un petit peu mieux l'adresse parce que là c'est le bordel gros. Et que après je pourrais pas te l'envoyer. Je vous fais les enveloppes là, on vous envoie ça avec plaisir. Je compte sur vous pour les foutre un petit peu sur le cul de vos voitures, des camions, etc. Juste avant demain, je fais tourner une roue, la roue des copains, pour savoir avec qui je fais l'émission. Ça peut aller entre 0 et 6. Attends, Flo des cadeaux, reviens s'il te plaît. On fera le standard pendant la pub. Viens là. Attends qu'il appelle les hôtels. On va faire tourner la roue des copains. La roue des copains, c'est ce qui définit tous les jours pendant l'été. L'équipe avec qui je ferai l'émission le lendemain. Ça peut s'arrêter sur auditeur et dans ce cas-là, j'appelle l'un d'entre vous par SMS, etc. Alors c'est parti, je fais tourner la roue des copains entre 0 et 6. Je peux faire l'émission tout seul, on peut faire l'émission à 6. Pour l'instant, ça s'est arrêté sur 4 toute la semaine dernière. Ouais. Sur 2 aujourd'hui. Ça va avoir de la chance. Ça s'arrête sur une personne. Oh, la chance. Putain, demain. Alors attends, je vais tourner la roue avec les prénoms. Ouais. Il peut y avoir Julien le stagiaire, Amina du standard, Jordan l'apprenti, l'un d'entre vous chez vous, Julia qui est en stage, Flo des cadeaux, Guigui de la régie. Ouais. C'est parti. Allez, on va sur qui ça s'arrête demain. Je ferai l'émission qu'avec une seule personne et ça sera avec Julia qui est en stage. Avec Julia. Les loups seront mangés par le berger. Je me ferai bouffer la barbe. simple parce qu'il n'y a pas de standard, il n'y aura personne, les gars. Ça va être la galère. Bon, on va rigoler demain. On va apprendre à connaître notre petite stagiaire. Ah, là, voilà. Ouais. On se retrouve dans 2 minutes. Vous bougez pas, on parle. Équipez-vous pour cet été en gagnant le pack vacances énergie avec dedans un MacBook Air plus un iPhone 6S plus un casque Beats sans fil. Dès que vous entendez le double hit énergie de l'été avec deux hits de Enrique Iglesias à la suite. Hi, this is Enrique Iglesias. Soyez les premiers à appeler énergie 3937 et vous gagnez le pack vacances énergie. Un MacBook Air avec un iPhone 6S et un casque Beats sans fil. Pop, R&B, dance, la radio de l'été, c'est NRJ. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire, Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu héros, non? Ouais, ça fait déjà loup, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Sophie se prépare pour aller chez McDo, mais pour l'instant, elle est sur le balcon. Elle regarde le ciel. On voit bien les étoiles ce soir. On en voit plein! D'ailleurs, combien on en voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'ai déjà compté celle-là, bon, je recommence. Bref, Sophie se prépare à sortir pour aller chez McDo, mais elle n'est pas encore rendue, vu que pour l'instant, elle compte les étoiles dans le ciel. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. Allez, sur Énergie, de retour ce soir en direct à 23h54. Et on va se faire le jeu des hôtels avec Lucas. Tu m'entends, mon Lucas, là, avant de laisser la parole à Mickaël tout à l'heure. Et demain, je ferai l'émission, du coup, qu'avec une seule personne. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles Sandard? Il n'y a pas Mickaël ce soir, Guillaume. Ah, il n'y a pas Mickaël. Ah, ouais. Ah, mais oui, ouais, putain, très bien. Mais oui, on est quel jour? On est lundi. Ah non, on est lundi. Ouais. Ah, ils sont en vacances. C'est ça, exactement. Ouais. Une semaine, et à partir de la semaine prochaine, voilà, ce sera eux qui seront à notre place, je crois. Ah, donc ce soir, c'est Fred Perry. Ouais. Ouais. Jack Perry. Jack Perry, ouais. C'est bien. Fred Perry, c'est la marque de chaussures. Voilà. Putain, mon gars, j'y connais rien en DJ. Y'a qui d'autre après JM Sandar? Ah, y'en a plein, franchement. Voilà, elle est fou. Y'a le truc, et tu vas voir. Attends, mais dis-nous, on a envie de savoir, JM Sandar. Mais non, c'est que de minuit à 2h. Attends, eh ben c'est pas grave, on s'en branle. Dis-nous quand même qui c'est. Le mec, il est assis sur son chaise, on recule et il va pas se lever pour nous dire. Non, mais c'est vraiment, JM du standard, il tombe pas rond en ce moment. Tu vas pas te plaindre, l'année prochaine, tu vas te retrouver sur Fun Radio, toi. Mais demain, on a le Et même Fun, ils vont être dégoûtés. Ah non, écoute, écoute. Fun, ils font la mort. Même Jules, il le dit, con. Ah ouais, Jules, voilà, alors, vas-y, alors, applique-toi et apprends à lire une liste de 5 mots, vas-y. Ah ben voilà, Jack Perry ce soir. Voilà, bravo, demain. Voilà, demain, il y a Matène. Voilà. Mercredi à Deoro, jeudi à Bob Sinclair, voilà. Tiesto. Voilà. Voilà. Tu vois, quand tu veux, tu arrives à faire les choses correctement. Faut juste un petit peu de motivation, garçon. C'est ce soir, c'est pour ça. Faut se réveiller le matin, il faut mettre des nouvelles piles. Je sais pas, faut. Faut boire du jus d'ange, mon Gilles Sanna. Sortir avec toi du cul, je sais pas, à un moment donné, putain. Y'en a plus. Bon, mon Lucas, excuse-moi. Non mais mon JM du standard, il a pas envie ce soir. Mais si je veux. Il a envie d'être au chômage l'année prochaine, mon JM standard. Oh là là, putain, la lourdeur du gars, quoi. Ah non, pourtant. Il y a une liste, putain, tu sers qu'à ça là, t'es là, t'es là pour ça, bordel. Ah ouais, mais je l'ai dit. Le mec qui reste assis sur sa chaise, on dirait qu'il est payé pour pêcher le. Ah mais je vois pas bien de loin. Oh, t'es pas au bord de la. Eh ben tu lèves ton cul, tu vas la voir la liste. Ah, je l'ai vu, c'est bon. Putain, excuse-moi, j'ai l'impression d'être sur RMC quand j'entends sa voix, ça me stresse. Ah non. Attends, excuse-moi, mon Lucas. Tous l'action marseillais là-bas. Bon, ça va, mon Lucas, t'appelles de la Drôme, t'as dans le 26. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, mais alors, qu'est-ce que tu viens raconter, mon Lucas, là? Tu viens raconter un petit peu le. Avant, tu avalais pas, maintenant tu avales, c'était ça le sujet plus, hein. Les trucs qu'on fait, les trucs qu'on fait. Non, je rigole, t'es là pour le jeu des hôtels, alors c'est Molly qui a appelé, l'une d'entre vous qui nous a appelé. Flo des cadeaux, ça va ou quoi? Tranquille, mec qui fait standard dans le garage, là, tu veux pas venir avec nous au studio ou t'es ta grand-mère aussi, toi? C'est bon, il y a 5 hôtels, ramène ton cul aussi. Oh là là, il faut tout leur dire à ceux-là. Non, mais vraiment, t'as l'impression que ce soir, ils ont cru que c'était la kermesse de fin d'année. Non, mais c'est des feignants. Non, mais je te jure, mon gars. Je suis pas la gueule. On finit vendredi, ça y est, les mecs, ils se croient. Ah ouais, non, ils se croient en Tanzanie. Au contraire. Flo des cadeaux, ils se prennent pour un zèbre. Bah non, j'appelle des hôtels. Bon, attends. Et pendant l'autre, JM Sandar, il te regarde, il se branle, quoi. Ah non. Vraiment une équipe de bras cassés. Ah oh là là. Excuse-moi, mon Lucas. Désolé. D'ailleurs, on est en plein mercato. S'il y en a un qui veut une bombe, genre RFM ou quoi, vous voulez un standardiste qui vous coule votre boîte, vous appelez Flo des cadeaux. Hein, ah, ça fait 14 minutes, il a mis 5 hôtels, au gros. Il a commencé à 44, il est 57. Il est tard. Oh putain, mon gars. Et t'as l'impression, il ouvre les pages plus jaunes, avec son nez, c'est qu'il fait passer les pages comme ça. Ah putain, mon gars. Il est tard. Tu rappelles ce que tu faisais dans la vie avant de faire de la radio, Flo des cadeaux, s'il te plaît? J'étais téléopérateur. Voilà. Je rêve de thune de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Je vous jure, ça s'invente pas, mon Lucas. Ah non, c'est pas une couille. Hein. Je m'y connais en téléphone. Bon, moi, je m'y connais pas en DJ, donc on les écoutera après. Jacques Perry. Hein, Jacques, ouais, Jacques Perry, ouais. Jacques Perry. Ça fait un peu nom de burger, Jacques Perry. Ouais, Jacques Perry. Peut-être le mari à Cathy, ouais. Quick. Hein? Oui, peut-être un couple avec Cathy. Merci beaucoup, j'ai du standard. On va finir là-dessus. En plus d'être mauvais, il sert à rien. T'as l'impression que j'ai embauché Satan. Ah non, pas juste la soirée. Il a mis toute la soirée, quoi. Ah non. Et en plus, moi, il y a de monde dans l'équipe que je trouve mauvais. J'ai du standard. Ce soir, non, mais alors ce soir, mon GM du standard, vraiment, faut que tu te ressaisisses. Ah bah, vraiment. Je vais saisir, Guillaume. Alors, je vais même envoyer ton numéro, si tu veux. T'es un mytho, j'ai toujours pas reçu mes autocollants la dernière fois. Arrête et me couiller, mon Will. Je pense que. Tu me dé plus loin soie soie, voilà. La soie c'est la matière, ouais. Tu me déçois, c'est D-O-C-O-I-S. Ouais, c'est bon, ça. Hein, mon win. Hein, déjà, bon, premièrement, Becherel. Non, c'est pas Becherel. Et Flo Decano, tu vas le bouffer, le Becherel. Si tu parles pas comme ça, mon win. Ouais, moi je pardon, prends la désolé, défense, Will. C'est cru pour tu parles pas comme ça, Flo Decano, vraiment tu reviendras plus jamais. Désolé, Will. Faut respecter un petit peu, juste mon Will. Bon, déjà, si t'as mal écrit, tu me déçois. Peut-être que t'as aussi mal écrit le nom de ta rue, tu peux comprendre. Non, mais je veux dire, à un moment donné, faut arrêter de me dire, je suis un mytho. Parce que nous, on passe la journée à faire des putains d'enveloppes. Ah ouais. J'ai passé 3 heures par jour. On a envoyé 1500 autocollants. Nous-mêmes, je veux dire, et c'est pas l'équipe de collègues qui nous a aidés, ils sont en train de se faire bronzer l'anus. Ouais. Donc on est toute l'après-midi, on est le 11 juillet, dans les couloirs de la radio, à faire des enveloppes. Et vous venez me dire, je suis un mytho. Non, non. Les gars, c'est un mytho, les gars, c'est Jérôme Cahuzac. Ah. Alors, je sais pas, vous êtes comme ça, mais arrêtez de me dire à moi, je suis un mytho. Les gars, franchement, on passe la journée travailler. Il y a des trucs qui se font, il y a des trucs qui se font pas. Alors t'as le droit de dire tu me déçois en deux mots, ouais. Mais t'as pas le droit de me dire que je suis un mytho. Voilà, il y a des trucs je dis rien, il y a des trucs qui à un moment donné passe pas quoi. Respect. Putain, mais en plus vraiment les mecs, c'est un mec qui se donne, c'est encore notre anniversaire d'émission, ça fait 5 ans aujourd'hui jusqu'à minuit, ouais. Il reste 15 secondes pour vous le dire, on est le 11 juillet encore pendant 15 secondes. Voilà. Mon Lucas va peut-être faire le jeu des hôtels, t'es pas venu pour te branler les couilles toi aussi, parce que là, si mes deux standardistes ils se branlent les couilles toi aussi, on va pas s'en sortir, Lucas. Tout le monde se branle ce soir là. On a la première émission. Ah, voilà. Mais bah, il est temps. Bon, attention, pas du tout. Ouais. Bon. Ouais. Ça, c'est notre premier mot à la radio sur Énergie à 5 ans. 21h minuit sur Énergie. Ah, oh, ça va le son. Guillaume Radio 2.0. Allez, on est parti. Bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus sur Énergie. Bien content de vous retrouver ce soir là pour une nouvelle émission qui sera là tout l'été, du coup, entre 21h et minuit pendant 3 heures qui s'appelle Guillaume Radio 2.0. En tout cas, profitez bien des vacances, tout le monde. Vous retrouverez bien évidemment Coé à partir du 22 août, la rentrée d'Énergie. Puis nous, on est avec vous là-bas pendant 3 heures, du coup. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir en direct. Première émission à 5 ans. Pour venir délire avec nous, venir faire des jeux aussi, il y en aura plein. On va pas vous dire tout ce qu'il y a toute la soirée d'un coup, parce que sinon il y aura un règlement intérieur, mais on vous dira ça au fur et à mesure. En tout cas, si vous voulez passer en direct, envoyez des petits messages, bah, vous êtes les bienvenus par SMS. Vous pouvez y aller, hein, ça arrive directement sur l'écran devant moi. Vous envoyez Guillaume, j'étais stressé, SMS, vous l'envoyez aussi, 11-12. Sur le standard aussi de Belgique, salut à tout le monde en Belgique, bah, 6018 par message, 78. Ah, ça change de numéro. 939, voilà, 939, c'est tout court. Et bah, vous pouvez envoyer un petit message aussi. En tout cas, bien content d'être là. Je vais vous présenter l'équipe aussi, parce que une nouvelle équipe dans un nouveau studio. La nouvelle équipe, on est pas beaucoup, hein, on est 3. Le studio, il est petit, il est magnifique. On est dans un tout nouveau studio, bien joli. Bien content d'être avec vous. En tout cas, il y a Marie qui est là. Bonjour Marie. Bah, salut Guillaume, salut tout le monde. Ça Marie. Bah, ça va, content d'être avec vous. Bah, ça va, je saigne du nez parce que je suis stressée. Mais tout va bien, pourquoi ça n'est pas. Bah oui, ça fait 100 ans que j'attends d'être là. Bon, ça va Marie. Marie qui vient de Cambrai. Oui, Cambrai dans le Nord. Voilà, et bah big up à tous ceux du Nord, bien content d'être avec vous. C'est le premier mot que je viens de stagiaire. Salut à tous les Nordis, salut à tout le monde, là, bien content d'être avec vous pour envoyer des messages. On va dire tout ça à Guillaume, un espace et votre message 6-11-12 pour lire tout ça. Faut bien envoyer Guillaume au début, sinon ça marchera pas. Donc Guillaume, un espace, le message pour venir délire avec nous. Vous serez les bienvenus toute la soirée, bien évidemment. On va retrouver Alexandre, le premier de la soirée, là, qui nous a appelé, enfin qui s'est inscrit sur Facebook cet après-midi parce que vous étiez bien qu'il a pas appelé en 10 secondes. Il y a Julien le stagiaire aussi, le troisième de l'équipe. Ça va, Julien le stagiaire? Ouais, ça va bien, Guillaume, salut à tous. Ah oui, bonjour, Julien le stagiaire. Ça va. Bon, Julien le stagiaire qui vient d'où, lui, à la base? De Mulhouse. De Mulhouse. Dans le Nord-Est. Ah, et ben, salut à tous ceux de Mulhouse aussi. C'est en combien? Dans le 68. Et ben, 68 représente le 68. Un petit big up pour tous ceux du 68. En tout cas, si vous voulez venir en direct, bah, voilà, première. C'est marrant, rigolo. Ouais. Un changé de voix un peu, non? Ouais. Ouais. Ta voix, elle est plus grave. Ah, ouais. Elle est plus grave? Ouais. Ouais. Ah, ouais, j'en ai besoin de ça. Je peux pas partir jeu des hôtels, mon Lucas. Tu dois terminer. C'est le jeu de l'appel gros bâtard. Il faut que tu termines chaque phrase par gros bâtard. D'accord, Lucas? C'est ça. Sans parler mal, au standard, toujours poliment, gentiment. Oui, mais si vous me dérangez, gros bâtard, je voudrais une chambre d'hôtel pour deux personnes, gros bâtard. Et Bessel, Centre-Gare, bonsoir. Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle pour réserver une chambre d'hôtel, s'il vous plaît, gros bâtard. Non, ça va être possible. C'est pas pour ce soir, ce serait pour samedi, s'il vous plaît, gros bâtard. Non, non plus. Alors, quand est-ce que vous avez de la place libre, gros bâtard? Jamais pour vous. Et pourquoi ça, gros bâtard? Parce qu'il faut être poli. Mais je suis très poli, gros bâtard. Je crois pas, non. Mais moi, je crois que si, gros bâtard. Eh ben, je vais vous laisser, alors. Non, non, mais me laissez pas, monsieur, gros bâtard. Allez, bonne soirée. Non, non, non! Oh, ah, l'hôtel Ibis d'Angers. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles? Il y en a qu'à les 7, Guillaume. Et de quoi il y en a qu'à les 7? Ah, bah très bien. Ouais. Bah, bravo, mon Lucas. Putain, t'as été bon. Attends, je vais essayer de le faire avec toi. Allô? Allô, la réception, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, gros bâtard. J'aurais aimé réserver une chambre d'hôtel. C'est possible pour demain soir, gros bâtard? Bien sûr, pour combien de nuits? Alors, je viendrai. C'est jeudi parce qu'il y a le concert du 14 juillet à Toulouse, gros bâtard. Comment? Non, je dis, je viendrai jeudi parce qu'il y a le concert du 14 juillet avec un feu d'artifice à Toulouse, gros bâtard. Oui. Voilà. Donc, ça serait possible de réserver une chambre, gros bâtard? Oui, pour combien de nuits? Alors, je vais vraiment rester une nuit parce que t'es un gros bâtard. Pas plus. Je vais pas prendre le petit déjeuner. Il est en sus, le petit déjeuner? Non. 10 euros. Ah bah oui, donc c'est-à-dire qu'il est en sus. Sauf qu'on dit qu'il est en sus, c'est-à-dire pas qu'on avale, hein, c'est-à-dire juste que. Quand on dit qu'il est en sus, c'est-à-dire qu'il faut payer en supplément, en fait. En gros, mais t'enlèves le plément, t'es dit, putain. Ah. Non, mais vas-y, fais un petit dernier, mon Luc, là. Et puis après, on enchaîne avec Jacques Perry. Ça marche. Le DJ, hein, de ouf. Et tous les plus gros DJ du monde, c'est sur Énergie, hein, la chance. On les écoute à minuit. Bonjour. En raison d'un grand nombre d'appels, votre demande ne... Oh putain, ils ont un standard, il doit y avoir deux lignes. Ouais. Parce, il est minuit 5, il y a un grand nombre d'appels. Ou alors le mec, il a mis en pause, il est parti pisser, quoi. Oh, le diable, ça pille plus en Prada. Inter Hotel, redescend Hello, Lorine, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Allô? Oui, allô? Ça va? C'est Amandine? Non, c'est Lorine. Ah bah, il n'y a pas d'Amandine ici. Je sais, j'ai dit un prénom au hasard, hein. Je voulais voir si ça marchait. Tu vas d'accord. Bien? Oui, vous êtes... T'as un joli prénom, Lorine. Et vous êtes client de l'hôtel? Oui, non, j'aimerais bien réserver une chambre par contre. D'accord, pour quelle date? C'est pas avec vous que j'ai fait un match sur Tinder, là, l'application de rencontre? Non, absolument pas. Non, parce que mon petit frère, il me dit que c'est avec vous, Laurine. Vous êtes pas sur Happn? Pardon? Sur Adopt un mec, vous avez jamais mis un mec dans votre caddie? Non. J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontré, votre voix me dit un truc. J'ai pas dit tout le temps, monsieur. Mais moi non plus, je voudrais réserver une chambre, c'est possible? Oui, bah dites-moi la date. Vous avez une voix d'une star, Amandine. Laurine, je vous passe Lucas. Lucas, tu réserves, s'il te plaît. D'accord, pas de suite. Bonjour, madame Gros Bâtard. Ce serait pour réserver une chambre d'hôtel, s'il vous plaît, Gros Bâtard. Et là, raccroche. Eh, fais une petite dédicace, mon gros, si tu veux, là, Lucas. Bah alors, je vais faire une grosse dédicace à mon pote Mousse, à sa copine Camille qui m'écoute sûrement, à ma chérie aussi qui m'écoute, et une grosse dédicace à vous et à mon cousin Hugo. Ouais, merci beaucoup, mon gars, merci beaucoup. Ouais, big up. C'est super gentil. Je te repasse JM au standard. Ouais, ouais. Voilà, il est à côté de moi, mais on va raccrocher l'antenne pour laisser la place au DJ. Ouais. Et juste après, il te reprend direct pour t'envoyer un petit truc à la maison, d'accord? Pas de soucis, ça marche. Vas-y, c'est gentil, hein. Tu pars en vacances un petit peu quelque part, mon Lucas, ou pas? Ouais, je pars le 24 aux Canaries. Ah, énorme. Ah, ça. Combien de temps tu pars au Canada? Juste une semaine, jusqu'au 31. Ah, trop bien. Et après, tu fais autre chose ou tu rentres à la maison? Non, après, je rentre à la maison. Petite semaine de vacances déjà qui font bien Exactement. Plaisir. Bah, putain, kiffe bien, mon pote. Hein. Profite bien et puis merci d'être passé et tout pour notre émission anniversaire ce soir. Ouais, les 5 ans. Merci de m'avoir reçu. Et j'aime, t'es arrivé quel jour? Parce qu'il est arrivé genre 3 mois après notre arrivée. Et j'ai stagiaire. T'es arrivé en octobre. En octobre. On fêtera tes 5 ans. À peu près, ouais, c'est ça. 11 octobre, je crois, à peu près. Ouais. 11 octobre, ouais. À peu près, je sais pas le jour exact. Allez, je vous laisse à Katy Perry. Fred Perry, au revoir, bonne soirée tout le monde. Ciao. Non, j'ai fait exprès pour faire peur. Il y a Fred Perry qui était pas du tout prêt, il est en train d'installer ses platines. J'ai voulu lui faire une petite peur. Allez, on s'amuse entre nous, les gars. Ne me laissez pas seul parce que je vais tout renverger. Tôt ou tard, les loups seront mâchés par le berger. Je me laisse pousser la barre. Allez, gros bisous les mecs, à demain 21h sur Énergie. Je serai juste avec Julia qui est en stage. À demain. Ah non, Guillaume, peut-être à mercredi. J'espère, Guillaume. Pour là, l'émission fois, là. Pour les... Ah ouais, putain. Écoute, en même temps, ça commence à être plus. Ah oui, c'est vrai que ça fait la roue est tombée que sur lui, ça fait 4 jours qu'il est tombé. C'est vrai, Flo Décalo. Ah ouais, il est là tout le temps. C'est écoute, Flo Décalo, peut-être dans 2 jours. Ah bah j'espère. On fera tourner la roue demain et je vous appellerai en tout cas. Salut Guillaume Sandard. Bonne soirée, Guillaume. Bonne soirée à vous. Merci à très bientôt. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Excellente année prochaine à vous. Merci à vous. Et on se retrouvera au plus vite. Au plus vite. Guillaume Sandard, bon week-end. Nous vous tenons au courant. Nous sommes en direct sur Radio. Un petit dernier Radio Claque avant de partir. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée. Je suis avec Nikita, voilà, qui est mon assistante russe. Bonsoir Nikita. Je suis là. J'adore la Russie. Mais non, c'est pas ça, il est obligé. Oui, mais si. Il écrit un sketch, il écrit la dernière. Je voulais apporter un peu de changement. Je suis avec aussi Baltazine. C'est comme Balthazar, mais en fille. C'est sa petite. C'est Baltazine. Bonsoir, Baltazine. Bonsoir, les filles. Baltazine, vous avez fait des crêpes. Ah oui, des crêpes au saumon. C'est pas très bon, mais c'est très distingué. Mais je vous rappelle que ce n'est pas la Chandeleur. Nous ne sommes même pas dans Friends. Ah putain, il m'énerve quand ils font ça. Allez, à après-demain peut-être, Flo Décalo. Après-demain peut-être, j'espère, gros bisous bonne les chéris chez vous. Je vous embrasse très fort. On se retrouve demain 21h avec Julia qui est en stage chez nous. Du coup, on a fait tourner la roue de l'équipe et on change l'équipe tous les soirs. Je vous embrasse très fort. J'ai hâte de vous voir demain. On se retrouve demain 21h sur Énergie. Et cette fois-ci, je vous laisse vraiment avec Jacques Perry. Gros bisous tout le monde et à demain sur Énergie. Ciao. Merci d'être là, les mecs. Merci pour ces 50 bonheurs. Gros bisous tout le monde et à demain. Let's go. Vous entrez maintenant dans le plus grand club du monde. Toutes les plus grosses bombes dance, toutes les meilleures exclus. L'émission dance numéro 1 sur la première radio musicale de France. Énergie extravagante. La plus grosse salle de France démarre maintenant. Yeah.